On peut commencer. Il y a des gens. On peut commencer. Que notre Seigneur vous bénisse. Que notre Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. On continue dans la deuxième session, d'accord? Baissons encore la tête. Prions. Prions. Prions. Tant de Père, nous sommes encore réunis devant toi après cette petite pause que tu nous as donnée dans cette autre session. Merci Père de nous avoir montré comment avoir une relation avec toi et de la maintenir. Merci Père, dans cette première partie, tu nous as donné comment avoir cette relation, comment maintenir cette relation en nous éloignant de ces choses-là qui ne t'appartiennent pas et dont tu n'aimes pas. Maintenant, dans cette autre session, Seigneur, nous attendons à toi. Dirige-nous et garde-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Donc, on peut parler maintenant, n'est-ce pas? Lorsque je suis entré dans votre pays, j'ai eu une vision. Je veux toute votre attention maintenant. Depuis, je suis en train de chercher le moment pour dire ceci. Je crois que c'est l'objet même. Il veut dire ceci. Je ne sais pas si je vais dire de la façon que j'ai vu. Ou bien je vais dire. Mais je vais dire avec ce langage-ci. Si vous pouvez saisir, vous saisissez. Mais après avoir dit ceci, après avoir raconté cette vision-ci, maintenant je vais dire quelque chose concernant cela. C'est-à-dire un message lié à cette vision-là. J'ai vu, il dit, je le dis parce que c'est parce que c'est légitime, c'est parce que j'ai vu dans votre pays. Si vous pouvez garder ça, je vais dans mon pays avant de parler de cette vision que j'ai vue ici. J'ai vu ici, je me dois donc de déclarer ça ici. Si tu ne peux pas m'écouter à partir de distance, il faut que vous arrêtez. Chaque fois qu'il dit ces choses-là, il faut que, je crois que toi arrête ici pour que ça aille. Vérifiez de ne pas appuyer, d'accord? Il veut que ma voix soit bien prise sur tout votre enregistrement. J'ai vu le ciel ouvert. Depuis le jour où je viens prêcher, j'essaie de voir si ces choses-là sont uniquement pour la Côte d'Ivoire. Mais je vois que c'est quelque chose qui est sur le point de secouer toute la terre. Parce que c'est planétaire. Mais je dis ici parce que c'est ici que j'ai vu cela. J'ai vu le ciel ouvert et un événement terrible se préparer au niveau du ciel. Et ces choses-là qui... Ça veut dire qu'à tout moment maintenant, quelque chose est sur le point de se passer. Mais ça, ça a une portée universelle au-dessus de nous. Et ça, c'est extrêmement... Vous voyez ce même mot, c'est moi aussi. C'est extrêmement imminent, cette chose que je suis en train de regarder devant. Ce que j'ai vu. J'ai vu le ciel ouvert. Et quelque chose parcourait au-dessus de ce ciel. Dès que le ciel était ouvert, ça parcourait au-dessus de la terre. Et les gens étaient déboussolés à cause de ces choses. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. Et je recommence. J'ai vu le ciel ouvert. J'ai vu le ciel s'ouvrir comme ça. Waouh! J'ai vu un événement se produire de façon universelle, de façon terrestre, c'est-à-dire que worldwide, dans toute la terre, c'est-à-dire que toute la terre était au courant de cet événement-ci. Quelque chose s'est passé. Ça a créé un remue-ménage sur la terre. Quelque chose est sur le point de se passer sur la terre qui a un impact universel. Je l'ai vu ici en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas pour le cas de la Côte d'Ivoire seulement. D'accord? Prenons la Bible, on va lire quelque part. Maintenant, j'ai dit ce que j'ai vu. J'ai dit ce que j'ai vu. Et c'est que l'impact que ça a créé sur la terre. Les gens qui couraient partout à cause de ces choses aussi. Maintenant, sortez les Bibles. On va aller, je vais vous dire quelque chose. Et à l'issue d'ici, vous qui n'avez pas d'enfant et qui supplieriez d'avoir d'enfant, ensemble maintenant, nous allons invoquer la grâce du Seigneur pour qu'il soit favorable à vous. Et vous qui avez des difficultés, c'est une chose difficile que vous ne pouvez pas poser à quelqu'un. Nous ne sommes pas seuls dans cette salle-ci. Je vais vous raconter une chose que j'ai dite ici et que je voudrais dire pour que vous compreniez. C'est que l'ange qui est envoyé pour notre service, pour le ministère, ne prend pas d'avion. Et il arrive avant. Comment, frère? Tu entends ou tu ne comprends pas? Bon, les anges payent l'avion. Non. C'est compliqué. Quand je vais à l'ambassade pour demander le visa, je ne donne pas deux passeports, un pour moi, un pour l'ange. Vous comprenez ça? Avant que vous ne venez, il est là. Ouais. C'est ce que j'en ai dit? Ouais, ok. Rien ne peut les bloquer. Donc, nous ne sommes pas seuls. Alors, donc, nous allons invoquer la grâce du Seigneur. Nous allons évoquer la grâce du Seigneur pour quel que soit le problème qui vous a dérangé et qui ça vous tient à cœur. J'ai prié même que le Seigneur vous donne ces choses-là pour vous donner de l'expérimenter. Que Dieu répond effectivement aux prières. Mais en fait, ce qu'il a fait ici au milieu en samedi, vous devrez savoir que quelque chose se passe. Vous devez savoir que ce n'est pas un être humain qui enlève un esprit dans un autre être humain. Et même, vous voyez que cette délivrance ne se passe pas comme vous le voyez souvent. N'est-ce pas, frère? quelqu'un se tient au milieu de nous. Quelqu'un se tient au milieu. Vous avez celui-là, il est au milieu de l'eau. Parce que moi, je suis votre frère. D'accord? Moi, je suis votre frère. Si j'avais la possibilité d'enlever les problèmes que vous avez, je le ferais. Mais je n'ai aucune possibilité. Il faut que quelqu'un d'autre le fasse. Vous me suivez? Je ne peux rien faire absolument. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je reste ici. Il faut que lui parle. Il faut que je reste là. Il parle. Donc, on va prier pour ces choses-là. Pour vous, le conducteur, je vais prier pour vous. Pour le frère Yao, je vais prier pour vous. Que Yao prenne ses responsabilités en Côte d'Ivoire. D'accord? Parce que les gens sont sur la terre de la Côte d'Ivoire. Ils bavardent des choses que Dieu m'a dit. Je, mais Dieu, lui, il le connaît, lui. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Comme l'un d'eux ici en Côte d'Ivoire. L'un des personnes ici en Côte d'Ivoire. Ok, il a donné. Donc, souvenez-vous de ceci. Je le dis ici devant le Seigneur. Si des problèmes arrivent en Côte d'Ivoire, Yao est responsable. Le frère Yao, il est responsable. Il est responsable. Il est responsable. Donc, il doit veiller à ces choses-ci. Il doit aller devant le Seigneur. Le Seigneur, mon pays, qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'il n'est pas simplement Yao. Il a reçu la même chose, le même appel que moi. J'ai dit ça dans un enseignement, sans le voir. N'est-ce pas? Le voici face à face à moi. Et il doit savoir ce qu'il parle. Donc, ça veut dire que je le connais avant de le voir comme ça. Et il doit me connaître avant de me voir. N'est-ce pas, mon frère Yao? Oui, ben, tu ne peux plus fuir ça. J'ai dit dans un enseignement qu'il y a un frère là. Il est en train de prêcher, je suis là au milieu de l'assemblée. Il dit, le frère de Côte d'Ivoire, il dit, il y a le frère Yao, Jules, en Côte d'Ivoire. celui-ci. Il a reçu le même appel que moi. Puis je suis resté, dit, mais qu'est-ce que tu en as raconté, la frère Junior? Il dit, hein, c'est pas moi qui ai parlé, c'est lui qui a parlé. Nous allons lire maintenant. Vous avez ouvert la Bible? Vous avez ouvert la Bible là maintenant? Vous avez ouvert? 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Premier épître aux Thessaloniciens. Premier épître aux Thessaloniciens. Ceci, je ne serai pas long ici. Je ne serai pas long vraiment dans ces choses-ci parce que je veux que le Saint-Esprit lui-même vous fasse voir ces choses-ci. D'accord? Avant que vous ne lisiez, je vais vous poser la question. Quand un homme fait une promesse à une fille que je vais t'épouser, je viens tel jour te chercher, quelle est la réaction de cette fille-là? Je veux que vous me répondez, vous les femmes. Toi, tu n'es pas une femme, donc ne réponds pas à ça. Donc c'est aux femmes qui posent la question. Vous êtes là comme ça, quand la femme fait le nyanga, elle met les rouges à lèvres, elle met ça pour qui? Elle veut quoi au juste? C'est pour... Les femmes, vous ne parlez pas? C'est dû les hommes. Donc, ça dit son objectif, c'est que attirer l'attention d'un homme. Voilà. Maintenant, quand un homme vient vers elle, et que c'est le prince charmant, celle que quand il dit bébé, son cœur sort de l'extérieur avant d'entrer. Quand elle a la photo, elle dort sous le rue, c'est la photo de qui sera là-bas? Si c'est le miroir où elle fait le truc, c'est la photo de qui sera là-bas? C'est là les bagues avec l'endroit où on ferme les photos. Qui sera là-bas? Quand le téléphone sonne, si elle fait n'importe quoi, si c'est son nom qui est là-bas, qu'on écrit bébé avec le cœur, ça va, bam. Si elle fait n'importe quoi, elle va s'arrêter, non? Ça, c'est la terre. Christ Jésus nous a demandé en fiancé. Pas vrai? Quelle est notre réaction quand nous entendons sa voix? Et quand nous disons, quand nous entendons que, il a dit, j'arrive! Qu'est-ce que nous devons faire? Si toi-même, tu avais le cheveu au vent et que ton gars dit que dans 5 minutes, tu es à la maison, qu'est-ce que tu fais premièrement? Rapidement, pour qu'il ne veut pas te trouver dans un mauvais état, n'est-ce pas, mes chers? C'est ce que vous faites, non? 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. Lisons à partir du verset 13. En descendant, on y va ici. Verset 13 et suivant. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Quel est le but de cette parole? Suivez. Quel est le but de cette parole? Pourquoi il le dit? Le verset suivant répond. Enfin, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Stop. Vous avez vu ça? Donc il écrit ça pour vous consoler. Non, ce n'est pas quelque chose qui vous passe. Regarde. Consolez-vous en disant que, ok, même si n'importe quoi t'arrive, laisse. Il y a quelque chose qui nous attend. Nous avons quelque chose qui nous attend. Même si on t'a fait n'importe quoi, même si on t'a fait n'importe quelle déception, consolez-vous par ces paroles. C'est par ces paroles. Quelle parole en réalité? Ne pleurez pas s'il y a quelqu'un qui est mort. Ne soyez pas affligés comme ceux du dehors qui n'ont point d'espérance. Donc nous avons l'espérance. Donc ceux du dehors, donc ceux qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont pas Christ, ils ne savent même pas quelle est l'essence de la vie. Mais nous connaissons quel est le but de toutes choses. Parce qu'il nous a révélé cela. Et donc là, notre espérance repose sur des certitudes du serment que Dieu a donné. Il a donné les preuves. Et nous devons nous y tenir. Nous nous tenons parce qu'il a fait la promesse. Et celui qui a fait la promesse est fidèle, n'est-ce pas? Il a dit, aussi vrai que je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, et que je vais vous préparer une place, je reviens et je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'apôtre Paul dit la même chose ici en disant que consolez-vous par ces paroles. C'est une parole de quoi? Consolation. Un événement est sur le point d'arriver sur la terre. J'ai vu le ciel ouvert. J'ai vu le ciel ouvert. Je ne dis pas que j'ai entendu dans une vision. J'ai dit j'ai vu le ciel s'ouvrir. Quelque chose s'est passé. C'est tout ce que je peux dire. Qui avait l'impact sur la terre. L'impact. Maintenant, en suivant cette parole-ci, on dit qu'à un moment donné, il y a une trompette qui va sonner. C'est vous qui avez la trompette. Qui sonne la trompette? La voix d'un archange. Quand les gens sont dans le... vous avez le huitième jeu ici. Vous êtes dans les Jeux Olympiques. Vous voyez, les gens sont dans le couloir. Chacun est dans un couloir. Il y a les couloirs qui sont tracés. Il y a des règles de cette course-là. Vous vous asseyez comme ça. On vous dit, à vos marques. Chacun est dans son couloir. N'est-ce pas, frère? Vous vous mettez là-bas. Votre attention est là. Vous êtes focalisé. Ici, vous êtes à genoux là, avec les yeux levés, la tête levée. Celui qui donne le coup d'envoi se trouve derrière vous. Souvent, ils ont le sifflet. D'autres ont le pistolet. Ils doivent tirer. C'est au coup du bruit que tu vas entendre là-bas que tu vas t'étaler. N'est-ce pas? Le coup donne le déclenchement pour le départ. C'est ça? Il dit bien, le bruit de cette chose-là doit déclencher votre départ. Les faux départs sont signalés. Ça se pose que quelqu'un peut rester dans le public et faire quand tu n'as pas été attentif, tu crois que c'est le départ qui a été annoncé, tu te lèves. On dit faux départ, attention, les règles disent que tu fais ça deux fois, tu es disqualifié. N'est-ce pas, frère? Je veux qu'on se concentre un instant maintenant. Je veux toute votre attention maintenant. Qu'on se concentre sur la personne qui a le coup d'envoi. Je veux qu'on se concentre un instant. Je prends cette évidence parce que vous avez déjà visualisé. Je veux qu'on se concentre. On laisse le stade. On laisse le public qui est en train de vivre la chose. Les caméras qui sont braquées sur les gens. Des gens qu'on sait dans le stade que non, s'il y a 100 mètres, c'est celui qui va vivre. S'il y a sur la terre, les chrétiens qui doivent être enlevés, c'est celui-ci. Je veux qu'on laisse toutes ces personnes. Concentrons-nous sur celui qui a la clé. Celui qui va faire tant. N'est-ce pas, frère? Je veux qu'on se concentre un seul instant sur cette personne-ci. Et tout ce qui entoure sa personnalité et ce qui va faire pousser au déclenchement. Vous êtes avec moi? Maintenant, tout votre esprit, je le soumets maintenant dans cette direction-là maintenant. Cette personne, ce qui tient dans ce stade-ci, ce sifflet ou bien cette arme-là qui va faire pas pour que ça déclenche le coup d'envoi, tout repose entre ses mains. Tant qu'il n'a pas déclenché, tu resteras là. N'est-ce pas, frère? Et si déclenche, tu ne quittes pas, tu es disqualifié. N'est-ce pas? Alors, il peut garder le comme ça là. Tu regardes son ombre, il baisse l'arme, après il reste tranquille. Il regarde un peu sa montre, il fait comme ça là. Il fait un peu le jeu. Le spectateur, même si vous faites n'importe quoi tout autour du stade, il dit que le père là, il dérange. Qu'est-ce qu'il y a pour qu'il donne? Il faut qu'il donne le coup d'envoi. Tout est entre ses mains. La même chose se passe dans le coup de football. Une finale qui se dispute. Barcelone-Chelsea ou bien Chelsea-Barcelone. La finale. Et Chelsea est en train de mener par 1-0. On est à 89 minutes. Le monsieur entoure la coupe de sifflet entre ses mains. Votre victoire ou votre non-victoire dépend de... Bip! N'est-ce pas, frère? Alors, ça va aller dans tous les sens. Et les supporters de Barcelone, si c'est Barcelone qui est en train de mener 1-0, prie dans tous les êtres que Seigneur fait que le type s'y siffle pour arrêter cette supplice-ci, n'est-ce pas, frère? Parce que si les scores ne sont pas égalisés, ça va remettre le compteur à 0. Donc, tout l'espoir. C'est tout au bout de lèvres d'un monsieur. Il dit, concentre-toi sur la personne qui siffle. D'accord, frère? Alors, il marche au stade comme ça. Quand Barcelone mène, quand la pression vient dans son camp, le ballon vient à l'entrée des camps. Tout le monde dit seulement, les gens prononcent les malédictions sur la bête, que la bête cherche même quoi ici, dehors. Arrête cette chose-ci. Pendant qu'il prie comme ça, les gars de Chelsea disent, qui fait le type s'il nous donne même 5 minutes là-bas? Pas vrai, frère? C'est pas ça? Qui fait le type s'il nous donne 5 minutes? Parce qu'en 5 minutes, on croit qu'on peut égaliser. Pour qu'il égalise, pour que ça soit assez. C'est comme ça dans le corps. Celui qui est prêt et qu'il a la pression du monde, il a la fibre, que je dis que Seigneur enlève l'église, pas vrai? N'est-ce pas? Oh Seigneur enlève l'église, il va enlever l'église à cause de toi. Hein? La personne qui n'est pas encore en train de dire Seigneur, pardon, ne viens pas encore, je suis moi ici. Telle chose, il veut me tuer, c'est pas ça? Il n'a pas venu à cause de toi. Donc, ni la prière de l'un, ni la prière de l'autre, il n'entend ce genre de prière. Il n'entend pas le genre de prière que Seigneur viens maintenant. Depuis que tu viens maintenant, il est venu. Hein? C'est même celui qui dit qu'il ne vient pas maintenant qui a un peu raison. Parce qu'il n'est pas encore venu justement. Mais le problème c'est que c'est lui qui est le détenteur de sifflet. Il veut qu'on le surveille véritablement. Donc quand il fait quelque part, la Bible fait comme ça là. Le Jésus dit que non, ne siffle pas. Il gratte un peu sa nuque, il dit il n'a pas sifflé. Pas vrai? S'il fait pip à l'entrée de 5m50, que c'est pénalty. Généralement, la Bible les appelle pour ça pour monter encore les suspenses. Quelqu'un fait proup, il fait ça, proup. Il tombe comme ça dans la 5m50, bam, pénalty. Tout le monde se lève que pénalty. La Bible fait bip, ça monte, il court. Toute l'attention est focalisée sur ce qui va décider. Il court. Il se met au niveau de là-bas. Il fait comme ça, les gens disent que peut-être ce pénalty. Il fait bip, que c'est contre celui qui est tombé. Il veut que vous observez la personne qui a le détente, qui détend. Vous en comprenez ce qu'il dit? Ok. Quand il fait pip, il a présenté ses doigts là. Fâche-toi comme tu veux. Tu es un faux arbitre. Tu as pris une mauvaise décision. Quand tu vas finir de faire ça, tu vas faire ce qu'il a dit. Voilà. Vous avez moi? Quand la trompette va résonner dans le ciel, ça ne sera pas fonction de ce que toi et moi nous aurons décidé. Nous ne serons pas fonction de nos enjeux, de nos pensées, de nos projets sur la terre, mais de la volonté seulement de celui qui décide que la trompette sonne. Vous y êtes? On dit, car le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange, au son de la trompette, parce que le son de la trompette dit, départ! Le son de la trompette dit, boum, départ! C'est le son de la trompette. Vous voyez, quand il dit son de trompette, vous pouvez voir comment quelqu'un fait. Il dépose dans la bouche, puis il fait, boum. Mais la Bible déclare en un clin d'œil, ça va se passer. La Bible déclare à un signal donné, à la voix de l'archange, mais la Bible déclare que c'est en un clin d'œil. Il faut que quelqu'un fait un clin d'œil, voir. Donc, vous voyez, donc c'est un cliquement d'œil. Donc, vous faites l'œil comme ça, le fermé et ouvert, ça s'est passé. C'est ça, frère? Ça s'est passé, vous avez compris ça? Ça veut donc dire quoi exactement? Ça veut dire qu'en un millième de seconde, l'enlèvement peut avoir lieu. Ça veut dire qu'en un millième de seconde, l'enlèvement n'est pas... Parce que avant que tu fasses comme ça, là, tu ne fais même pas une seconde. Quand tu fais, bap, ton œil fait, bap, pour s'ouvrir, tu ne fais pas une seconde. Ça veut dire que l'enlèvement peut avoir lieu. Le temps, aïe, tu te tournes. Et que c'était terminé. C'était terminé. La trompette a eu à sonner. Les éléments sont préparés. Ça veut dire que si on va en ralenti, les éléments sont préparés. Les places ont été faites. Tout le chemin fait, ça s'est passé. Vous avez vu cet habit ici? Maintenant, souvenez-vous de ceci. Il ne fait pas ça à cause des prières que nous avons faites sur la terre. Il ne fait pas ça à cause du fait que tu as trop duré sur la terre. Il ne fait pas ça à cause du fait que toi, maintenant, tu es prêt, il faut qu'on vienne t'enlever. Il n'enlève pas un à un. Vous comprenez cela? Parce qu'on a dit qu'on se constate avec ces paroles-ci. On fait ça pour vivre, on garde ça pour pouvoir vivre avec ça. Ça veut dire qu'en attendant ces choses-là. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il faut que chaque personne vive jour après jour, nuit après nuit, et en paix. D'accord? Donc soyez certains, l'enlèvement va avoir lieu un de ces quatre matins. Soyez certains, ça va bientôt entrer en scène. Soyez-en sûrs qu'un événement arrive sur la terre, aussi vrai comme il l'a dit. Pas spirituellement. Les gens physiquement vont quitter la terre et on va disparaître pour toujours de la terre. Vous suivez? C'est ce grand événement qui est présenté au devant de nous. C'est de ce grand événement que la Bible parle depuis la Genèse, dont les saints ont parlé. Dieu ne voulant pas qu'il arrive à la perfection avant nous. Donc ce jour-là, les esprits des saints parvenus à la perfection vont se réunir dans ce cœur-là appelé Jérusalem. Vous entendez cela, frère? Un grand événement se prépare sur la terre. La trompette est sur le point de sonner. La trompette est sur le point de sonner. Qu'est-ce que ce message veut dire? Le message veut dire, faites rapidement, vite, très vite, très très vite, faites rapidement ce que vous n'avez pas fait depuis des années. Faites rapidement, parce qu'on va demander des comptes. En fait, le premier compte, ce sera contre toi. Si tu fais fou, tu ne pars pas. Là-bas, tu sais de quoi c'est les questions. Tu sais exactement ce qui arrive tout à l'heure, dans quelques secondes. Vous savez très bien ce qu'il nous a parlé. En fait, ici, je ne suis pas en train de dire, je ne crois pas que ça va être lié avec la tribulation. Il dit qu'un événement est sur le point de se passer. Ceux qui ne croient pas que l'enlèvement va avoir lieu avant que l'église, avant que la tribulation vienne, c'est leur problème. Pas non plus que les sadducéens ne croyaient pas qu'il y avait des esprits. Qui ne croient pas, il n'y a pas de problème. Il y a quand même les esprits. Qui ne croient pas à la présence des anges ou bien la résurrection, il y a quand même la résurrection. Même les bouddhistes qui ne croient pas qu'il y a la réincarnation, que tu vas mourir à l'intérieur d'une autre vie là. Le jour là, l'humain sera ressuscité. Celui qui ne croit pas que Dieu existe, il sera ressuscité. Donc, quelqu'un ne croit pas, qu'il ne croit pas. Il y a des choses que Dieu ne demande pas leur foi. Le jugement dernier ne demande pas la foi de quelqu'un. Dieu va juger les vivants et les morts. Même si tu dis que non, la vie, si me dépasse, donne-moi le couteau. Tchip! Il va te dire que mon ami, réveille-toi. Il va dire, hein? Tu as fait combien de jours? Tu as fait un jour, viens vivre. Tu faisais quoi avec le couteau? Tu vas te demander le compte rendu. Alors, ça veut dire, faites vite ce que vous n'avez pas fait depuis des années. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Focalisez-vous pour ce qui appelle en haut. Focalisez sur ce qui appelle en haut. Mettez votre vie en règle dans les moindres détails. Donc dans cette voie-ci, travaillez rapidement pour le scellement. C'est ce que je suis en train de dire. Travaillez rapidement pour le scellement. Prenez le temps devant le Seigneur. Prenez le temps devant le Seigneur. Seigneur, nettoie-moi de tout ce qui est impur dans mon cœur. Débarrasse ma vie de ce qui ne te plaît pas. Débarrasse de ma vie de ce qui ne te plaît pas. Oubliez tous ces doctrines-là qu'on vous a enseigné ici que non, le chrétien ne doit plus prier. Il ne doit plus demander pardon pour ses péchés. Oubliez ça. Oubliez ça. Là, d'accord? Mm-hmm. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, la Bible déclare que tout votre que le Dieu Père lui-même vous sanctifie, tout votre être, et qui vous rend pur, inébranlable, votre corps, votre âme, votre esprit, inébranlable jusqu'à sa venue. D'accord? Il faut qu'il vous préserve comme ça. Donc, vivez dans la sanctification, éloignez de vous le péché, au moindre détail. Réglez ce qui est à régler. Vous avez des réparations à faire, faites des réparations. Vous avez des restitutions à faire, faites des restitutions pour que rien ne vous dérange sur cette terre. Vous avez suivi avec moi. Donc, poum! Donc préparez-vous à ce que poum arrive. Ça veut dire que si vous êtes à l'aide, vous êtes là, vous dites à cet instant, tu dis que ouais, je ne sais pas, ici au stade, il court comme ça, je ne sais pas ce que ma femme est à la maison. Peut-être l'enfant qui chauffait là, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être, pendant que tu as médité, ça fait pas, tu vas comprendre. Si on fait pas, tu vas comprendre. Non. Tu seras là parce que ta pensée a quitté l'objectif qui était là. Tu t'es détourné, ben, l'enfant qui entrait, l'enfant qui. Si l'enfant meurt là-bas, tu vas faire quoi? Oui. Même si tu es là, l'enfant va mourir. Tu vas lui donner la vie? Non. Hein, frère? Tourne-toi, regarde quelqu'un. Regarde bien quelqu'un dans les yeux. Regarde d'abord. Dis, cours vers le but. Pointe-lui le doigt. Pointe-lui le doigt. Dis, cours vers le but. Nous sommes vers le but déjà. Débarrasse-toi de tout ce qui peut t'empêcher vers le but. Dit aussi sûr que nous nous tenons ici, l'enlèvement arrivera. Et certainement, certains de nous partiront. J'ai transmis le message. C'est terminé. Donc la deuxième partie est terminée. Oui. Qu'est-ce qui te travaille, ma soeur? C'est toi qui vas travailler le travail, c'est le travail qui doit te travailler. Moi, j'ai fait un songe. Le songe là, il y avait comme maquis. Oui. Comme un grand maquis. Oui. Il y avait maquis, c'est le bar, là où on ne peut pas boire. il y avait deux gardes de corps. Deux gardes de corps, oui. Deux gardes de corps. Maintenant, je suis venu, je vais rentrer. On me dit, je ne rentre pas. Oui. Je dis, mais pourquoi? On me dit, parce que je suis pas voile. Oui. Que d'aller chercher mon voile avant de venir. Oui. Je me retourne pour aller prendre voile. Je me retourne. Le coin a disparu. Le coin a disparu. Le temps de te retourner. Donc tu as fait exactement comme le vierge soit folle. Donc pendant qu'on a dit qu'on va chercher, pendant que tu es parti de la pape, ils sont partis. Je suis venu, je vois le trace du coin là. Il n'y a plus rien là-bas. Tu as bien compris l'avertissement. Avec ce qu'on a dit, tu as compris l'avertissement. Quand tu as parlé de l'enfance, ça me travaille. Ça te travaille. Oui. Plus que ça te travaille jusqu'à ce que tu sois vraiment bien travaillé. Oui. Des questions ici. Remarquez très attentivement qu'avec son songe dans le marché, chapitre 25, ceux qui étaient prêts doivent être prêts. Quand on dit entrer, il n'y a plus rien à aller chercher. Il n'y a plus rien à aller chercher. C'est même plus le temps de dire, Seigneur, donne-moi tes choses. Donne-moi tes... À ce temps-là, c'est terminé. Quand ils entrent, c'est le Seigneur qui ferme la porte. Alors, quand tu dis, il faut qu'il n'y ait pas fait le tour. C'est maintenant qu'il faut faire ces choses-là pour être prêt. Ils sont partis, non? Ça, c'est clair. Mais le problème dans son songe, oui, c'est que c'est un maquis. Il n'y a pas de problème. Je peux prendre n'importe quoi. Une fête. C'est une fête. C'est une fête qui se prépare. Elle appelle ça maquis parce que c'est ce maquis qu'elle peut connaître ici. D'accord. Le Seigneur a pris les prostituées pour typifier l'église dans la Bible, n'est-ce pas? Donc quand elle dit maquis, c'est parce qu'il y avait une fête qui était organisée. Il y a des gardes du corps. On comprend ce que Dieu a dû lui dire. Bon, dans maquis, là, on cherchait les voiles là-bas. Non. Dans maquis, il faut plutôt enlever le voile. Présenter le Dieu de Jézabel. C'est pas ça? Dans l'autre, c'est pas maquis. Voilà. Donc, là, il y a une célébration pour entrer. Et on dit que non, tu n'es pas venu étant non voilé. Ah! Il faut que je passe chercher mon voile. Et là, maintenant, en entrant, c'était terminé. Donc, ça passe, on lui a montré le voile. Donc, quel est ton défaut? Qu'il faut rectifier. Des questions ici? Oui, mon cher. Hier, on avait commencé. À haute voix, oui. Hier, on avait commencé un sujet. Oui. Je pense qu'on n'a pas terminé. On a terminé tous les sujets en réalité. Je vous suivais bien aussi. Tous les sujets, on a terminé. Tout ce que j'ai donné comme promesse en disant qu'on va répondre, il a posé la question sur Apocalypse 20. La résurrection, oh, j'ai parlé ici, voilé, codé là, tout là-dedans. Ouais, ça va, Pierre. Ouais, parlez ici, posez-moi la question. Si il n'y a pas de question, on va passer à l'étape de la prière là. Oui, mon cher, ma chère là-bas. Non, c'est par rapport à la tenue. À la tenue. L'enfant ne doit pas s'habiller comme un homme. Oui. Là où je travaille là, on exige qu'on porte des pantalons. Ok, bon, c'est bon. Ça, c'est une bonne question. Ne pose même pas la bonne question. Si on exige qu'on boit l'alcool là-bas, on fait comment? Tu fais comment? Mais pourquoi si on exige là-bas qu'on boit l'alcool, tu ne bois pas le pantalon, on exige, tu me poses la question derrière. Si on exige que là-bas, dans les fêtes de cela, il ne faut pas que ton mari vienne, tu danses avec un petit ami là-bas, tu fais quoi? Si on dit que la fête de l'entreprise, il y aura la musique de Mary, Miss Lolo, vous devrez être là, tu fais quoi? Réponds. Tu sors. En fait, vous avez les réponses à vos questions en les posant. Parce que nous sommes ici pour le ciel. D'accord? Autre question? Oui. Je voudrais savoir comment il faut prier avant de dormir. Comment il faut prier avant de dormir? Donc, toi, tu as peur? Non. Hein? Il me dit comment il veut prier. Quand je veux prier, tu lis le son 91. Tu dis, Seigneur, protège-moi toute la nuit. Tu comprends, n'est-ce pas? Allez dans la parole. Dans la relation du Seigneur, vous aurez le langage de prière. Il dit, allez dans la parole. Restez dans la présence du Seigneur. Cultiver cette communion avec lui, maintenez ceci, entretenez. Vous aurez le langage de prière, votre langage de communication avec lui. D'accord? Je vous te donne ça maintenant, c'est que je suis en train de te donner l'esprit catholique. Oui. Oui, mon cher. Non, la dernière fois, il y avait une question sur la prière. Et j'ai dit qu'il va vous donner l'esprit, c'est en entrant dans l'esprit. Oui. Je vous ai enseigné tout ça ici tout à l'heure. Je vous ai dit, je vais vous conduire dans la prière par esprit. Comment enseigner par l'esprit? Vous ne pouvez pas avoir la prière n'importe comment, dans n'importe quelle dimension, sans la relation. Que la raison soit connectée pour qu'il te parle comme il a dit à Ananias, va chez Paul, c'est la prière par l'esprit. Vous voyez ça, frère? Il vous a répondu à toutes vos questions. Il vous a donné tout le contenu. Des questions? S'il n'y a pas de questions, maintenant, moi, je vous en pose. Et prenons ici d'abord. Ah, c'est des mots. Ah, ok. Oui. La question que je veux poser, c'est par rapport à un enseignement que j'avais écouté. Il n'y a pas de problème. Posez toutes les questions. Bon, je ne sais pas si j'ai bien entendu. Oui. Dans l'enseignement. Dans l'enseignement, c'était par rapport au péché originel. Oui. Voilà, lui, je ne sais pas s'il y a une soeur qui avait posé la question. Parce oui. Que, c'était au niveau de la terre. Oui. Et j'avais dit que le serpent a eu des relations sexuelles avec la femme. Et que en fait, elle n'avait pas encore connu, d'homme. Elle n'avait pas connu d'homme, oui. Donc, son sang, puisqu'elle était, elle n'avait pas connu. Non, je parlais de lieu, le lieu. De donc, lieu. Voilà, donc, oui. Elle a souri de lui parce que, puisqu'elle était. Elle était vierge. Vierge, oui. Donc, elle a souri de. Le lit conjugal. Oui, quel est le problème? Et donc, voilà, en fait, mon problème, c'est par rapport au péché originel. Oui. Voilà, je voulais savoir, est-ce qu'on le. Si c'est. Le péché, parce que je ne vois pas la même chose, quoi. C'est-à-dire que le péché originel est rentré. Ok. Non, d'abord, expose ce que toi tu vois. Comme tu sais derrière ce que j'expose. Comme ça, tu exposes, moi, je te pose la question sur ce que tu exposes. Allons-y. Tu penses que le péché originel, c'est comment c'est entré? C'est pas la désobéissance. La désobéissance. Toi, tu as d'ailleurs désobéi. Tu as d'ailleurs désobéi à un commandement de Dieu. Oui. Donc, ça veut dire que tu as commis le péché originel. Oui. C'est ça? Oui. Ça veut dire que tout péché, toute désobéissance est le péché originel. Ça veut dire toute désobéissance. Ça veut dire que si je fais une désobéissance, si Dieu dit telle chose, je fais autre chose, c'est ça le péché originel. Je dis cela par rapport à Romains chapitre. Non, c'est, je comprends. Romains chapitre dit que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Ça veut dire que nous tous sommes par fondamentalement, nous sommes désobéissants. Donc, ça veut dire que c'est le péché originel, ça. Oui, parce que ma bon. Vie, c'est pas la désobéissance. Bon, maintenant, tu as mangé quel fruit, toi? Oui, exactement. Non, laissez-le parler. Laissez-moi parler avec lui. Il connaît déjà ce que j'enseigne. C'est que lui, il dit qu'il croit qu'il veut en poser des questions pour qu'on puisse voir ce qu'il en est. Oui. La Bible dit que ce n'est pas la désobéissance. On dit même ceux qui n'étaient pas. Pas la désobéissance d'un seul que tout a été contaminé. C'est ça, non? Jusqu'à mourir. Mais une désobéissance, c'est enfreindre un ordre bien précis. Par exemple, dans la vie, tu peux aller en prison parce que tu as commis plusieurs infractions. On peut t'avoir pris parce que tu as tué quelqu'un, homicide involontaire. Tu peux avoir tué quelqu'un chez lui avec une arme blanche. Tu peux entrer, il y en a plusieurs. Mais le risque, c'est que vous êtes en prison en commettant des situations. Vous êtes disgracé par les sanctions, n'est-ce pas? La question c'est, l'un entre d'une certaine façon. Le péché que tu as commis, ce n'est pas le même péché que Ève a commis. Ce n'est pas le même péché que Moïse a commis. Ce n'est pas le même péché que Luther a commis. Nous sommes d'accord? Mais tous à la base, c'est péché. C'est condamné par la loi. Qu'est-ce que le péché, la Ève a fait de façon claire? Il a désobéi à la loi de Dieu. En faisant quoi? C'est là le problème. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. La Bible dit même ceux qui n'étaient pas dans le jardin ont transgressé à ce commandement que Dieu avait donné. Oui. Ceux qui n'étaient pas dans le jardin. Attends. Qu'est-ce qu'il a fait? Suis attentivement. L'acte de désobéissance, c'est que si on dit quelque chose, si tu désobéis, ça veut dire que tu as désobéi à ces choses en faisant quelque chose que ces choses-là interdisaient. C'est ça, non? Il y a d'abord la désobéissance. Parce que tu penses seulement à la désobéissance, ça parle aussi qu'il y a la rébellion. Parce que la désobéissance, c'est une chose, la rébellion, c'est une autre chose. Ils ont été rebelles à Dieu et en étant désobéissants. On se comprend, n'est-ce pas? Maintenant, je te pose la question. Ils ont été désobéissants en faisant quoi? Parce que ta désobéissance n'est pas ma désobéissance. Je peux être désobéissant au Saint-Esprit, par exemple, qui dit par exemple que prie pour le frère, si prie pour le frère, si je n'ai prie pas, je suis désobéissant. Mais ce n'est pas cet acte c'est que Ève a commis. Nous sommes d'accord? Même comme je suis désobéissant. Donc nous tous, nous sommes dans la désobéissance. Donc foncièrement, nous sommes astreints à nous éloigner de la parole. C'est ça la désobéissance. Nous sommes astreints. Chaque être humain est astreint à s'éloigner de la parole. À ne pas se tenir de la parole. La preuve, à ne commencer la parole qui est la prochaine fois pour nous corriger. N'est-ce pas? Donc chaque personne doit fondamentalement être désobéissant. Personne ne peut vivre la loi de Dieu. Alors pour eux, était une désobéissance vis-à-vis de quelque chose qu'on lui a donné. La chose là, c'est quoi? C'est la chose qu'il faut indiquer. Il ne me parle pas de façon générale de désobéissance. Ils ont été désobéissants en faisant quoi? La Bible dit parce qu'ils ont mangé de l'arbre. Je veux donc que tu me dises, c'est là où on se trouve maintenant. Donc, on a compris que ils ont été désobéissants en mangeant de l'arbre. Allons-y maintenant. Ils ont mangé comment? C'était un fruit physique. Bon, ici, nous sommes c'est dans la Genèse, donc on peut dire que on est dans une dimension spirituelle. Voilà. Non, attends, on dit clairement ce que la Bible dit. Oui. Ne dis pas qu'on peut dire, c'est pas une supposition. Pourquoi je dis cela? Parce que le Seigneur, par exemple, utilise des paraboles pour parler. Voilà. On est dans la Genèse. Oui. Il y a des versets qui sont clairs dans la Bible que même si on prend, on veut commencer à expliquer par la doctrine, on ne pourra pas. On ne pourra pas, oui. On pourra pas, donc on peut passer par la par les paraboles. Voilà. Donc dans ce cas, situons d'abord la chose. Le péché, la désobéissance, le manger là, c'est au sens physique ou bien au sens spirituel, ou bien au sens des paraboles. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, l'acte que tu as dit qu'ils ont fait en désobéissance, en mangeant ce que tu avais interdit, c'était un truc physique ou bien c'est une parabole. La façon de parler là-bas, c'est une parabole. Si c'est une parabole, c'est... Ok, non, attends. Il dit, si c'est une parabole, alors oui. Si c'est une parabole, c'est-à-dire qu'il a dit le manger. Oui. Donc, on peut dire que, c'est-à-dire que c'est Dieu seul qui sait le... C'est Dieu seul qui sait ce qui s'est passé. C'est le fruit qui était défendu. Si c'est physique ou bien spirituel. Maintenant, laissons là-bas. Si c'est Dieu seul qui sait, on va voir ce que ça en est. Quand ils ont mangé, ils voulaient étendre la main pour en manger quoi par la suite? Après avoir désobéi en mangeant, Dieu a dit, empêchons-le d'étendre la main et de prendre quoi? de l'arbre de vie. Cet arbre-là, c'est quoi? Ou mieux, est-ce que tu connais ce que c'est que cet arbre? Non, non, ça veut dire qu'il y a un problème. Il ne faut pas qu'il discute. Ça veut dire qu'en fait, ce que tu dois faire, c'est que il y a un enseignement déjà sur sa vidéo cette fois-ci avec mon visage. Cet enseignement sur ça, de numéro 1 jusqu'au numéro 8. Écoute d'abord doucement parce qu'il y a beaucoup de pièces à construire tout autour. D'accord? C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a eu à recevoir et que. Oui, mon cher. Robin, je pense que. Si à la base, il n'a pas écouté et qu'il n'a pas écouté, c'est. Ça le concerne. Mais la réponse, peut-être à sa préoccupation, pourra peut-être aider certains frères ou la santé. Ceux qui sont à l'intérieur. Non, au niveau d'ici. Ou bien, vous voulez qu'il développe encore cela. Voilà, si vous pouvez apporter encore plus d'éclaircissements dessus, pour moi éclairer vraiment cet aspect des choses. Ok. Concernant le péché originel. Ok. Apocalypse, Éphésiens chapitre 3, donc. Rapidement, hein. Je vais seulement brosser. Parce que ces choses-là, c'est. Je préfère, c'est pour ça que quand les gens me contactent dans le monde, c'est que tu dis quoi sur le péché originel, j'ai rien dit. Allez écouter d'abord. Oui. Si tu vois des lacunes, je me dis que j'ai écouté tes choses, tu as dit c'est faux. Tu vois? Pour qu'il ne passe pas mon temps à redire encore la même chose. Genèse chapitre 3. Genèse. Le premier livre, non? Genèse. Genèse chapitre 3. On y va. Verset 20 et 21. 20 à 22. C'est toi. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Oui. Car elle a été la mère de tous les vivants. Oui. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Oui. Et il les en revêtit. Oui. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Stoppons donc là-bas. Maintenant, je vais commencer à citer la Bible en vous donnant la référence. Pourquoi on ne perd pas le temps? Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 24, le Seigneur Jésus donne une série de paraboles, de 5 paraboles. Au verset 35 à 37, la Bible déclare, le Seigneur ne leur parlait point sans parabole afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit par les prophètes. Et en citant comme ça le psaume d'Asaph, au chapitre 78 du psaume, le verset 2, que j'ouvrirai ma bouche par des paraboles et je publierai des choses cachées depuis la création. D'accord? Et parmi les paraboles qu'il va donner, il y a une parabole qui va tenir l'esprit des disciples. Quand ils vont rentrer, les disciples vont poser la question sur cette parabole. La parabole des livrets. Des champs. D'accord? Tu as lu cette parabole dans Matthieu chapitre 13. Dans cette parabole, le Seigneur Jésus dit que le royaume de Dieu est semblable à un maître qui a semé la bonne semence dans son champ. Pendant qu'il dormait, l'ennemi vint et sema l'ivraie. Quand les choses ont commencé à croître, la bonne semence a commencé à croître, l'ivraie aussi apparut. Les serviteurs de le maître ont dit que, maître, n'avais-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient l'ivraie? Il lui a dit, c'est un ennemi qui l'a semé. C'est la seule parabole que le Seigneur Jésus a donné l'explication. Gloire à lui à jamais. Amen. Il dit bien gloire à lui à jamais. J'entends beaucoup de personnes dire que non, ces choses-là, les apôtres n'ont pas changé. Alors que dans la Bible, c'est partout dans la Bible. Maintenant, suivons attentivement ici. Quand le Seigneur Jésus finit de dire ça, il rentre dans la maison. Les disciples disent, maître, explique-nous. Il n'a pas dit toutes les paraboles. Il a dit, explique-nous la parabole des livrets des champs. S'il n'a pas donné l'explication, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, si c'est obscur partout, là-bas, c'est on ne peut plus clair. D'accord? Maintenant, je vais seulement réciter ce que le Seigneur a dit. Mais avant de dire ça, Jésus dit, la Bible déclare au verset 35 et 37, il dit qu'il ne leur parlait point sans parabole afin que s'accomplisse les Écritures. J'ouvrirai ma bouche et je publierai des choses cachées depuis la création. Donc, il y a des choses qui sont cachées à la création que Jésus est censé publier. Alors, comme il a parlé dans la parabole, et ici, il se réfère dans cette parabole aussi à la création, on doit lire cela en regardant la création. Puis il dit, quand il a dit ça, c'est dit qu'il dit, ok, explique-nous la parabole de l'ivraie des champs. Là, nous sommes au verset 36, parce qu'il dit ici au verset 24, la parabole. Au verset 36, il donne l'interprétation. Il dit maintenant, le champ c'est le monde. Le maître qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. N'est-ce pas? Il vient de dire que qui est le créateur? Lui. Le fils de l'homme. D'abord, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? La bonne semence, c'est son. Donc, si on les joint ensemble, le Seigneur Jésus a créé le monde dès le départ en mettant ses enfants à lui dès le départ. Nous nous trouvons où là? Nous nous trouvons à la création. N'est-ce pas mon cher? La Bible déclare que quand l'Éternel a fini de créer, il s'est reposé. Je vous pose la question, Dieu se repose? Non. Qu'est-ce qu'il a dit par Dieu se reposa? Vous savez que quand Dieu te couvre, comme il a couvert Job, tant que la protection de Dieu est sur Job, Satan ne peut pas entrer. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc quand Dieu protège quelqu'un, la Bible déclare que quand il te couvre, dans ce psaume 91 là, quand il te couvre, personne ne peut entrer. Pas vrai? Mais Dieu, Satan avait dit à Dieu dans ce Job là-bas que enlève ta main et il te maudira. Vous voyez? Donc ça veut dire que enlève ta protection. Or Satan quand il était sur la terre, il a tenté Job n'importe comment, il n'a pas pu. Pourtant Dieu, parce que Dieu l'avait couvert. Donc Dieu, remarquez très bien que c'est quand le péché entre que Dieu vient faire son entrée encore dans le jardin. Comme s'il est là, donc c'est comme humainement parlant, c'est comme si il a fini de faire ça, il dit, il va dormir. Ah, j'étais fatigué. Si je suis même fatigué du travail, n'est-ce pas frère? C'est pas comme ça. Il dit ça pour que vous compreniez ce qu'il a envie de dire. Donc Dieu a soustrait sa chose pour que le plan qu'il a mis en exécution, qu'il a préparé, puisse entrer en exécution. Maintenant, je vais me mettre ici pour dire ce que j'ai dit chaque fois pour vous saisir ça. Le but pour lequel le Seigneur a fait ceci. Parce que l'une des principales questions à faire, c'est le pourquoi Dieu fait ainsi. Il faut d'abord saisir ceci avant d'avancer. Pourquoi il fait cela? C'est-à-dire qu'il savait que l'homme devait pécher en mettant ceci. Il savait parce qu'il connaît la fin de toutes choses avant le commencement. Bien plus, avant qu'il dise que la terre soit, il avait préparé le sacrifice dès le départ, l'agneau immolé, avant la fondation du monde. Donc, ça dit que la solution du péché est avant le haut, dont le péché est prédestiné. Vous voyez ça? Tu me suis, mon cher? Ok, maintenant j'arrive, mais suis attentivement. Maintenant, Dieu n'est pas Dieu seulement parce qu'il est créateur. Il a ce qu'on appelle les attributs. C'est l'une des choses qui crée le problème en milieu chrétien ici. Les attributs de Dieu créent problème. Comment tu vas savoir qu'il est le Dieu qui guérit? À quel moment tu vas savoir qu'il est le Dieu qui guérit? Tu es malade. Si tu es dans la perfection, tu sauras quand même un temps qu'il guérit. Non. Il faut que quelque chose introduise la maladie. Il se manifeste pour que tu comprennes qu'il est le Dieu qui guérit. Voilà. C'est pour ça qu'il s'est révélé au cours des temps avec ses différents attributs. Si vous lisez le livre, dans le livre d'Exode chapitre 3, verset 6, il dit à Moïse que je suis l'Éternel. Je ne me suis pas fait connaître à Abraham. Abraham ne m'a pas connu sous le nom de l'Éternel. Donc Abraham a fait tout son conseil, tout son temps qu'il a fait sur la terre. Il était ami de Dieu, il ne connaissait pas son attribut là. C'est bon si vous saisissez. Ok. Alors, Dieu a un attribut qui est en lui, qui désire manifester. C'est l'attribut du Sauveur. Ça, c'est le grand attribut de Dieu. Celui qui a le pouvoir de perdre et de gagner. L'attribut de Sauveur. C'est quoi un Sauveur? Il dit, je fais un saut pour expliquer ça avant de continuer. Sinon, vous ne pouvez pas saisir. C'est quoi un sauveur? C'est qui un sauveur? Qu'est-ce qu'on appelle sauveur? Celui qui vient en aide, secourir, retirer quelqu'un de la détresse. Tu dis, ah, tu m'as sauvé de cette situation, n'est-ce pas? Maintenant, si tu veux sauver quelqu'un, il faut que cette personne-là soit perdue. Donc, ça veut dire, pour que cette attribut se manifeste, il faut que quelqu'un ait des problèmes. Il crée donc ces problèmes-là pour que cette attribut se manifeste. Pour qu'on ait besoin de lui. D'accord? Voilà, c'est de ça dont il est question de la Bible. C'est de ça qu'on parle de rachat. On rachète ce qui nous appartient. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il a décidé délibérément de perdre. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple, son peuple de ses péchés. Vous avez vu cela? C'est lui, Jésus, Emmanuel. Dieu est avec nous. Dans le nom de Jésus, c'est-à-dire que Dieu avec nous, pour faire quoi? Dieu sauveur, pour sauver son peuple de ses péchés. Tu comprends cela? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, devant celui qui l'attend, qui a cru qu'il a été brisé, que cela vient de l'Éternel. Il dit que, à cause du service de son âme, du travail de son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, plusieurs, d'accord? J'ai désiré boire cette coupe-ci avant que ça ne soit accompli dans le royaume, d'accord? Cette coupe-ci que vous voyez, c'est la coupe de la nouvelle alliance de mon sang qui est versée pour plusieurs, pas pour tout le monde. Vous savez ça, n'est-ce pas? Donc, il fait comme ça là. Père, je n'ai perdu aucun d'eux, si ce n'est le fils de perdition, afin que l'esprit, que l'écriture s'accomplisse. Quand j'étais là, je l'ai gardé en mon nom. Le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Vous voyez? Et personne ne les a arrachés de mes mains. Donc, j'ai achevé. J'ai connu mes brebis. Elles viendront. Donc, viennent à ces groupes-là. Donc, le Seigneur a ses brebis qui sont égarés, qui va les faire réconcilier à Dieu par son sang. On appelle cet attribut-là l'attribut du sauveur, c'est le plus grand. D'accord? Maintenant, dans ce cas, comment faire pour perdre? Parce que tant qu'il protège, personne ne peut les arracher de ses mains. C'est donc maintenant où on se tourne du côté du péché, l'handicap qu'il a créé lui-même. S'il créait l'homme parfait, droitement, la femme de façon parfaite, rien n'empêcherait cela. Rien ne pouvait pas passer. Mais la partie faible que lui-même a permis, l'a donné l'accès au diable. Pour que le diable accomplisse cela. Donc, le diable est dans le processus de l'accomplissement de ses plans à lui. Ça peut sembler bizarre, mais c'est la Bible. Il donne à Satan sa ligne droite, sa ligne de conduite. Il travaille. Il lui dit comment il va travailler. Il a même fait la promesse, les très bonnes promesses à Satan ici. Dans 1 Samuel, dans 1 Roi chapitre 22, ne me regardez pas comme ça. Dans 1 Roi chapitre 22, quand la cohorte céleste est réunie pour aller séduire Akab, ils sont réunis avec les anges. Il dit qui montera à Ramon en Galate pour séduire Akab pour qu'il monte, pour qu'il périsse. L'un a dit d'une manière, l'autre a dit d'une autre. Et puis un esprit est sorti. Il dit moi. Tout le monde dans la salle, là, c'est tu. Les anges sont tournés, tout le monde est tourné. Mais qui? Il dit moi. Il dit moi. Je vais le séduire. On dit mon gars, raconte-nous, tu feras comment? Il dit que vous ne connaissez pas. Hein? Je vais sortir, c'est un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. C'est ce qu'il a dit, frère. La Bible déclare, le Seigneur dit, sors, va, fais ainsi et tu réussiras. Cet esprit est venu sur les prophètes, il dit, hé, kacha, kaya, babababa. Ah, Akab, c'est pas plus grand que toi. Monte à Rama Angala, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha. Ah, yé. Tout le monde faisait comme ça. Un esprit parlait au travers d'eux, venant de Dieu, mais c'était un mauvais esprit. Mais qui n'a pas pris sa source de Dieu, mais Dieu lui a donné la permission d'aller faire ces choses pour que sa volonté s'accomplisse, pour que Élie, ce qu'elle avait dit qu'il devait périr là-bas à Israël, que ça s'accomplisse. Tu avais moi? Non, jusque-là, il est conçu pour aller. Parce que s'il va aller, il peut te dire directement que Dieu ne s'adressait pas à lui-même en disant que empêchons-le. Il a dit empêchons. Dieu n'est pas pluriel. Dieu n'est pas plusieurs. D'accord? Dieu n'est pas plusieurs. Mais ici, dans Genèse, je vous ai fait une liste là, et puis j'avance quelque part. Parce que je vais y revenir dans tout cela. Amen. Il dit maintenant empêchons-le. Dieu est pluriel. Est-ce qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Comment? Est-ce qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Non. Ah, s'il n'y a pas, non. Dans ce cas, pourquoi il dit empêchant? Pourquoi il dit empêchant? Pourquoi il dit pas que il faut que j'empêche? Pourquoi il dit empêchant? Bon, il a donné un conseil comme tu as dit. Voilà, c'est ça que je t'en ai expliqué ici. Parce que certaines personnes disent que c'est Dieu le Père qui parle à Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors, je prends cet exemple pour montrer que voici le conseil qui s'est réuni. Il dit qui partira pour nous. À Esaïe, quand Esaïe l'a vu au chapitre 6, il dit qui partira pour nous, qui marchera pour nous. Il dit voici, Seigneur, envoie-moi. Or, il a dit qu'il est nu. Pourtant, il a vu le roi des rois là-bas avec les anges. D'accord? Donc, le conseil se réunit chaque fois pour parler. Donc, quand Dieu dit créons l'homme à notre image, il ne parle pas, c'est même pas le Trinité qui parle à lui-même. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, revenons donc dans la Genèse, quand tu as assimilé toutes ces petites choses. Quand il dit empêchons-le, il dit que voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Il y a le mot nous. L'homme est devenu comme l'un de nous. Ça veut dire que l'homme a porté un attribut de quelqu'un qui se trouve là-bas. N'est-ce pas? Ça veut dire que l'homme ressemble à l'un d'eux. Pas vrai? Mais initialement, l'homme a été créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas? Donc l'homme a fait quelque chose maintenant qui ressemble à un de deux là-bas. Donc, si physiquement on mange une goyave ou bien n'importe quoi, pour avoir une image, c'est qu'il y a un problème, n'est-ce pas mon cher? Oui. Bon, vice versa aussi. C'est-à-dire que si j'ai commis les relations sexuelles avec quelqu'un, oui. Est-ce que je commets les relations sexuelles avec quelqu'un, mes yeux sont ouverts, je sais. Non, il faut maintenant arriver en son niveau de l'air s'ouvre. Il n'y a pas de problème. On peut arriver en tout cela. Le problème maintenant, c'est que la relation sexuelle dit de façon claire dans la Bible que quand on fait cet acte-là, les deux devenons une seule chair. Donc vous êtes unis dans votre être. C'est ce qu'il dit dans le rapport sexuel. D'accord? Le rapport sexuel dans la Bible dit, quand il est dit, les deux devenus. Ne savez-vous pas que celui qui s'attaque à la prostituée est avec elle une seule chair? C'est pas ça, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Non, tu as dit, même en commentant le rapport sexuel, est-ce que ça fait qu'on s'identifie? Il dit, le rapport sexuel dans la Bible, elle dit de façon claire, qu'en faisant quel autre au péché qu'un homme commet, ce péché est extérieur du corps. Donc, le péché du rapport sexuel unit des gens âme à âme. C'est ce que la Bible dit. N'est-ce pas mon frère? Mais celui qui avec le Seigneur, il avait le Seigneur, avait lu un seul esprit. 1 Corinthiens 6 le dit. Donc le rapport sexuel, c'est un problème véritablement. Donc tu en avais dit, parce que tu en avais dit ça. Si le rapport sexuel est un problème, dans Genèse 1, verset 28. Non, suis attentivement, c'est pas n'importe quel rapport sexuel. Si tu vas avec ton mari, tu as un avec elle. Donc si tu parles avec une prostituée, tu es un avec celle-là. Donc le rapport sexuel est un problème lorsque c'est du péché. Si on fait ça parce que ça unit âme à âme, ce que tu en avais dit. Tu me suis un peu. Je n'ai pas dit tout le rapport sexuel, c'est un problème. Ils sont dit le rapport sexuel, que ça soit illégal. Parce qu'on dit dans 1 Corinthiens 6, on dit fuyez l'immoralité sexuelle. En fait, on n'est pas dans l'immoralité sexuelle. Ici, dans Genèse 1, verset 28. Je sais ce que tu en as de dire. Là-bas, il est prescrit le rapport sexuel, mais de façon légale, entre les gens qui s'unissent. Le problème du rapport sexuel qui est illégal, c'est le fait que quelqu'un d'autre qui vient s'introduire dans cette union-là, qui fasse là. Tu comprends? Ça veut dire si Adam et Ève faisaient le rapport sexuel, il n'y avait pas de problème. Tu m'as suivi maintenant? Je crois que c'est clair maintenant. Non, suis attentivement. Je crois que c'est clair. Je ne suis pas en train de dire que le rapport sexuel est mauvais. D'accord? J'ai deux enfants. Hein? Il y a une troisième qui arrive. Donc, ça veut dire que si le rapport sexuel était bien, je ne le ferais pas. Je suis en train de dire, le rapport sexuel qui dérange, c'est qu'un être vient s'introduire au milieu et fait ces choses-là. Voilà, c'est ça dont il est question. Et ces rapports sexuels-là, c'est le rapport sexuel seul dans la Bible qui dit que ça unit les personnes de l'intérieur. C'est le rapport sexuel seul. Il n'y a pas deux. On dit quelques autres péchés. Donc, n'importe quel péché que vous citez. Ces péchés-là est hors du corps. C'est le rapport sexuel seul qui le fait. D'accord, frère? Voilà. Maintenant, bien plus, Restons dans Genèse chapitre 3. Il dit que maintenant, quand l'homme a mangé, il est devenu comme l'un de nous. C'est ce problème-là que je suis. On mange comment? Pour devenir, pour avoir une image. Allons-y. Pour avoir une ressemblance, un attribut qui appartient à un autre maintenant. Comment est-ce qu'on fait? Bon, je prends un exemple. Oui. Dans le désert, oui. Le diable a dit au Seigneur de manger. De manger. Oui. De transformer le pain. De manger. Oui. Voilà. Si le Seigneur désobéissait qu'il mangeait, il allait prendre quelle image? Il n'allait pas prendre aucune image. Il n'allait prendre aucune image. Il suit attentivement. S'il avait désobéi, suivez attentivement. Le Seigneur qui a été tenté là-bas. Non, il n'allait prendre aucune image. Jésus. Oui, suis attentivement. Jésus peut transformer n'importe quoi et ça devient effectivement du pain. Mais oui. S'il le faisait, mais c'est il mangeait. L'influence de qui? Non, attends. En fait, c'est sur l'influence. Sur la direction de qui? Sur la direction de je qui? Comprends. S'il le faisait, ça n'échappe. Non. C'est sur la direction de qui? Il n'y a pas de problème. Suis attentivement. Si tu obéis, parce que tu as obéi à Satan plusieurs fois, mais tu n'as pas porté son image. Tu as obéi à Satan plusieurs fois depuis que tu es né. Plusieurs fois. Même comme tu dis que tu es chrétien, tu lui obéis chaque fois. Il y a des gens qui rêvent ici en disant que le Seigneur m'a dit alors que c'est le diable. Pas vrai? Il y a des songes que tu as et que c'est le diable qui t'a donné. Pas vrai? Des pensées que tu as, tu dis que waouh, le Seigneur m'a révélé tes choses et que ces choses sont fausses d'après la Bible qui t'a donné. Donc il y a un moment où tu prends l'image de diable, après un temps l'image de Dieu est là, un temps l'image de diable est là, un temps l'image de Dieu est là-bas. C'est pas comme ça. D'accord? Maintenant, je reviens sur la parabole de Matthieu chapitre 13. Jésus explique donc que la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et il dit, c'est lui qui l'a semé, c'est le fils de l'homme. Donc, il y a la bonne semence semée par le fils de l'homme. Et la mauvaise semence, il dit livrer, ce sont les fils du malin. Il n'a pas blagué, ce sont les fils du malin. C'est lui qui les a semés, c'est le diable. Donc, il vient de nous expliquer qu'à la création dans le jardin, les fils, ceux qui descendent le diable, il ne les a pas mis là-dedans. D'accord? Maintenant, la question qui peut revenir vers toi, c'est que je veux que tu m'expliques. Un, Satan est-il un créateur? Bon, moi, je veux te poser la question. Après avoir répondu. Suivez. Non, frère. Quand je vous laisse poser avec lui. Il a des préoccupations. Vous avez dit, c'est vous qui avez dit, je l'ai renvoyé dans les enseignements. C'est vous qui avez dit que c'est mieux que j'explique. Si vous voulez que j'explique, vous vous taisez. Parce qu'il a des préoccupations. Il n'est pas là pour discuter. D'accord? Restez même si vous êtes un peu au quoi, laissez tranquille. Ce qu'il est en train de faire, c'est exactement ce qu'il fait quand les gens prêchent. Ça veut dire que s'il dit que je ne vais pas, il pose des questions pour relancer. Donc c'est légitime ce qu'il fait, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire me poser comme question? Mais si vous venez de te poser une question. À partir de l'histoire de Jésus, il a dit que celui qui a semé le vrai livre, c'est Satan. Moi, je t'ai posé une question, tu as dit que tu me poses d'abord une question. C'est juste un rapport par rapport à ce que tu as dit que c'est le malin. Le malin qui l'a semé. C'est le malin qui l'a semé. Non, c'est pas moi qui ai dit, c'était Jésus. C'est lui qui a dit ça. D'accord. C'est pourquoi la Bible dit que la Bible dit que Caïn était du diable. Oui. Caïn était du diable, c'est-à-dire Caïn était du malin. Oui. Maintenant, par rapport aux relations sexuelles, c'est-à-dire que je veux dire que Caïn, il était le fils du serpent ou bien il était le fils du diable. La Bible dit que le fils du malin. Fils du malin. Maintenant, entre le malin et puis le diable, qui a eu les relations sexuelles avec elle. Dans la Genèse dit qu'il y a la semence du serpent, on n'a pas dit la semence du diable. Parce que le diable n'a pas une semence, c'est le serpent qui a une semence. Le diable, c'est l'esprit là. D'accord, mon cher? L'esprit n'a pas de rapport sexuel. Oui, l'esprit n'a pas de rapport sexuel. Oui. Tu me suis? Oui. L'esprit n'a pas de spermatozoïdes. Oui. Les anges n'ont pas de spermatozoïdes. Mm-hmm. Les anges ne peuvent pas féconder des femmes. T'as bien suivi. Maintenant, comment Caïn est... La question que je devais poser, c'est que dans ce cas, comment il est fait pour venir? D'accord, il recommence encore. Pour qu'il y ait naissance sur cette terre-ci, il faut la rencontre de la gamète mâle sur la rencontre femelle. D'accord? Sur la gamète femelle. Les deux se rencontrent, on dit qu'il y a fécondation. D'accord? Alors, une fécondation se fait produit à partir d'un spermatozoïde. Et l'homme donne 23 chromosomes, la femme donne 23 pour faire que l'homme fait 46. Mais la Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 22, quand les gens sont venus poser des questions sur la résurrection, le mariage, ils disent parce que vous ne connaissez pas, parce qu'à la résurrection, les femmes ne prendront pas d'hommes, les hommes de mari, parce que tous seront comme des anges. Donc ils viennent de référer que quand les anges sont là-bas, ils ne prennent pas des femmes, donc ils sont asexués. D'accord? C'est-à-dire que les anges ne peuvent pas féconder. Et un ange ne peut pas venir créer son propre corps pour avoir la spermatozoïde pour faire. Satan ne peut pas le faire. Dieu lui-même a créé la faille qui a permis à Satan d'entrer. D'accord? C'est pour ça que la Bible ne parle pas de la descendance des diables. Il n'y a pas ça dans la Bible, des descendants du diable. Chaque fois qu'on fait référence à eux, on parle par rapport à l'animal de l'origine. On a dit race de vipère, fils du malin. Maintenant, votre père, c'est le diable. C'est différent. Si tu veux comprendre, il faut des airs. Il y a d'autres versets, par exemple, qui disent qu'on reconnaît les fils du diable, puis les fils de Dieu. ou bien je me trompe. Dans 1 Jean chapitre 3 que tu veux citer là. Dans 1 Jean chapitre 3. Le fils du diable. Non, suis attentivement. Suis attentivement. Jésus a dit ici, dans Matthieu chapitre 13, cette parabole devait nous soutenir. Il a dit que les fils, les en fait, livrés. Même au niveau même de la sémence, les deux sémences, là, il n'y a pas de souci avec ça. Ok, tu n'as pas de souci. Dans ce cas-là, je vais taire tout ce qu'il veut dire maintenant. Il te pose des questions par rapport à la sémence. Tu n'as pas de sémence. Donc, il y a deux sémences. Il y a deux sémences. Okay. C'est spirituel. Non, comme c'est spirituel, je vais avancer. La sémence de Christ dans Genèse, quand il dit que la sémence, la postérité est physique ou bien spirituelle. Je suis dans Genèse. Je mettrai inimitié, antagonisme entre ta postérité et sa postérité. C'est une postérité, une descendance. Cette descendance est physique ou spirituelle? C'est spirituel. C'est spirituel. Je veux que tu m'expliques bibliquement. Allons-y. C'est ça. Je vous dis, quand on dit, ok, si ce n'est pas vrai, alors dans ce que vous expliquez, c'est vous. C'est que vous dites que c'est vrai. J'ai entendu cela. Il y a un apôtre qui est sorti de la France, venir se tenir devant moi. Il m'a dit, je lui ai dit que va sur YouTube enseigner, tu mets à côté de mon enseignement pour que Dieu justifie ce qui est vrai. Il a dit ce que tu as dit là. Il dit que non, la sémence de Dieu est spirituelle. Tu es de Dieu, tu es physique. Comment tu es arrivé ici physiquement alors que tu es spirituel? Donc c'est la parole de Dieu qui fait que tu sois maintenant spirituel. Donc dès le départ, tu n'es pas la sémence de Dieu. Donc tu deviens la sémence de Dieu. Allons-y. Donc tu deviens la sémence de Dieu. Ou même tu es comment? Oui, avant d'être la semence de Dieu, non, ne dis pas que oui. La parole est oui, non, non. Oui. Je dis commence. Dès que tu commences, tu es enfant du diable. D'abord, il y a deux camps d'abord, non? J'étais enfant du diable parce que j'ai suivi la voie de Caïn. Ne justifie pas. Non. Je justifie par rapport à la parole. Non, pas par rapport à la parole. En fait, c'est pas parce que la parole fait. Caïn n'est jamais devenu enfant de Dieu parce qu'il a suivi un enseignement. Mais pourquoi la Bible nous empêche de suivre la voie de Caïn? Non, on n'a pas dit la voie. La voie n'est pas le chemin, c'est la pratique. Pourquoi quelqu'un qui est déjà une sémence, on peut lui dire que pourquoi ne suivre? Ce sont les questions qu'on doit faire. On a dit aussi de ne pas suivre la voie de Balaam. D'accord, le Balaam. La vie pratique. Ah. Donc quand tu pratiques. Non, c'est pas ça. Parce que Jacob, c'est là que je vais t'expliquer. Dans la Bible, on a vu des meurtriers. L'apôtre Paul était un blasphémateur. Jacob était un meurtrier, un voleur. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même, il a dit qu'il était enfant des ténèbres autrefois dans Éphésiens, n'est-ce pas? Et puis il dit que nous étions autrefois du camp des ténèbres. Peut citer le verset. On peut être dans le ténèbre sans être fils du ténèbre. C'est la Bible, ça, mon cher ami. Ok, mais je pose une question simple. Y a-t-il un moment où un chat peut devenir un chien? Il veut que tu réponds. Y a-t-il possible? Oh, oui, quoi que dans, le domaine naturel. Non, que ce soit non naturel ou physique. Y a-t-il possibilité qu'un arbre de goyave devienne manguier? Physique ou spirituel? C'est possible? C'est non. C'est, est-ce que chaque chose se reproduit selon son espèce? Oui. Si tu es du diable dès le départ, tu seras. Il y a un moment donné où tu vas devenir chez Dieu. Comment? Je dis ceci. Dieu a dit, je mettrai une inimitié entre ta descendance et sa descendance. Est-ce qu'il est possible que la descendante des serpents devienne un jour la descendante de Dieu? Et vice versa. Tu m'as suivi la question. Tu as dit que tu crois aux deux sémences. Qu'il y a deux sémences, deux lignées. Est-ce qu'il est possible que ceux de la lignée des serpents viennent un jour chez Dieu en étant la lignée de Dieu? C'est ce que je dois expliquer par rapport à la parole. Parce que c'est une loi spirituelle que l'apôtre Jean même, essaie de définir quand il dit que c'est quand les enfants, on reconnaît les enfants du diable et les enfants de Dieu par rapport à la pratique. Celui qui pratique la justice est juste. Est juste. Est de Dieu. Oui. Celui qui est enfant du diable lui pratique la justice. Dans ce cas-ci, c'est de prendre Jacob. Jacob pratiquait la justice. Les œuvres qu'il pratiquait, c'était les œuvres entre lui et Esaü. Il pratiquait quoi? Il dit, si il prend ces deux enfants-là, lequel pratiquait les œuvres de la justice? C'est-à-dire l'histoire de Jacob encore même est claire. Non, attends, l'histoire de Jacob aussi est claire. Explique-nous. Jacob n'a pas commencé bien. Il a commencé mal. Oui, mais je dis que la Bible déclare, mon cher ami, que quoi que les enfants ne fussent nés et qu'ils n'aient accompli ni bien ni mal, afin que ça ne soit pas basé sur les œuvres, mais sur la volonté de seul celui qui appelle, sans se baser sur les œuvres, il fut dit que l'aîné sera assujetti au plus. Tu me dis que l'enfant de Jacob ne fait pas. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. C'est quelque chose qui est prédestiné. Je dis, une fois que toi, quand tu es venu dans le monde, quand tu étais dans le monde, la Bible dit que nous, quand nous mettons nos membres au service du diable, nous sommes enfants, nous sommes sous la tutelle de Christ. Nous sommes sous la tutelle sans être ses enfants. Mais comment on peut appeler ça spirituellement? Tout simplement, tu t'es livré à lui pour être son dominateur. Il a dit aussi longtemps que les animaux dans la chapitre c'est 4. C'est cette loi-là qui fait de nous maintenant. C'est-à-dire que cette loi-là, une fois que tu te mets au service du diable, tu n'es pas son enfant. Tu n'es pas son enfant. Quand tu es quelqu'un, voici quelqu'un, celui-ci. Attends. Mon quand, le Seigneur Jésus, quand le Seigneur Jésus est parti dans le temps pour aller franchir, oui. Et puis il a dit aux autres que fils du diable. Quand il a dit, vous voulez. Et puis il a expliqué pourquoi il les appelait fils du diable. Il a dit. Il a dit parce que vous voulez faire une œuvre par rapport à Bartholomew. Vous... Attends, je vais lire le verset. Jean 8, verset 40. Oui. Je vais lui poser une question. Oui, oui. De savoir, est-ce que. Écoutez la question ici. Est-ce qu'une graine peut pousser sans pourri? Bonne question. Non. Est-ce qu'une graine de sang pourri? Non. Donc ça veut dire que tout commence d'abord spirituellement. Oui. Avant d'être physique. Voilà. Donc quand tu prends, c'est Jacob, non? Oui. Jacob et puis Esau. Oui. Non, c'est Esaïe. Oui. Esau, oui, merci. Oui. Jacob et puis Esau. Oui. Quand tu prends Jacob et puis Esau. Oui. Dieu fait la prophétie à la femme de... À Rebecca. À Rebecca. Oui. Tu vas, tu portes à deux enfants. Deux nations. Oui. Le plus grand sera le plus fort. Oui. Mais le plus petit dominera le plus grand. Oui. Avant qu'il va venir au monde, tout est déjà prédestiné. Mais oui. Moi, il n'y a pas de problème avec la prédestination. Mais le problème, c'est qu'il a dit que. Il a dit que. Le péché n'est pas rentré par le sexe. C'est ce qu'ils ont dit. Non, on a dit tout, On a dit tout, Bon, attends. Dieu te dit, ne mange pas de l'arbre du fruit de la connaissance. Tu t'en vas manger. Oui. C'est une désobéissance que tu as faite. Non, attends, suis. Maman, attends, suis mon cher. Suis, c'est pas ça. La désobéissance. Mon cher, tu as posé la question tout à l'heure, n'est-ce pas? Avant de prendre ce Jean chapitre 8. Le problème de la désobéissance, on a réglé ce problème. Quand tu désobéis n'importe quoi, ce n'est pas le style de péché originel. Ton style de péché que tu vas pécher, ce n'est pas moi que je vais pécher. Il y a des gens que leur péché, c'est le mensonge. Il sait que si ce n'est pas du mensonge, il a en règle avec Dieu. D'autres, c'est l'alcoolisme. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Il y a désobéissance. Toute désobéissance est un péché. Mais le problème qui nous lit ici, qui est là, c'est le péché général. Qu'est-ce qu'on appelle dans le péché? Quel est le péché qu'ils ont commis en désobéissant à Dieu? Ils ont désobéissant à Dieu en posant un acte. Quel est cet acte? Autour de ça, il se trouve l'arbre de la conscience et toutes ces choses qui se construisent. Maintenant, le problème le plus grave maintenant, c'est que tu es en train de vouloir nous dire que avant d'être enfant de Dieu, on est enfant du diable. Aucun passage de l'écriture ne peut enseigner cela. C'est ce qui est développé. Oui. Parce que tu en as dit que tu en as dit, c'est en fonction de leurs voix, les œuvres qu'on voit. Voilà, quel Job était. Jacob était comme ça. Si vous voulez parler, on peut parler. Il parle maintenant. Oui. Non, attends, il finit. Et puis. L'apôtre Paul dit. Oui. Que lorsque nous mettons nos membres au service du diable. Là, c'est Romains chapitre 6. Voilà, on est comment? Quand on met nos membres... Non, finis, c'est toi qui en as défini ce qu'il a dit. Si tu n'aimes pas ça, je vais te dire ce qu'il n'a pas dit. Quand on met nos membres au service du diable, oui. On est esclave du diable. Esclave du diable, pas ses enfants. On est esclave du diable. Oui, ça veut dire que quelqu'un, un esclave, c'est quelqu'un, c'est un service. Quand tu as quelqu'un chez toi, que tu as employé chez toi, pour le mettre, tu peux lui dire que tu ne rentres pas à 7 heures. Tu comprends? Tu peux dire la même chose à ton enfant. Mais la Bible déclare aussi longtemps que l'esclave demeure à la maison, il ne peut pas être fils. Jamais. C'est si clair. Quand, avant de connaître le Seigneur Jésus, oui. C'est quelle œuvre tu pratiquais? Quelle qu'en soit l'œuvre que tu connais avant de pratiquer, ce n'est pas l'œuvre qui fait de toi un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu n'est pas en fonction de l'œuvre. Il dit bien qu'il y en a qui dit que l'apôtre explique clairement. Même la Jean. Il dit que celui qui pratique la justice est de Dieu, n'est-ce pas? C'est dans 1 Jean chapitre 3, verset 8 à suivant. Que le Fils de Dieu est fait venir afin de détruire les œuvres du diable. D'accord? Oui. Tu me suis, frère. Regarde. Ce n'est pas par. Regarde. Ce n'est pas parce que tu pratiques une œuvre que qui fait de toi un enfant de Dieu. Mais l'enfant de Dieu a une vie conséquente dans après cela. Oui. Éphésiens chapitre 5. Oui. À partir du verset 6 à 8. On parle des enfants de Dieu. On dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Oui. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. N'ayez donc aucune part avec eux. Avec les fils de la rébellion. Autrefois, oui. Vous étiez ténèbres. Vous étiez ténèbres, oui. Oui, continue. Pourquoi dit autrefois? Non, attends. Pourquoi oui. Dit autrefois vous étiez ténèbres? C'est exactement ce que tu as dit. Pourquoi tu étais ténèbres avant? Non, attends. Tout le monde est comme ça parce qu'on était privé de la gloire de Dieu. Oui. Tu me suis. Quand tu es privé de la gloire de Dieu, oui. Tu es maintenant du péché. Oui. Non, suis attentivement, n'est-ce pas? Attendez, regardez. On nous demande de nous comprendre. Regarde, mon cher, regarde. On parle d'enfants de lumière. Attends. Regarde, n'est-ce pas? Regarde. La terminologie enfant de lumière et enfant de Dieu, c'est deux terminologies vraiment différentes de la Bible. D'accord? Il dit autrefois, vous étiez ténèbres. Tu as sauté le verset 1. Lis un peu à partir du verset 1 du chapitre 5, voilà, livre. Hein. Allons du chapitre 5, nous sommes au chapitre 5, livrement. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Oui. Comme des enfants bien-aimés. Comme les enfants bien-aimés. Tu as vu maintenant qu'on dit enfants bien-aimés. Des imitateurs de Dieu. Ce sont les terminologies différentes. Continue. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Oui. qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Continue, mon frère. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Oui. Ainsi qu'il convient à des saints. À dessein, oui. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, oui. Ni propos insensés, ni plaisanteries, chose qui est contraire à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, oui. Car sachez-le bien, aucun impudique, oui. Impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Oui. Que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est à cause de ces choses-là. Tu as vu? Ça veut dire que les pratiques de ces choses-là, dans Éphésiens chapitre 2, au chapitre 2, il a dit cela. Il va parler de ces trains, de ces moments. Il dit que nous faisons partie de ces choses-là. Mais lorsque la grâce de Dieu a été là, il nous a manifesté cela. D'accord? Donc, on est d'abord fils de Dieu. Afin que sa miséricorde vienne d'abord sur nous. Fils de Dieu, c'est d'abord prédestiné. Oui. D'accord? Oui. Mais on n'est pas. Le principe même de la création te dit que tu es enfant. Si ton enfant, si tu as un enfant maintenant, garçon. Même s'il fait n'importe quoi, il est bandit, il fait n'importe quoi, il te désobéit à la maison, il est ton enfant. Ce n'est pas le fait qu'il ne dit pas ce que tu as fait, ou bien qu'il fait n'importe quoi, qu'il fait n'importe quoi. C'est que la loi que je suis en train d'expliquer, je ne sais pas si vous n'arrivez à tout à coup comprendre. Oui. La Bible dit, oui. La Bible dit, on reconnaît... Un arbre pas ses fruits. Il y a ça aussi. Oui. Et puis, il y a dans Jean que tu as cité tout à l'heure. Un Jean chapitre 3. Faut citer. Un Jean chapitre 3 dit que celui qui pratique la justice est juste. Il dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. D'accord? C'est ce qu'il a dit au verset 10. Donc c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par là qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Oui, qu'est-ce que tu dis maintenant? Maintenant que nous sommes, avant de connaître le Christ, oui. Avant d'entendre la parole de Dieu, pour être régénéré par la parole de Dieu. Oui. Voilà. Pourquoi c'est à partir de ce qu'on a entendu la parole de Dieu qu'on a été régénéré? Ok, maintenant, regarde, maintenant, je te réponds. Donc, sur cette base-là, le frère vient nous dire que d'abord tout le monde, parce qu'on a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tout le monde entier était d'abord enfant du diable. D'après ce que tu viens de dire. Parce qu'il faut comprendre ce que Jean est en train de développer. Parce que, ok, toi tu me dis, maintenant, je vais lui poser une question simple, d'accord? Une fois que tu rentres dans le monde. Une fois que tu rentres dans le monde, la Bible dit que celui qui est né de la femme est déjà souillé. Donc quand tu rentres dans le monde, oui. Et tu es souillé et tu es dans ce cas, tu es enfant du diable. C'est parce que tu es souillé que cette loi t'appelle enfant du diable. C'est pas parce que tu es déjà du diable. Non, ne vous inquiétez pas, je vais lui poser une question. Oui, je te pose une question. Tu es chrétien depuis quand? Quelle année? Quelle est la durée? Nous sommes en 2017. Toi, tu es chrétien depuis quand? Suivez là la question maintenant, vous allez voir ce qu'il en est. Depuis quand tu es chrétien? Depuis 2012. Donc ça fait 5 ans, n'est-ce pas? 5 ans que tu es chrétien. Donc, tu es enfant de Dieu depuis quelle année? Depuis 5 ans, n'est-ce pas? Depuis ces 5 ans-là, as-tu péché, oui ou non? J'ai péché. Quand tu es péché, tu es devenu enfant de qui? On ne parle pas de qui a la Bible. L'apôtre Jean même a dit que si vous péchez, que vous connaissez, que si vous n'avez pas fondé. Non. La question n'est pas fondée. Oui. Attends. Toi, tu as suivi ma question. Voici ce que j'en ai dit. On a cité dans Éphésiens 5 ici là qu'aucune impurité ainsi de suite ne soit pas nommée ainsi qui convient aux saints. Donc chez les saints, ça ne doit pas se retrouver parce qu'il appartient maintenant à Dieu. D'après ce que tu en as de prendre, tu as pris 1 Jean chapitre 3, verset 10, parce qu'on dit que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et du diable. Tu as dit maintenant que si quelqu'un vit dans le péché, alors il est enfant du diable. Il te pose la question, tu es enfant de Dieu, tu dis oui, depuis quand? 5 ans. C'est pour ça que sur cette base, il veut te poser la question. Ok, tu es enfant de Dieu depuis 5 ans. As-tu péché, le même péché qu'on avait dit que ça ne doit pas se reprocher? Oui ou non? Depuis les 5 ans là, tu as péché? Ok, quand tu as péché, tu étais enfant de qui? Quand tu as péché, commis ces péchés-là? J'étais enfant de Dieu. Oh non, il dit que tu étais enfant de Dieu parce qu'on a compris que tu étais enfant de Dieu. Quand tu péches ces péchés-là, tu deviens enfant de qui? Comment il devient enfant de Dieu? Je suis déjà enfant de Dieu. Ah, tu es enfant de Dieu. Alors, grand, ça veut dire que ce n'est pas le fait que tu commets le péché qui fait de toi un enfant. C'est pas le fait de commettre le péché. C'est le fait de naître. Quand je parle du péché. Ça veut dire que dès le départ. La Bible dit que depuis la conception, oui. L'homme est dans le sein de sa. Oui, de il est souillé. Il est souillé. Ok, donc ça veut dire que c'est sur cette base-là que tu dis que comme tout le monde sort avec le péché, ils sont enfants du diable. Ils sont souillés par le diable, ça fait de lui. Attends. Oui. Quand le Seigneur dit qu'il regarde, c'est le verset où il a dit qu'il regarde et il est dans le ciel, il regarde la terre, il ne voit aucun homme. Il n'y a pas un seul juste. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et après, dans Apocalypse chapitre 22, le Seigneur refait une autre confession pour reconnaître réellement à partir du verset 11 qu'il y a des justes sur la terre. Mais parce que à cause de la justice que le Seigneur a établie sur la terre, pas qu'il n'y a pas ses enfants, il n'y a pas de justes. Parce que Israël, par exemple, est son peuple. Israël est son peuple. Il combat avec Israël dans le désert chaque fois. Il dit que je suis chaque jour assaillé par ce peuple-ci. Mais quand Balak prend Balak pour venir maudire ce peuple-là, il dit à Balak que je ne vois point d'iniquité en Israël. Tu as lu ça dans ta Bible? Il dit dans Nombre 22. Quand Balak va prendre Balak, que viens, maudis-moi ce peuple. D'accord? Israël, entre-temps, nous sommes au chapitre 22, verset chapitre 14, là-bas, il y a un murmure. Il envoie les serpents pour tuer les gens. Parce qu'il dit qu'il va détruire ce peuple. Moïse, qui devant moi, il veut les détruire. Ils sont rebelles. C'est ce qu'il a dit, non? Ils sont rebelles et contredisants. Mais quand quelqu'un vient pour les maudire, il dit, je ne vois point d'iniquité. Qu'est-ce que tu en dis? Donc, c'est pour te dire que fais attention. Fais attention. Ce n'est pas le fait qu'Israël commettait le péché que Dieu a rejeté son peuple, qu'il n'est plus son peuple. Il les a choisis, il les a choisis. Il ne les choisit pas parce qu'à cause des œuvres. Dieu ne choisit personne devant lui à cause de l'œuvre. Il n'y a pas ça dans la base de l'Écriture. Parce que d'abord, on est d'abord rejeté. Mais ce n'est pas le fait qu'on est né comme ça qui fait de nous l'enfant de Dieu. Ce n'est pas l'enfant naturel qui est l'enfant de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans la nature. Parce que la Bible nous a présenté tous les gens que tu signes là. Que c'est ça Abraham. Il est né dans une famille idolâtre. N'est-ce pas? Il y a Abraham, le premier à être appelé son père, il s'est réveillé dans l'idolâtrie. Dieu a dit, Abraham, quitte la maison de ton père, va là où je vais t'envoyer. Cet appel-là l'a mis à part. D'accord? Jacob qui est là-bas. Jacob, il n'y a pas un endroit où Jacob a changé, où il a dit, maintenant je change. Parce que dans Genèse chapitre 35, Dieu qui lui a apparu depuis longtemps, qu'il a délivré, il était avec les dieux étrangers au milieu de son peuple. En plein là-dedans. Nous sommes d'accord? Donc, Jacob, c'est lui qui est venu changer son nom à Israël. Même, il dit même malgré cela, au chapitre 32, au chapitre 35, il est toujours avec les dieux étrangers au milieu de lui, au point où sa propre femme a pris le terrible de son père pour mettre sur son corps, sous son slip. Donc, Jacob n'a jamais changé sa façon de faire parce qu'il était toujours comme ça. Mais il n'est pas prophète à un moment où il a changé. Il est prophète depuis sa naissance. Amen. N'est-ce pas, mon cher? Il est prophète depuis sa naissance. Malgré qu'il fait ces choses, l'usurpation-là et autres, il est prophète. Donc, ce n'est pas parce qu'il finit de changer, c'est que la mauvaise façon de faire qu'il devient prophète. Nous sommes d'accord là-dessus. Alors, on ne devient pas enfant de Dieu à cause des œuvres que nous faisons. Ni le fait qu'on est né dans le péché ne nous empêche pas d'être enfant de Dieu. L'apôtre Paul dit dans le chapitre 1, il dit que vous savez quel évangile il prêchait. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel, de me révéler en lui son fils. Donc, il avait été mis à part. Mais quand il a grandi, il était dans les coutumes des peuples et autres. Mais Dieu avait le regard sur lui. Le moment arrivé, il a appelé de quitter cette voie-là. C'est cette chose-là qui est adressée à tous les enfants de Dieu. Quand Jésus dit que j'ai d'autres brebis, quand il dit que je les ai déjà, qui ne sont pas encore de ces bergeries. Celles-là, il faut que je les amène. Donc, ici, en 2000, en langue quelque là, il les appelle déjà, nous qui sommes ici. Il dit que ça veut dire qu'il te connaissait. Il va te faire venir. Donc, pendant que tu n'es même pas encore venu sur la terre, il dit que tu es sa brebis. Alors que tu n'es même pas encore né sur la terre pour hériter de Satan, comme tu viens de le dire. Tu as vu cela? Donc, en réalité, on n'est pas enfant de Satan et aucun enfant de Satan ne peut devenir enfant de Dieu. Et aucun enfant de Dieu ne deviendra jamais encore enfant de Satan. Parce qu'elle a dit que sinon, le fils de la perdition, afin que le Christ s'accomplisse. Pourquoi il ne les a pas gardés tous? Pourquoi il n'a pas. Il a dit, je l'ai gardé en ton nom. Pourquoi il n'a pas gardé le fils de la perdition? Quand il dit par exemple qu'il est venu pour sauver les injustes et non qu'il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Les premiers perdus, ce n'étaient pas les pharisiens. Il dit les premiers perdus, ce n'étaient pas les pharisiens qui lui posaient les questions. C'était les premiers perdus là-bas qu'il fallait sauver. Et la Bible déclare que c'est lui-même qui les a aveuglés afin qu'ils ne comprennent pas l'évangile pour qu'ils ne soient pas sauvés. N'est-ce pas, mon cher? Alors ça veut dire que s'il veut, si tu es de chez lui, il va te faire venir. Si tu n'es pas de chez lui, il va te parler en parabole, tu ne comprendras pas. Parce qu'il a dit que, à vous, il vous a été donné de comprendre. Mais tu n'as pas de problème, alors c'est quoi le problème? Mais il y a un problème qui est subsiste, c'est que tant que tu diras que quelqu'un peut être enfant du diable, puis devenir enfant de Dieu, ça ne marche pas. Je dis, ça c'est si tu me dis que quelqu'un est dans le péché et qu'il est racheté plus tard, je dis oui. Mais que c'est que cette personne est enfant de Satan, non. Tu es esclave de Satan, tu es soumis à Satan. C'est ça qui te fait maintenant pratiquer maintenant. C'est ça qui va te faire pratiquer. Parce que quand on est dans le péché, oui. Tu as l'attribut du péché en toi. Et puis après, il y a les fruits maintenant qui viennent. Oui. Voilà. Mais que tu n'es pas son enfant, hein. Mais tu n'es pas enfant de Satan, parce que c'est pas Satan qui t'a engendré. Oui, si on veut parler du côté de la prédestination, tu n'es pas enfant de Satan. Oui, tu ne peux pas parler autrement. Tu n'es pas enfant de Satan. Oui. Oui, si on veut parler du côté de la prédestination. Oui. Maintenant, quand la Bible, je veux parler par rapport à la loi, c'est-à-dire que de la filiation, on doit dire qui est enfant de Dieu, qui est enfant du diable. Là, oui. Dit qu'on reconnaît un enfant de Dieu et un enfant de Dieu qui pratique la justice selon ce que. Voilà, et maintenant, il faut définir la justice, donc la Bible parle. Un enfant du diable quand il pratique. L'iniquité, l'iniquité. Donc, quand on veut endosser la filiation de fils du diable. Oui. C'est parce que, par exemple, selon ce que la Bible dit, oui. À cause de parce que tu pratiques. Par rapport à tes œuvres, voilà, les fruits que ça produit, voilà. Produit. Et oui. C'est cette loi que l'apôtre Jean a établie. Oui. Pour montrer qu'en réalité, le péché, la semence dont on parle, la semence, oui. ce n'est pas physique, oui. C'est une semence spirituelle. Oh, attends, quelle semence? La semence, puisque moi j'ai entendu la parole quoi? De Dieu oui. pour recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bon, maintenant, attends, il dit quelque chose. Il y a deux styles de semences dans la Bible là, mm-hmm. Parlant du côté de Dieu. Il y a la semence qui est la parole, parce que la Bible, quand vous avez été régénéré, non pas une semence corrompue, mais pas la semence qui est la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? Mais il y a une autre semence maintenant qui sont les fils. dans Matthieu chapitre 13 que j'ai cité là, il a dit que la bonne semence, ce sont les fils. Il y a la parabole du semeur, celui qui sème le semence sur le chemin. Et il dit, la semence, c'est la parole. Là, la parabole, l'interprétation a été donnée, que la semence ici, c'est la parole. Là-bas, il a dit, la bonne semence, ce sont les fils. C'est deux choses différentes. D'accord? Et là, c'est physique. D'accord, mon cher? Donc, il y a la parole. Il dit, bien, il y a deux paraboles qu'il a données dans la Bible. La parabole du semeur, l'un tombe sur la terre, les endroits pierreuses. Après, il a donné l'interprétation de ces paraboles. Donc, il n'y a pas de souci. Oui. Donc, tu dis que la bonne semence, c'est physique. Là, c'est physique. C'est oui. Physique. Maintenant, je veux savoir. Oui. Caïn est le fils du serpent ou bien il est le fils du malin? Attends. Oui, il est le passé. Il y a une différence entre le serpent. Suis. On dit le serpent ancien. On dit que le serpent ancien était le plus rusé de tous les animaux que le Dieu a fait. L'animal qui ressemblait le plus à l'homme. Non, c'est autre chose de la révélation. Tu as dit quelque chose d'important. Oui. Tu as dit l'animal. Oui. De l'autre, attends. Parce qu'il y a le serpent animal et puis il y a le serpent que quand la Bible dit le serpent ancien, c'est-à-dire la Bible définit même que c'est le diable. Oui, c'est le diable enfin à la personnification. Donc si je vais aller dans la théorie, dans la théorie, c'est-à-dire que le serpent ancien a influencé le serpent physique. Ok, non, regarde-moi physiquement. Suis attentivement maintenant. Je suis le lion de la tribu de Judas. Qui parle? Si tu le tournes là, il se regarde, tu vas voir un lion. Non, s'il te plaît, ne réponds pas, frère. C'est à lui que j'adresse. Si tu te tournes, il dit, je suis le lion de la tribu de Judas. L'apostolé. Non. En fait, les réponses qu'il lui pose, les questions qu'il lui pose, parce qu'il pose la question sur les attributs. C'est ça le problème des attributs qui dérange même les pentecôtistes qui enseignent. J'ai dit, la Bible, dans Apocalypse chapitre 22, verset 16, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange dans toutes les églises pour vous attester ces choses-là. Je suis le rejeton de David, le lion de la tribu de Judas. Si on se tourne, on le regarde, on va voir un lion. Ça dépend de Non, frère. Ça dépend le... Il dit, Jésus, c'est un lion physiquement. Non. Ok. C'est un animal. Non. Ok. Jean, quand il baptisait un de ses jours, Jésus marchait, il s'est tourné vers lui, il a pointé, il dit, voici quoi. L'agneau de Dieu. Quand les gens se sont tournés, ils ont vu un mouton. Non. Hein, frère? Réponds-moi, non. Non, ils ont vu le Seigneur. Ils ont vu le Seigneur. Donc, malgré qu'il soit le Seigneur, on l'appelle agneau. Mm-hmm. Malgré qu'il soit le Seigneur, on l'appelle animal. Lion. N'est-ce pas? Le lion. Mm-hmm. Mais est-ce que Jésus, c'est un animal? Est-ce que Jésus, c'est un animal? Non. Voilà, maintenant, Apocalypse dit que ce dragon-là, c'est le serpent. Il s'est mis dans l'Apocalypse, on vient sortir que c'est un dragon. Qu'est-ce que tu en dis? Le dragon, c'est quel style de serpent? Dragon, c'est quel style de serpent? C'est un serpent aussi. Non, il dit le dragon, c'est quel modèle de serpent sur la terre là maintenant? Tu as vu ça? Ok, maintenant, le cobra. On a parlé de cobra dans la Bible là, pour se référer à Satan, de la vipère. Hein, mon cher? Alors, le boa, on a parlé de boa, ou bien de mamba vert. Fais attention. Parce que tu connais le serpent selon le physique, le serpent physique dont on parle là maintenant. Par exemple, je suis en train de dire Jésus c'est le lion. Tu te tournes, tu ne vois pas Jésus lion. Il est l'agneau, tu ne trouves pas, tu vois le Jésus lion. On dit que le diable c'est le serpent. Tu imagines que c'est le serpent ancien, celui qui roulait comme ça. Ce n'est pas ça dont il est question, ce n'est pas ça dont la Bible parle. S'il y avait le temps encore, j'étais en Côte d'Ivoire, on devait suivre pourquoi pour expliquer bien ces choses. Parce que ce sont les attributs. Parce qu'il a dit, Caïn est le fils du malin ou bien le fils du serpent. Alors j'ai dit maintenant, tu sais qui? L'agneau ou le lion? Non, parce que le serpent, lui, la Bible dit que le serpent, c'est un animal et Dieu lui a donné la malédiction du pouvoir. C'est-à-dire que Dieu lui avait donné, par exemple, Dieu, de la même manière que Dieu a donné le pouvoir de donner oui. Le pouvoir à l'âne. Déromper à cet animal. À l'âne de parler. De parler. Non, tu dis que Dieu, peut-être Dieu a donné, on dit qu'il Dieu, parlait, on n'a pas dit qu'il Dieu parlait. Il parlait. Donné. Et puis encore, peut-être il était, et puis... puisque Dieu lui a donné la malédiction de ramper, c'est que peut-être qu'il était debout. Debout. Il n'y a pas de souci avec oui, ça. Oui. Il n'y a pas de souci, mais la Bible lui a donné la tribu d'animal. Bon, maintenant, frère, maintenant, je veux que vous me suivez le nom. Regarde, je vais lui poser des questions. On va se tenir tous maintenant. Voyageons maintenant, on rentre dans la Genèse, d'accord? Amen. Regardons en spectateur maintenant Dieu. Oui. On va mettons Dieu entre guillemets parce qu'on ne peut pas le voir. L'ascension, lors de l'ascension, il y a ici Adam, n'est-ce pas? Il dit qu'on voit cela. Il y a Adam ici. Comme tu es jeune au milieu là, tu es Dieu. Voici Adam. Voilà Ève. Et puis il y a le serpent quelque part là-bas. Je ne peux pas désigner quelqu'un qui parle serpent. Si je prends quelqu'un, il va dire non, je ne suis pas lui. Personne ne veut jouer son rôle. Donc on va prendre le serpent quelque part sur la porte là-bas. D'accord? Et tu dis bon Dieu, chacun veut répondre Dieu le nom. Bon, il y a Dieu ici. Donc voyez dans cette image. Il y a Dieu d'un côté parce qu'il y a une sanction qui se passe. D'accord? Voici Dieu. Il y a Adam. Il y a Ève. Il y a le serpent. Ça fait combien? Voilà. Laissons Adam en dehors de ça d'abord, parce qu'il ne le dérange pas. Ce qui nous dérange, c'est la postérité de la femme et du serpent. On va étudier les choses. Je vais te poser des questions. Quand il dit à la femme, je mettrai une inimitié, il dit au serpent, je mettrai une inimitié entre ta descendance et la descendance de la femme. Il parle de quoi? Ça, c'est la première question. Je veux que tu me répondes. Il a parlé de quoi? Du quoi qu'on a détourné tout l'autre là? Ces questions vont nous permettre de répondre. Donc, nous sommes dans la Genèse. Quand Dieu se tourne, voici Ève ici. Voici le serpent. Je mettrai une. Non, c'est pas toi, mon frère. Bon, il y a le serpent ici. Il y a Ève ici. Dieu en a dit parler. Je mettrai une inimitié entre ta postérité. Il pointe le doigt sur le serpent. Et sa postérité. Il est en train de parler de quoi? Première question de réponse. Et puis, je pose la suivante. Il a entendu parler de quoi, vraiment? La question est claire, non? Il dit, voici Ève ici. Parce qu'il faut qu'on comprenne l'ascension. C'est ça qui nous embrouille ici depuis. Si l'ascension est comprise et on sache de qui les questions, on va savoir comment ils sont entrés. Il dit, il y a Ève ici, il y a le serpent ici, Dieu en a donné l'ascension. Puisque tu as fait cela, entre parenthèses, cela, on va mettre cela, entre parenthèses, c'est pas le problème. Je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité, ou mieux, ta descendance et sa descendance. Il parle de quoi? C'est simple, non, la question? Oui. Il parle de quoi? Tu as compris la question? Les descendants, là, ils parlent de quoi? C'est physique ou spirituel? C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis? C'est spirituel. C'est spirituel. Voilà, c'est bon. La descendance de la femme dont tu parles qui est spirituelle, c'est de quoi il est question? C'est qui identifie-le? La descendance de la femme. Parce qu'il a dit ta descendance et sa descendance. Et puisque tu as dit c'est spirituel, avançons dans le questionnement. La descendance de la femme là, qui est spirituelle, là, est où? Parce que il faut faire les identifier pour voir comment ils sont en antagonisme. Il parle de quoi? Il est où? Elle est où? Bon, il peut dire que c'est l'église. Il peut dire que la descendance de la femme. Il peut dire que c'est le Seigneur Jésus. Attends. Donc, dans la Genèse, quand il finit là, quand il est en train de parler, la femme en train de comprendre que c'est l'église. Donc, dans la vie quotidienne, quand elle est chassée là, les descendants, dans l'église, il y a de l'église dans le jardin qui vont commencer à avoir des causes. Dieu en train de parler prophétiquement. Mais il peut aller prophétiquement, mais il dit qu'il est en train de donner une sanction. Parce qu'il va dire que tu enfanteras dans les douleurs. C'est l'église, il parle à l'église. Mais effectivement, la femme enfante dans la douleur. Frère, attends, non, c'est. Le Seigneur Jésus, comment il a eu la victoire sur le trône? Non, attends. Je vais dire que dans la vie pratique de ces personnes du jardin, qu'est-ce qu'ils sont en train de comprendre? Vous comprenez mes questions? Vous commettez quelque chose. Celui-ci me dit qu'il a dit ça, c'est l'église qui va venir plus de 6000 ans plus tard. Ceux qui sont en train de faire, qui ont fait un acte, à qui on a donné une sanction, ils comprennent quoi? Parce que Dieu ne donne pas les sanctions aux enfants. D'accord? Il ne peut pas être puni pour un péché que tu n'as pas commis. Dieu en a parlé. Comment il a puni, comment il s'appelle, Canaan, du péché que l'autre avait commis? C'est la chose que je vous souhaitais même expliquer, parce qu'il vient révéler dans ce Genèse chapitre 11. Non, suis attentivement, non. Il faut qu'on réponde ici. Si on ne s'éloigne, parce que c'est ici le dénouement. Le dénouement, c'est ici. Quand il parle à Ève, il dit, on sait pas, il dit, ta descendance et sa descendance. La descendance de la femme. La femme, c'est quand elle entend la voix, est-ce qu'elle comprend ce qu'on a de lui dire? Oui. Ok, si elle comprend, sa descendance, donc c'est quoi? Comment elle comprend? Elle comprend quoi? Sa descendance comme quoi? Ça pour ses enfants. Qui sont physiques ou spirituels? Physique. Ok, maintenant, c'est très bon, salut-moi. Ok. Le diable, si. Parce qu'il a dit que ses descendants physiques-là seront en antagonisme avec les descendants de Satan. Oui. Le diable, ses descendants sont physiques ou spirituels? Tu dis, attends. C'est ça, parce que moi, il y a deux choses. Oui. Voici comment moi, je comprends. Oui. Voici le serpent qui est un animal, oui, influencé par le serpent ainsi qu'est le diable. Oui. Ça fait deux choses. Regardons la personne. J'ai besoin qu'il dit plaçons les gens à qui ils ont commis l'acte et ils sont devenus les sanctions. Ève ici est naturelle et physique, non? Oui. Le serpent ici est physique, non? Oui. Ok, ça c'est bien. Donc il y a physique. Oui. Dieu en train de dire ta postérité et sa postérité. Tu as dit que la postérité de la femme est physique. La postérité de Satan et aussi de serpent est physique, oui ou non? Oui, si nous parlons de. Non, dans Genèse là. Dans le naturel. Ok, donc sa postérité est physique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mm-hmm. Ok. Donc les deux postérités sont physiques, n'est-ce pas? Mm-hmm. Après cela, Dieu ferme et les chasse du jardin. La séparation à lui, n'est-ce pas? Mm-hmm. Je veux que tu m'expliques comment les enfants de Satan deviennent physiques sur la terre. Comment ils viennent? Allons-y. Parce que physiquement, il faut qu'ils soient là pour être en antagonisme entre eux. Oui. Satan n'est pas un créateur. Oui. Dis-moi comment ils ont fait pour venir physiquement sur la terre. Allons-y. Moi, il a dit en réalité que par rapport à la semence du serpent, il a dit que aux semences, il a dit que les semences sont spirituelles. Donc, c'est pas quand même mené dans le domaine naturel. Non, je dis, la sanction, c'est dans le domaine naturel. La sanction n'est pas dans le domaine spirituel. Mm-hmm. La condamnation du péché, c'est dans le domaine physique, parce que c'est physiquement qu'on commet le péché, c'est pas spirituellement qu'on commet le péché. Nous sommes d'accord. Le péché, c'est dans la chair, n'est-ce pas, mon cher? Donc, le péché qui a été consommé, c'est dans la chair, c'est pas dans l'esprit. Nous sommes d'accord. Ok, donc les sanctions sont physiques. L'antagonisme est physique. Les descendants sont physiques. La descendante de Ève, tu as été identifiée comme c'était ses enfants. C'est naturel. Je veux que tu nous expliques comment l'autre enfant qui vient de la lignée de ses parents vont être là pour combattre. Comment il est entré physiquement? Sachant que Satan n'est pas un créateur, il ne peut pas créer un être. Explique-nous. Et tu nous identifies donc. Comment ils viendront au monde? Comment ils viendront? Comment sont venus depuis la Genèse? Allons-y. C'est ce que je disais. Quand le serpent, oui. Le serpent physique, oui. Quand on est parlé à Ève, il est en train de parler inspiré. Oui. Inspiré par le serpent qui est le diable. Oui. Et quand Ève écoute cette parole, bien qu'elle a déjà entendu la parole de Dieu, oui. Et qu'elle s'en écouter la parole du diable, oui. Elle a désobéi, c'est fini. Suis attentivement. C'est cette désobéissance qui continue. Suis attentivement. On a dit que voici Ève. On a dit ta postérité. Suis. Désobéi, là. Oui. Quand elle a désobéi, elle allait manger de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du oui. mal. Oui. C'est là que le péché. Non, suis attentivement. Là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Il dit ceci, voici Ève. On a pas parlé, l'ascension n'est pas sur Ève, on dit sur sa descendance. Ok, Ève a désobéi en mangeant cela. Sa descendance qu'on punit là, n'est-ce pas? Comment il vient? La descendance du serpent, comment il vient? C'est la question là-bas. On a mis la désobéissance, laissons le manger haut là-bas. Comment la descendance du serpent vient physiquement? On connaît comment Ève va venir physiquement. On connaît comment il va venir physiquement, c'est pas le rapport sexuel. Adam va la coucher, il va venir physiquement. Le serpent fait comment pour que ça parle, pour qu'il soit en antagonisme. Explique-nous. Moi, je ne suis pas dans le domaine naturel. C'est toi qui es dans le domaine naturel. Le péché et les sanctions, on a déjà défini ça. Le péché et les sanctions se passent dans le domaine naturel. Moi, je suis dans le domaine spirituel. Il est vrai qu'on n'était pas. Il n'y a pas de péché comme dans le domaine spirituel. Il n'y a pas de péché dans le domaine spirituel. Le péché a été commis dans la chair. Parce qu'il y a une désobéissance qui a été faite pratiquement. Dieu a dit. La Bible, ce n'est pas la désobéissance que le péché va te faire. Maintenant, il dit, hein, j'ai dit à mon cher, il dit, hein, le péché n'a-t-il pas été commis physiquement? Le péché a été commis physiquement, oui ou non? La sanction, comment? Et puis voilà, avant que le péché va être commis, physiquement, c'était commis comment d'abord? C'était commis spirituellement. Laissons le côté spirituel que tu vas expliquer. Ce qui est là, c'est que nous sommes dans le domaine naturel. Nous sommes dans le domaine naturel. C'est le cœur qui désobéit. Il n'y a pas de problème de ça. On n'en disconvient pas. Dieu a dit à mon cher que le péché est couché. Comment tu te parles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Esmel. Esmel. J'ai dit ceci, n'est-ce pas, mon cher? Je suis en train de dire que voici Ève. Ève est physique. N'est-ce pas, mon cher? Ève qui est physique a une postérité qui est comment? Physique ou bien spirituelle? Physique. Bon, alors, à quelle la postérité? Moi, je dis, la femme dont on parle là, c'est à cause de ça qu'on a commencé. Oui. Il dit que ici, le Seigneur Dieu est en train de parler, comme dans une métaphore, en train de parler des paroles. Tout ce qui parle dans la Bible là, tout ce que Dieu parle est spirituel d'abord. Voilà. Mais il dit, dans la vie pratique, les gens qu'il sanctionnait, c'était physiquement ou bien spirituellement. Oh, c'est que tu es en train de dire, si tu es en train de parler des choses pratiques, des choses naturelles. Moi, je ne suis pas dans ce domaine-là. Je ne suis pas dans le domaine pratique. On est dans le domaine spirituel. Oui, mon cher. Et pour revenir à ce qu'il dit là, oui. Jésus m'a dit, si vous ne comprenez pas les choses du monde physique, comment comprenez-vous les choses du monde céleste? Et là, parce que tu apprends les choses spirituelles, pour expliquer les choses spirituelles. Les choses spirituelles. Oui. Donc, si tu ne comprends pas ce qu'il est là, dit physiquement, comment toi tu vas le comprendre via ce qu'il dit? C'est quel esprit? Parce que la Bible explique même que le péché, c'est un esprit. Il va finir. Il dit, Adam et Ève, oui. Sa descendance et la descendance du serpent sont en antagonisme. Sont antagonistes. Oui. Maintenant, Ève. Elle, on connaît comment sa descendance va venir au monde. Oui. Adam et puis Ève, bon, il va venir une descendance au monde. Mais, comment? Le serpent, comment lui va s'arranger? C'est la question. Que sa descendance va venir au monde. Pour aller confronter l'autre descendant. Il serait seul ou bien il va croiser autre personne. Il a dit que quand Dieu est en train de parler, il ne parle pas physiquement, il parle spirituellement. Ok. Dans ce cas, explique-nous même spirituellement comment pour Ève vient et pour comment pour Adam pour le serpent vient, même spirituellement. Explique-nous comment la descendance. Attends, pour Ève vient comment? Attends, pour Ève, attends donc, si c'est pas le péché, pour Ève vient comment l'ascension là? Comment la semence, comment la descendante de Ève vient par le péché? Ève, allons-y. Il dit, spirituellement, laissons physiquement maintenant. Nous sommes encore sur les deux personnages. Je mettrai une amitié entre ta postérité et sa postérité. Comment les deux postérités viennent spirituellement? Allons-y, explique-nous. Jusque-là. La première postérité va venir. C'est quoi quand on dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu? La première postérité. Ça, c'est longtemps. Ne parle pas longtemps. Restons dans la Genèse. Parce que quand je parle longtemps, c'est compliqué. Restons dans la Genèse. Ça veut dire que première génération de cette postérité, comment ils vont se manifester? Allons-y, Genèse. Avant qu'on commence à peupler la terre, il allait parler à eux. comment leur postérité vient. Explique-nous. Ils n'ont pas la Bible, ils n'ont pas Genèse, ils n'ont pas Apocalypse, ils n'ont pas Romains. Comment est-ce que la postérité de la femme vient spirituellement, comme tu dis? Et comment est-ce que la postérité de serpent vit aussi spirituellement? On a quitté le naturel. La postérité de la femme et la postérité de l'homme, la postérité de la femme est venue spirituellement par le péché. C'est quoi? Elle dit que dès que la femme conçoit, dès que l'enfant est dans son sein, il est pécheur dès le sein de sa mère. Il n'y a pas de problème. C'est sûr. Okay. Il a fait quoi? Non, ça c'est la femme, non? Ok, et maintenant, et le serpent? Comment ça pas vient? Comment ça peut aussi venir spirituellement? Ça, tu as parlé pour la femme. Comment est-ce que vient la semence du serpent vient aussi? Pour être en antagonisme avec celle de la femme. Comment, mon frère? Voilà. Maintenant, on va reconnaître maintenant le fruit parce que la personne qui va. Non. Comment pas dire qu'on va reconnaître? Il y a deux lignes qui doivent être là. Il faut qu'ils soient là pour pouvoir se confronter. Tu as expliqué que pour la femme vient comme ça. Explique-nous comment pour le serpent vient aussi. Pourquoi on va la confronter plus tard? Tu comprends un peu, non? Comment est-ce que pour le serpent vient? C'est ici le dénouement. Donc même si tu fais physiquement, c'est une ordonnance. C'est une ordonnance. Oui. Quand j'ai écouté l'enseignement, tu as dit que Adam et Caïn et puis Abel sont des jumeaux. Non, n'entrons pas dans ce domaine-là. Tu veux entre nous éloigner. Ouais. Je veux qu'on ne bouge pas d'ici tant qu'on n'a pas défini comment la semence vient. Ça sont les choses que j'ai dites. C'est pas seulement que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit, j'ai déjà expliqué. Mais je veux que toi aussi tu donnes ton explication. Oui, ce qui est écrit. Non, explique-nous. Je dis, on a dit qu'il y a deux possibilités. Ce qui a été écrit. Frère. Ce qui a dit, c'est pas écrit. Mon cher Esmel, ne bouge pas dans la Genèse. Nous sommes dans la Genèse. Parce que quand tu pars, il y a d'ailleurs beaucoup de mutations sur la terre. Restons à l'original. Lorsque l'ascension, ma question subsiste. Quand l'ascension est donnée, n'est-ce pas? Quand l'ascension est donnée, comment les postérités. Non, juste à ce que ça soit résolu. Il n'y a pas de problème. Monsieur, je pose une question là. Même l'évangile de Jésus se trouve là-bas dedans. Alors, je pose la question. Comment les deux postérités se manifestent? Ou bien comment ils se confrontent? Parce que tu as dit que. Quand un homme naît déjà, est conçu, il est souillé, donc il est dans le péché. Voilà pour la semence de la femme. Et donc, dans ce cas, comment pour le serpent vient? C'est simple, la question est posée depuis au moins 15 minutes ici. Explique-nous, bibliquement parlant, comme il y en a dit dans la Genèse, là. Comment? Oui. Je peux voir quelque chose. Oui. C'est que lorsque les deux postérités sont venues, il y a un qui a pratiqué le bien. Non, d'abord. Ils sont déjà venus. Je veux savoir comment elles viennent. Pour la femme et l'homme, ça ne nous pose pas des problèmes, que ce soit physiquement ou spirituellement. C'est l'autre postérité là que l'on doit expliquer comment il doit faire pour venir. Explique-nous. Bon, moi je peux comprendre que on dit Adam est parti avec sa femme Ève. Oui. Mais on nous a pas révélé que le serpent est parti. Non, avec n'interprète pas ce qu'on a dit. Dis seulement qu'on a dit qu'il est venu, il est venu. On a mis le rapport sexuel entre guillemets parce que s'il avait assuré le rapport sexuel, on ne serait pas là. On a dû mettre le rapport sexuel en doute. Vous avez mis ça en doute. Expliquez donc comment c'est venu. C'est la question ici. Bon, vous avez dit, je ne parle pas à quoi c'est le rapport sexuel. On veut le consent. Ok. Si ce n'est pas ça, dites-nous donc comment il est venu. C'est là le problème. Je peux concevoir aussi. Tu comprends maintenant, non? Oui. Je peux concevoir aussi la parole du diable. Oui. Comme une semence. Non. La parole est toujours une semence. Pas comme une semence. La parole est toujours une semence. Donc. Voilà. Et Adam aussi vient avec sa semence. Où ça? Qui est physique. Attends, finalement, attends d'abord. Je crois que à toi, je vais poser la question. Oui. La postérité de la femme est physique ou spirituelle? La postérité est physique. Est physique. La postérité du serpent est physique ou spirituelle? Pour moi, c'est spirituel. Donc, ça veut dire qu'une postérité physique devait être en antagonisme avec une postérité spirituelle. Voilà. Ça veut dire que. Ça veut dire que c'est la postérité qui vient de la femme, que Dieu a donné la promesse là, est plutôt charnelle. Et la postérité du serpent est plutôt spirituelle. C'est oui. Comment je comprends? Oui. Les deux postérités viennent de la femme. Les deux postérités viennent de la femme, parce qu'ils ne passent pas à la femme. Ok, ça commence à poser problème. Si les deux postérités passent par la femme, j'attends. Vous savez, ces choses, j'entends ça dans tout le monde entier. Parce qu'il dit que c'est parce que Adam, Eve a entendu la parole que c'est entré. Après, je pose la question, ok, comment Caïn a fait la même chose? Il dit que non, il a enseigné ça à Adam, à Caïn. Donc, il a donné le faux enseignement à Caïn, donné le bon enseignement à Abel. Ah, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, les deux postérités passent par la femme. Les postérités des serpents et les postérités de l'homme, de l'homme, n'est-ce pas, de Adam. Ok, pour l'homme, entre comment? L'homme va avec sa femme. Pour le serpent, entre comment? Mais pour le serpent, il est entré par la parole. Ok, donc, explique-nous bibliquement donc. J'ai expliqué ce qu'il a dit avant qu'il ne dise. Explique donc. Donc, il va naître deux postérités. Donc, Satan parle, il a le pouvoir de création comme Dieu. Sa postérité vient, et l'homme va maintenant pour lui vienne naturellement. Le pouvoir de création, c'est en obéissant à la parole que tu deviens son enfant. C'est pas quand en obéissant à la parole, tu deviens esclave de ça. Donc, esclave ou son enfant? Attends, suis attentif. Vous voyez comment elle a détourné. Est-ce que quand tu obéis à quelqu'un, tu es esclave ou tu es sa sémence? Esmel, tu es enseignant de la Bible. Ne dis pas des choses comme ça. Quand tu obéis à quelqu'un, si tu passes en route, un homme dit que va me chercher de l'eau. Tu pars chercher, tu deviens son enfant, sa sémence. Tu obéis à une parole là. Tu deviens son enfant. Réponds oui, pas non. Réponds-moi. Enfin, si tu as dit qu'en obéissant, on devient esclave. Si tu sors là, quelqu'un dit que Mesmel, s'il te plaît. Non, non, quelque chose. Parce que la semence n'a pas changé. La semence n'a pas changé. Depuis le début, si la semence parole est toujours semence parole depuis. Le péché, ce n'est pas la désobéissance. Attends, attends. Dans le premier péché, non. Non, attends, je suis en train de dire que tu as dit que en obéissant, parce que tu as dit que c'est par la parole que ça vient. N'est-ce pas? Ok, parce que la parole, est-ce que la parole que tu écoutes du diable, parce que toi-même tu as écouté du diable. Est-ce que quand tu écoutes du diable, sa semence se met en toi, tu crois à ça, ça fait que tu sois son enfant ou bien de sa semence? Non, on parle, on est sur Ève. Oui. On a dit que Ève a écouté la parole, elle a désobéi à la parole de Dieu. Oui. La parole de Dieu selon laquelle le fruit de l'âme, la connaissance du mal, tu ne mangeras pas. Quand elle a écouté ça, elle est devenue enfant du diable. Elle est partie manger. Oui, oui, c'est oui. C'est ça qu'elle a désobéissance. Oui, ça c'est la désobéissance en faisant cette carte-là. Là n'est pas le problème depuis, nous sommes au niveau de la semence. La semence de ces gens-là. Quand Ève a écouté ça, elle est devenue fille du diable ou bien c'est sa semence à l'intérieur qui a été changée. Parce que là, c'est une chose encore. Parce que tu as dit, quand on écoute, on est esclave du diable. Ah non, on parle de la semence qui est à l'intérieur. Quelle est la conséquence sur la semence? Donc j'ai mon enfant dans mon ventre. Une femme a l'enfant dans mon ventre. Elle écoute un faux enseignement, ça fait que son enfant soit du diable. Eh mon cher, tu es enseignant de la parole. Une femme est enceinte non, ici. Mais est-ce que elle écoute le diable, Dieu lui a donné la parole, oui. Est-ce que quand Dieu lui a donné la parole, elle n'était pas encore enceinte. Non, c'est toi qui as donné l'expliquer, parce que tu as dit qu'elle a écouté le diable. Cette semence est entrée. Si la semence entre et que ça s'entend. Il ne se passe pas dans le domaine de la semence. J'ai dit, quand elle a écouté la voix du diable, elle a désobéi à Dieu. Ça, c'est clair. Elle a parti manger. C'est là que le péché est rentré. Dans le péché est entré, n'est-ce pas? C'est le péché qui est entré. Mais nous sommes en train d'identifier dans la semence dont il est puissant qui vont se contredire chaque fois. Non, attends, quand le péché est entré, c'est qu'on appelle ça comment? Péché originel de péché quoi? C'est le péché originel, non? Nous sommes d'accord ici qu'il y a eu un péché originel. Désobéissant ou n'importe quoi. Le problème, c'est que le péché original a conduit à la mise en exergue des deux postérités. On va identifier. Oui, là-bas. Oui. Je veux dire que ici, la postérité. Oui. Quand Dieu parlait à Ève. Oui. Parce qu'on dit que tous les enfants sont sortis d'Ève. Oui. Donc, dans les enfants d'Ève, c'était Oron, l'esprit du diable. Non, pas l'esprit. Pas l'esprit, non, pas Oron. Parce que c'est Ève. Non, regarde, oui, mais c'est Ève qui a conçu ça, c'est clair tout le monde. Parce qu'on dit au verset 20 là-bas que Ève fut la mère de tout le vivant. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui est venu sur la terre, c'est passé par Ève. Oh, ça veut dire que c'est pour ça que je suis en train de le prendre. S'il y a deux prostituées sur la terre, les deux sont passés par Ève, d'abord fondamentalement. Et si c'est passé de Ève pour venir sur la terre, elles sont d'abord physiques. Nous sommes d'accord. Si un est de Dieu et l'autre n'est pas de Dieu, je veux que vous expliquiez comment celui qui n'est pas de Dieu est entré. C'est aussi simple que possible. Parce que l'acte s'est passé une seule fois, Dieu a fermé la porte dans la Genèse, il a chassé, la multiplication a continué jusqu'aujourd'hui. Donc la semence est entrée une fois pour toutes. Oui, mais c'est en cela que quand on rencontre l'esprit. Oui. Parce que je peux. Attends. Si aujourd'hui, moi j'ai deux enfants. Oui. Un peut être prédestiné à Dieu et un autre peut être prédestiné au diable. Donc cette postérité-là. Oui. C'est-à-dire de cette postérité physique, oui. Sortira. Les enfants du diable et les enfants du diable. Bon, attends, tu poses une question. L'esprit âme et corps. Oui, attends. C'est l'esprit qui influence. Ok, là, tu poses une question, ma chère. Non, restons dans l'original. Oui. Quand Ève, non, toi, tu es une femme, tu es Ève. Là où tu te tiens debout, il dit, je mettrai, c'est dans le futur, une séparation entre ta postérité et sa postérité. N'est-ce pas? Quand il est en train de parler là, il parle d'une postérité physique ou spirituelle. Il parle d'une postérité physique. Ok, donc, comment sa postérité physique pour Satan va entrer? C'est simple, la question est posée. Prêt. C'est simple. Comment il va faire pour venir sur la terre, pour être physique? Alors qu'on parle au serpent. Au serpent qui est physique, on parle. Il est physique dans le sens où c'est la femme qui va accoucher. Attends. Donc il va rester à distance. Attends. On va expliquer. Non, Esmel. Mon frère Esmel, je pose une question parce que, en fait, vous avez écouté. Elle n'est plus pure. Est-ce que ça fait, est-ce que le fait que Ève a écouté, ça influence tous les enfants qu'elle... Attends, suis attentivement. Est-ce que le fait que Ève a écouté, ça fait que les enfants qui vont sortir d'elle à cause du fait qu'elle a écouté, soit du diable ou bien soit de Dieu? Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ça, c'est clair. En fait, c'est même pas l'homme. Regarde bien, voilà encore un problème. Attends, c'est un problème avec la Bible. La Bible déclare que par un seul homme, le péché est entré, alors que c'est Ève qui a commis le péché en premier. Qu'est-ce que tu en dis là maintenant? Mais là, cet homme-là, c'est Adam, parce que la Bible aussi dit que c'est par Adam. C'est quoi? Non, c'est... Oui, Adam. Qui a péché ici dans le jardin en premier lieu? Le péché ici, Dieu Attends, qui a désobéi en premier lieu dans la Bible, comme on dit en Genèse? Mais quand c'est elle qui a commis, mais Dieu voit l'homme. Parce pourquoi? Que Dieu a créé l'homme. Oui. Dieu l'a créé homme et femme. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pas. Qui a commis le premier péché original? Quand on dit l'homme, là, c'est ça. Elle est dans Adam. Okay, non, non, non, physiquement. Ça c'est clair. Physiquement, qui a commis? J'arrive. Lui, physiquement, le péché a été commis physiquement, non? Quand le péché se commettait, Ève était déjà séparée d'Adam, non? N'est-ce pas? Quand le péché se commettait, c'est pas Adam n'a pas porté Ève comme ça le commet. Parce qu'on a dit que quand elle a pris et mangé, elle a donné aussi ensuite à Adam qui était à côté de lui. N'est-ce pas? Donc, qui a commis le péché premièrement? C'est Ève. Je garde l'explication de le pourquoi on parle de. C'est pourquoi pas un seul homme. Jusque-là, on ne s'éloigne pas. Mon problème, c'est au niveau de la manifestation des semences. Comment les deux semences viennent sur la terre? Pour moi, oui. Pour moi, parce que si, même si je ne comprends pas ici, oui. Je voudrais que tu développes. Oui. Et puis je vais garder pour toi et puis je vais en aller. Oui. Voilà. Donc ce que je peux comprendre, c'est que la Bible aussi a dit que depuis le sein de notre mère, oui. Nous sommes corrompus. Oui. Voilà. Donc ça veut dire que ce que le serpent a dit à la femme, il a semé en elle. Oui. Donc depuis l'instant où les enfants, ou bien si tu veux, Abel oui. Était corrompu. Oui. Mais quand il a commencé à travailler, oui. À travailler oui. Il a agi bien. Attends, il a relevé sa face. Attends. Vous voyez là, je crois. Attends d'abord. Mon frère, tu as lu toute la Bible. J'ai lu toute la Bible. Tu as lu toute la Bible. Donc c'est à cause des œuvres. Non, suis attentivement. Regardez, non. Suis attentivement. La Bible n'explique jamais. Mon frère Mesmel. Non, c'est ce qu'il a dit. Suis. La Bible dit. Si je me trompe. Si je me trompe. Oui. Parce que pour moi, le serpent n'a pas couché avec Ève. Oui, ça c'est clair. D'après l'explication. Donc, comme le serpent n'a pas couché avec Ève, oui. Alors comment est-ce qu'on définit le fils du diable? Et puis le fils voilà. De Dieu. Ça, c'est la question on que vous avez définie par leurs fruits. Par leurs fruits. Comme quoi, le fruit, par exemple. Donne les exemples de fruits qu'on va faire que voici pour Dieu, voici pour le diable. Alors, celui qui agit bien oui. Est de Dieu. Ok. Celui qui donc, agit Jacob agissait-il bien, oui ou non? Jacob. Oui. Il agissait mal. Il était du diable. Il n'était pas du diable. Ne dis pas le sens. Tu as d'abord donné la définition que j'ai dit que comment on le reconnaît. Tu dis que s'il agit bien. Je pose la question, est-ce que Jacob agissait-il bien? Tu dis non. Était-il du diable? Tu dis non. Ça contredit un peu ton développement. Non, mais il faut développer. Mais d'abord, si je l'avais dit, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4 que Abel n'a pas été agréé à cause des œuvres qu'elle a données. La Bible déclare que c'est pas la foi qu'elle a offert un sacrifice pour excellent. C'est pas la foi. La foi lui a été donnée par qui? Par Dieu. Oui. Voilà. Ok, pose la question. C'est le fils de Dieu. Non. Maintenant. Donc ça veut dire que c'est d'abord venu avant qu'il a pratiqué l'œuvre. Uh-huh. Tu as vu non? Oui. Donc c'est pas l'œuvre qui l'identifie. C'est l'œuvre, c'est la manifestation de la foi qu'il a. Parce que les francs-maçons font de bien plus que les chrétiens. Oui. Ici, le Saint-Esprit vous a reproché du fait que vous avez quelque chose, vous fermez votre entrée par rapport à votre frère. Les francs-maçons utilisent la bonté, ils font de les bonnes œuvres chaque jour au point où tous les autres sont créés par eux. Et vous ne pouvez pas les battre sur ce terrain-là. Vous voyez? Donc ça veut dire que sur cette base-là, ce n'est pas ces œuvres-là dont la Bible parle. Dieu n'a jamais, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, il n'a jamais mis l'œuvre avant la foi. Donc on dit pour Abel. Comment frère? Il dit que ce n'est pas ça le problème. Pourtant il a détourné encore autour du problème. J'aimerais parler un peu. Oui. J'aimerais parler. Oui. En fait, ce que je voulais dire, oui. Le frère a résumé, il a dit quelque chose de très important. Si oui. Vous ne pouvez pas connaître les choses naturelles, comment pour les choses. Oui. Ok. La première Bible oui. D'un homme ou d'un chrétien, c'est la nature. C'est la nature. Mm-hmm. Ok. Quand Adam et Ève ont mangé du fruit, oui. Dieu veut. Attends, quand tu dis manger, qu'est-ce que tu fais? C'est la Bible qui le dit. Attends, tu parles des choses naturelles. Oui. Quand tu dis manger, tu fais comme ça. On mange où naturellement? Il n'y a pas deux endroits où on mange naturellement. Tu sais qu'il n'y a pas deux endroits où on mange naturellement. Oui. Non. Il a dit manger le fruit, il a parlé naturellement. Jésus a dit par exemple que. Jésus a dit que si tu ne manges, mon frère, Jésus, notre Seigneur, a dit dans Jean chapitre 6 que si tu ne manges ma chair et ne bois mon sang, tu n'as pas ma vie. Mais toi, tu as la vie éternelle, n'est-ce pas? Tu as la vie éternelle, oui ou non? Manger. Tu as mangé sa chair? Oui. Tu as mangé comment? Par la parole de Dieu. Ah, finalement, maintenant, on mange par la parole comment? Par la parole. La parole, c'est sa chair. On mange. Et son sang, tu as bu comment? Allons-y. Oui, c'est lui qui a la parole. Le Seigneur. Non, non, il a dit si tu ne manges ma chair. Le sang, c'est la parole. Quel verset biblique dit que le sang, c'est la parole, mon frère? Quel verset biblique dit que. C'est le Seigneur Jésus. Non, non, tout c'est le Seigneur Jésus. Même la parole, là, c'est lui. Tout la parole, tout l'écriture, c'est lui. J'ai dit, il a dit si tu ne si vous ne mangez ni ma chair et ne buvez pas mon sang, vous pouvez avoir ma vie en vous. Et tu dis que tu as la vie. Tu as mangé sa chair. Comment? Parce que j'ai cru en lui, j'ai mangé sa chair. Finalement, crois, tu as seulement mangé. Donc, quoi veux-tu manger maintenant? Il a dit tu ne manges pas sa chair. Sa chair. Tu dois manger sa chair. C'est parce qu'il a dit de parler. Ah, dans ce sens spirituel. Comment tu peux dire maintenant que c'est un sens spirituel? Non, c'est pas pourquoi il a dit que. Non, c'est pas pourquoi il a dit que là, ça c'est autre chose. On a dit de parler de manger ici. Il dit à ses frères, pourquoi il dit manger? Pourquoi il dit comme ça là? Jésus-Christ, quand il a parlé manger naturellement, les gens qui étaient devant lui comprenaient ça naturellement qu'il parlait de manger sa chaise. C'est pour ça que les gens sont partis avec lui. C'est pour ça que les gens sont partis parce qu'ils comprenaient naturellement. Or, vous aujourd'hui, vous comprenez qu'il ne parlait pas naturellement. Pourquoi? Sur quelle base vous croyez que vous ne croyez pas qu'il ne parlait pas naturellement? Sur quelle base? Oui, mon cher. Oui. Donc, Dieu venait. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher. Oui. Et ils ont pris des feux pour couvrir ici. Oui. Est-ce qu'un enfant, un enfant qui a 3 ans, est-ce qu'il couvre, en fait, même 7 ans? Oui. Il n'a pas honte d'ici. Oui. Vous voyez? Oui. Donc, quand ils sont choses, ils ont mangé. Oui. Ils n'ont pas de manger. Oui. Un fruit. Normalement, c'est la bouche. C'est qui a commis le péché, voilà. Qui est censé commettre. Et puis, ce n'est pas la même chose. Oui. Ce n'est pas la même chose. Oui. Au moins, si c'était la même chose, tu vois, on a dit que sexe masculin, masculin. Oui. Mais pour Ève, c'est différent. C'est différent. Elle a même caché tout ça. Voilà, elle a caché. Donc, il n'y a rien sur ça. Qu'on peut voir que l'homme est gonflé pour elle. Vas-y, on va voir. Oui. Ils ont caché. Mais qu'est-ce que tu veux dire à ce frère? C'est qu'est-ce que tu veux lui dire? Je veux lui dire que. Oui. Il faut observer les choses, oui. C'est-à-dire dans la Bible, telle que c'est des choses qu'on appelle, c'est détaillé. Oui. Et quand ils ont caché, Dieu a lui-même fait des choses. Il leur a dit, mais pourquoi, comment vous savez que vous êtes nus? Oui. Parce que normalement, ils ne devaient pas savoir. Oui. Oui. Quand tu entres dans, tu as mangé du sucre, c'est ta bouche, tu dois nettoyer. Maintenant, dans la malédiction, qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Qu'il a accouché avec douleur. Pourquoi la malédiction n'est pas venue? Que tu vas avoir le mal dedans. Voilà, mal dedans. Moi, c'est pas la question. Non, non, mon frère, ça c'est le questionnement. Pardon, ça c'est le questionnement. Attends, Faut laisser Evan parler. Non, regarde, laisse-moi s'exprimer. Non, lui doit poser les questions. Le frère même doit poser les questions pour comprendre. Les questionnements que tu as envie de poser sont légitimes. Les choses que tu as envie de dire sont les pourquoi. Mais ce que l'écriture nous a dit, frère, ce sont l'écriture. Ce que l'écriture nous a dit, restons-y. Voici ce que nous devons faire, n'est-ce pas? Regarde, voici ce que nous devons faire. Pour notre frère, c'est légitime peut-être qu'il ne croit pas que c'est écrit, parce que littéralement, ce n'est pas écrit que c'est le sexe. Ouais. C'est légitime qu'il ne croit pas. Mais il y a des considérations qu'il doit faire avec les questionnements qu'on a posés. Sur un, les deux semences. Il a dit qu'il croit aux deux semences. Il doit poser des questions qui sont les deux semences. Comment il vient? Comment ils vont finir? Est-ce que les semences peuvent changer de clash? Le maïs ne deviendra jamais le mil, le mil ne deviendra jamais le maïs. Les semences sont comme ça. On a dit qu'il y a antagonisme pour toujours. Ce sera comme ça. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, il faut qu'il réponde les questions. Si ça le dépasse, il part au devant le Seigneur, il lui demande. Si c'est possible qu'on mange une pomme ou bien qu'on écoute une parole, ça nous fait qu'on soit enfant de Dieu ou bien enfant de Satan et puis, ou bien qu'on quitte d'un camp à un autre, c'est un problème. Donc il faut qu'il regarde c'est tout ça. C'est la même question que j'ai posée. Est-ce que si c'est le fait aussi de coucher avec quelqu'un, c'est oui. Le fait qu'on devient, on devient aussi du diable. Voilà, ce n'est pas ça qui fait qu'on devient son qu'on naisse enfant de Dieu ou pas. D'accord. Nous parlons ici de la manifestation des semences parce que la semence était physique. Voilà. Tu vois là, tu étais une fois tu étais dans ton père. Ton père allait vers sa mère, il a déposé la semence, tu es sorti. Donc ça veut dire que quand ton père était n'importe où, on parlait, quand si Dieu donne la promesse à tes descendants, quand il a donné à Abraham, il a parlé à ceux qui vont sortir d'Abraham. D'accord, mon cher. Alors, s'il a parlé au serpent, il a parlé la semence qui vient du serpent. Il a dit la semence du serpent, ça doit venir. N'est-ce pas? Alors, si cette semence est là, la simple question est c'est comment ils font entrer? Comment ils font entrer dans le monde? Et toi-même, tu connais et tu as dit, Jésus l'a dit sur la terre que vous avez pour père le diable. Comment c'est qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir le père le diable? Parce que quand Jean-Baptiste vient, tout Israël était dans la désobéissance. Mais Jean-Baptiste disait aux sacrificateurs et aux gens qui étaient devant lui que race des vipères. Il ne disait pas plus Israël que race des vipères. À d'autres, Jésus dit que celui-ci était au fils d'Abraham. Attends, il finit. La femme, comment ça s'appelle, Zachée, qui était un collecteur d'impôts, qui vivait une mauvaise vie. Il dit que celui-ci était aussi un fils d'Abraham. Mais il vivait une mauvaise vie. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il dit que la vie que Zachée vivait, collectait d'impôts. Juste parce que les gens ont murmuré que Jésus entrait chez lui pour manger. Quand le Seigneur est resté là-bas, il a commencé à faire des choses. Il dit que celui-ci était aussi un fils d'Abraham. Pourtant, au sacrificateur qui était là, qui gardait la loi, qui disait que tu ne recevais pas ça comme nous, il a dit, vous avez pour père le diable. Donc, il a additionné les deux groupes là-bas au milieu, démêlé les deux groupes. Il dit, vous ne pouvez pas écouter ma parole parce que vous n'êtes pas de mes disciples. Mes disciples à moi, mes brebis à moi entendent ma voix. Donc, on n'entend pas sa voix pour devenir ses brebis. On est d'abord ses brebis. Et si tu es ses brebis, tu entendras. Tu as vu la chose, non? Donc, ce n'est pas que c'est pas la parole qui fait de nous devenir brebis du Seigneur. Jamais. Il dit que mes brebis entendront ma voix et elles viendront. Dans le domaine des brebis. Oui. Le domaine d'enfants. Non. Les brebis sont de la semence là. Tu sais que nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous avons. C'est pas adoption. Après avoir entendu quoi? Oui. La parole devait être l'évangile de notre salut, non? Attends, toi tu es brebis. Attends, tu es brebis. Attends, tu n'as pas la parole que Dieu nous a donnée. Oui, attends, tu es brebis ou du Seigneur ou tu n'es pas? Brebis, quand le Seigneur a parlé de brebis, il est en train de parler du domaine qui nous a connu bien avant la fondation du monde. Oui. Quand on parle d'enfants, faisons attention. Oui. Allons-y. Parler d'enfants. Oui. Pourquoi la Bible dit que dans Jean chapitre 1, oui. Dans Jean chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, oui. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On arrive. Et lesquels sont nés? On parle de la nouvelle naissance. D'accord? Pourquoi elle parle de nouvelle naissance? Nouvelle naissance parce que tout le monde est né dans la chair. Oh, pour rentrer en lui, on rentre en lui de façon spirituelle. Donc il vient donner son esprit pour qu'il rentre là où ils sont venus. C'est ça dont il est question, c'est ça la nouvelle naissance. Ouais. Il avait prévu ça que le moment va venir, je vais enlever le cœur des pieds Pierre. Et vous aurez. Dieu utilise les Saint-Esprit, qui est l'expression devenu enfant de Dieu. Tu étais enfant de qui? Pardon? Non, non, non, si, si, si. Attends. Non, mais c'est simple. Celui-ci, il pose la question depuis. Si tu n'es pas enfant de qui? Je suis enfant du diable. Et maintenant, quand je crois. Tu crois devenir enfant de Dieu? C'est ça, mon cher? Non, non, non, c'est la question que tu as posée. Tu as dit que si tu deviens enfant de Dieu, alors tu étais enfant de qui? Oui. Donc, je suis enfant du diable. Laisse-le dire clairement. Dis clairement. Oui. Oui. Le Seigneur Jésus t'a connu d'avance. Oui. Maintenant. Comme toute chose, tu as déjà parlé de la prédestination, oui, toute chose. Oui. On a à tel moment, il va appeler ses enfants. Oui, comme ça. Oui. Maintenant, quand toi, tu rentres dans le monde. Il va appeler ses enfants. Oui, c'est ce que tu as dit, hein, fais attention. Il va appeler ses enfants. Bon, maintenant, mais ton problème, c'est ce qui maintenant, c'est qu'avant qu'ils ne les appellent, ils sont sous la domination du diable. Et non, ses enfants, les enfants du diable. Oui. Pourquoi le Saint-Esprit utilise. Devenir, ok, explique-nous, frère. Avant que nous étions, nous rentrons dans le monde, oui. Le Seigneur Dieu nous connaissait en Jésus-Christ. Oui. Nous avons été prédestinés en Jésus-Christ. Oui. Parce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 17 que ce que tu m'as donné, donc nous étions, nous appartenons à Jésus. Oui. Maintenant nous sommes rentrés dans le monde. Oui. Quand nous sommes rentrés dans le monde dans le péché. Oui. Ma mère m'a conçu dans le péché. Oui. Nous sommes rentrés dans le péché et. Quand tu nais dans le péché, tu vas pratiquer les fruits du péché. Oui. La Bible va t'appeler par cette loi spirituelle, par cette loi des enfants des ténèbres. Oui. C'est-à-dire que tu es des ténèbres. Oui. C'est par cette. Enfant des ténèbres ou enfant du diable. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit que brebis du Seigneur ne veut pas dire enfant de Dieu. Tu as dit ça aussi. On a pratiqué ses œuvres, on a suivi la voie de Caïn. Oui. Quand tu pratiques ces œuvres, tu as suivi la voie de Caïn. Voilà, mais on dit aux enfants du Seigneur, ne suivez pas la voie de Caïn, mais on dit Caïn était du malin. C'est deux choses différentes. Parce qu'on dit, ce que tu as fait aujourd'hui, on dit que ces choses-là ne doivent pas se mentionner au milieu des saints. C'est à cause de ces choses que la parole de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc vous ne devez pas pratiquer maintenant, ça, c'est la même chose. Pourquoi il demande, dans la même manière que tu as dit, oui. Que le chat ne peut pas devenir le chien. Oui. Attends, suis attentivement. Oui. Quand il demande, oui. Quand il dit aux chrétiens qui sont des chats, oui. Ne suivez pas la voie du chien. Oui. Il prend un exemple. Oui. Vous êtes chat. Oui. Ne suivez pas la voie du chien. Le chat est sur la voie du chien, ça devient le chien. Et la Bible déclare dans Éphésiens, afin que nous devenions ses enfants d'adoption. Pour être adopté, suis. Maintenant, c'est ça. Oui. L'imitation ne fait pas. Regarde, mon cher. Tu peux être. Il y a des gens qui marchent, ils marchent comme des femmes. Ça, c'est une femme. Elle a été limitée. Le problème qui se situe entre toi et moi, mais là maintenant, c'est ceci. C'est que tu sembles dire que, comme les gens naissent dans le péché, le fait qu'ils naissent dans le péché, ils sont des enfants du diable. La Bible n'enseigne pas ça. Le devenir, ça veut dire qu'un état, cet état de péché qui vivait là pour retourner à la maison. C'est ça que la Bible appelle. On appelle ça l'enfant, l'adoption. Nous avons reçu l'adoption par le verset de Romains 5. C'est ça. Devenir, c'est pas ça. C'est pas que tu quittes un état d'enfant de Satan pour être neutre en tas. La Bible déclare, j'ai cité ici Zachée. Zachée vivait comme tous les autres pécheurs. Quand Jésus est entré là-bas, il a dit que celui-ci était aussi un fils d'Abraham. Malgré qu'il m'a. Oui, il était un fils d'Abraham, mais il était de faire quoi? La façon dont il vivait, c'est pas les œuvres d'Abraham. Oh, les gens qui a dit fils du diable là, que vous avez coupé le diable, il a dit que. Si vous étiez Abraham, les enfants d'Abraham, vous produisez les œuvres d'Abraham, mais Nicodème, Zachée, qu'est-ce qu'il faisait? Maintenant, il faut dire pourquoi le Seigneur Jésus a dit si vous étiez vous allez produire ces œuvres. Non, non, il dit que si vous étiez dans le sang d'Abraham. C'est cette loi que l'Antoine dit. Non, attends, regarde, il dit que si on prend les deux, les pharisiens qui sont devant Jésus, qui l'appellent les fils du diable, et Zachée, si. Quand on va dans la vie pratique, Zachée est même plus pécheur même que les pharisiens qui sont devant Jésus. Mais devant les pharisiens qui sont là-bas, qui respirent la loi rigidement. La preuve, c'est un exemple de l'apôtre Paul. Mais il les appelle, vous avez pour père le diable, vous avez accompli le désir de votre père, il a été meurtrier dès le commencement. Or, dans la pratique des œuvres, l'escroquerie, le voler l'argent en banque. Même le pharisien et puis le jour qui sont allés prier. Ils ont été priés dans le temple. Donc, non, prenons le cas physique. Là-bas, c'est un parabole qu'il a dit. Ici, c'est physique. Oui. Il a rencontré quelqu'un qui vivait dans le péché. Il a dit que celui-ci était aussi un fils d'Abraham. Mais peut-être, alors qu'il ne produisait aucun fruit d'Abraham. Tu as vu cela, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas parce qu'il a fini de faire l'œuvre maintenant qu'il a dit qu'il est devenu enfant d'Abraham. Il était enfant d'Abraham, mais la société l'a corrompu. C'est à cela qu'il y a l'adoption, la rédemption, le rachat. Pourquoi on devient maintenant, pour commencer à produire maintenant les fruits de la justice que Christ a accompli pour nous? Parce que, étant dans le péché, la Bible explique que le péché saisissant l'occasion donnée par la loi pour se produire en nous toutes sortes de convoitises. Mais comme la foi est venue, nous sommes dégagés. Donc la foi est venue pour nous dégager, pour que la semence, la promesse vienne à la postérité à qui la promesse avait été faite. Donc, c'est une semence originelle. C'est une semence originelle, sœur. Voilà. Tu as vu? Donc ce n'est pas le fait que tu nais dans la chair qui fait de toi un enfant de Dieu, ou bien c'est ce que tu as fait. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous sont gratuits. Regarde bien encore le mot. Tous sont gratuitement justifiés. Or, ce n'est pas tout le monde sur la terre qui est gratuitement justifié. C'est ceux à qui la grâce a été donnée et qui l'a connu d'avance. Mais quand tu lis, on dit que tous sont gratuitement justifiés. C'est le tout ce qu'on parle, ce n'est pas tout le monde. Ça aussi n'est pas le problème. Ok, alors, la fondation de la Bible, c'est que le fait qu'on devienne enfant de Dieu, ça veut dire qu'on est adopté à cause de la seule manière de vivre qu'on ne pouvait pas vivre. En fait, c'est ça. Excusez-moi, nous n'étions pas venus dans le but. J'espère que vous ne lui reprochez rien. Je vous ai toujours dit que même si quelqu'un est en contradiction avec vous, je veux que vous aimez la personne d'abord. Parce que lui n'est pas notre ennemi. D'accord. D'accord, frère, mais on était. Donc, mais le mot devenir ici. J'entends le prédicateur dire ça chaque fois. Maintenant, après devenir, il y a pouvoir là-bas. Tu as vu? Il nous a donné le pouvoir, n'est-ce pas? Le pouvoir. Exocia. Or, il y a pouvoir qui est autorité. Tu vois cela? C'est différent, mon cher. Mais t'as fait attention. Quand il dit devenir, on dit lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Donc, ils sont nés de Dieu. Naître de Dieu, ça veut dire que la nouvelle naissance, c'est que Dieu avait promis qu'il va mettre son esprit en eux, pour qu'il le soit. Et quand tu es son esprit, tu n'es pas son esprit pour devenir son enfant. Tu as son esprit parce que tu es d'abord fils. Galates 4, verset 6 dit, « Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs, par lequel nous crions Abba. » Donc, on n'est pas enfant de Satan un jour, puis on devient enfant de Dieu à un moment donné parce qu'on a écouté la parole, on a cru. C'est pas cela. Parce que même les gens qui étaient devant le Seigneur Jésus, avaient cru au Seigneur Jésus. Tu sais ça, n'est-ce pas? Il dit les pharisiens dont tu parlais dans Jean 8. On dit qu'il dit aux gens qui avaient cru en lui, vous êtes vraiment mes disciples, vous demeurez dans ma parole. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Dans la continuation, ils ont dit que nous ne fûmes point esclaves de personne. Pourtant, il a d'abord dit qu'ils ont cru. La Bible dit, ils avaient dit à ces juifs qu'ils avaient cru. Dans la continuation, ils ont dit que, toi tu es même qui Abraham, notre père, a fait ceci. Il a dit que votre père, c'est Dieu de l'enfant Abraham, je suis venu de Dieu. Je dis vous, la vérité qu'Abraham n'a pas dit. Et après, il a dit, vous avez pour père le diable, alors qu'ils ont cru en lui. Donc, ce n'est pas le problème de le fait que tu as fait quelque chose. Quand on prend le récit comme ça, quand on dit qu'ils ont cru, cette croyance-là, c'est-à-dire que, est-ce que Dieu authentifie cette croyance-là? Non, attends. Ils ont cru. Ça veut dire qu'ils ont accepté ce que Dieu a dit. Les Juifs, la Bible déclare dans Jean 8, verset 30, que les Juifs qui ont cru en lui, il dit à ces Juifs qui ont cru en lui, si vous demeurez, il y a croire, demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples, pas mes enfants, mes disciples, dont les suiveurs des principes de Dieu. D'accord? Puis il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand il les pousse à bout, c'est pour la vraie nature sorte à l'intérieur. La preuve, ils ont dit, nous ne fûmes point esclaves de personne. Comment dis-tu, nous serons libres? Il les a parlé maintenant du péché, du fait que le péché est lié à l'homme et la nécessité de connaître le Fils pour que le Fils vous les affranchisse. Ils ont dit qu'ils ne sont pas esclaves de quelqu'un. Ben il a dit que celui qui est esclave à l'égard du péché, c'est libre est maître de celui qui l'a soumis. Il n'a pas dit que vous êtes les enfants de Dieu à cause du péché. Non. Il dit que, mais le Fils, si lui vous affranchit, vous serez réellement libre. Il dit que nous avons Dieu pour père. Et Jésus a dit que Dieu n'est pas votre père. Vous avez pour père le diable. Il n'a pas dit à cause du péché qu'il vivait. Il dit que oui. Non, vous comprenez ça. Il veut dire que Jésus a dit ça pour les condamner. Mais pour les condamner, non, pour les donner la vraie nature, parce qu'il s'est caché là-bas. Donc, il se disait qu'ils sont des dieux. De ceux qui sont. Oui, pour dire leur vraie nature, leur véritable nature. Et là, encore une fois de plus, c'est que ce que nous avons remarqué dans l'évangile, c'est que ceux qui étaient de Dieu reconnaissaient Dieu facilement. Et ceux qui n'étaient pas de lui, effectivement, le rejetaient de façon énergétique. Même les démons qui étaient dans le corps reconnaissaient qui il était. Alors que les pharisiens qui servaient dans la Bible rejetaient Jésus énergiquement. Et il a dit, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Jean-Baptiste a vu le même groupe. Il a dit que vous êtes des races de vipères. C'est la même chose là. Est-ce que l'apôtre n'a pas rejeté Jésus aussi comme ça? Comment? L'apôtre n'a jamais rejeté Jésus. La personne qui a rejeté Jésus-Christ, c'est l'apôtre Pierre. Il a rejeté l'apôtre Pierre. Non, suis attentivement. Il dit que ce n'est pas le fait qu'il a rejeté Jésus une fois de plus qui fait de ça sa nature. Parce que Judas marchait avec Jésus-Christ en prêchant même l'évangile qu'il prêchait. Non, mais quand tu es en train de parler, en fait, c'est passé que la semence. Non, Jean l'avait dit ceci, n'est-ce pas? La semence du diable, en fait, la semence qui vient pour transformer, pour faire que les gens reviennent à la maison. Même s'il verse ça sur quelqu'un n'importe comment, sur le diable, il ne peut pas changer parce que sa nature ne peut pas changer. Tu comprends ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? La semence de Dieu, que Dieu vient arroser, c'est la semence prédestinée. Il les connaît chacun. Ça, il a compris ça. En fait, alors, si cette semence est là, si ce n'est pas la semence de Dieu, dès le départ, c'est la semence de l'ennemi, il ne peut pas transformer la semence de l'ennemi pour venir chez lui. Donc, le fait que tu deviens, tu ne deviens pas parce que... Tu étais enfant de Satan. Non, c'est pas ça. Oui. Tu ne deviens pas parce que tu fais les bonnes œuvres. Oui. Tu deviens parce qu'il y a la semence en toi. En toi, que Dieu a lui-même mis avant la fondation du monde. Que tu viendrais. Bon, c'est pas l'histoire de Job. Oui. Où Dieu dit à Job que Job, tu penses que ce sont tes bonnes œuvres qui font que moi je te protège. Oui. Mais tu étais là depuis la création. Oui, oui, oui. Avec la loi du ciel, tu les connais, n'est-ce pas? Wow. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire qu'il est fils d'abord avant. C'est pas ça, mon cher. C'est ça. Donc les enfants de Dieu, le mot devenu là. En plus de cela, regarde, c'est le seul verset de la Bible qui semble dire ça. Parce que quand tu veux lire la Bible et pour bien comprendre, il faut prendre dans la globalité. Quand tu lis ce verset-ci, dans ce verset que tu as lu dans Jean chapitre 1, verset 14, 11 à 14, et puis tu as cité un autre verset dans 1 Jean chapitre 3, on dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et ici tu as dit que, à ceux qui l'ont reçu, on a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc comment tu vas reconnaître les enfants, ceux qui sont devenus enfants de Dieu? Puis on dit que, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut prêcher parce qu'il est né de Dieu. Puis on dit que quiconque est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Tu as vu ça, frère? Donc en plus du fait que tu es l'enfant du Seigneur, à cause de cela, il vient donner son esprit pour que ça vive en nous, pour nous montrer que nous avons été adoptés pour partir dans la rédemption. C'est ça qui est la question. Maintenant, quand est-ce qu'il y a des problèmes de relations sexuelles, si tu ne perçois pas ou même tu n'acceptes pas, il n'y a pas de problème. Mais dès le départ, la première chose qu'on doit se sortir, c'est qu'un enfant du diable ne deviendra jamais enfant de Dieu. Et vice-versa. C'est simple, c'est l'écriture. Ce n'est pas le bon Dieu qui fait que quelqu'un soit enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Ou quand quelqu'un devient. C'est pas une affaire. Mais quelqu'un qui est enfant de Dieu doit pratiquer les bonnes œuvres. Mais ce n'est pas les bonnes œuvres qui fait qu'on le fasse. Parce que Satan utilise même fait aussi les bonnes œuvres. La religion orientale n'est pas est plus grande. Regardez les musulmans. Je crois que vous êtes dans le pays musulman ici. Vous avez vu comment les bons œufs ils font, non? C'est même une prescription, je veux la zakat avec la salade. C'est comme mon père musulman. Voilà. Il m'a dit clairement que lui, il serait jugé selon les œufs. C'est ça. On va poser le bien selon le mal qu'il a fait. Ce chrétien, c'est pas ça. C'est la Bible déclare que nous ne serons jamais, nous ne sommes pas sauvés à cause des œufs que nous avons sauvés. D'accord, mon frère Nesmel? Voilà. Donc, je crois que peut-être là où on ne se comprend pas, c'est au niveau des rapports sexuels. Si tu ne comprends pas, il n'y a pas de problème. Mais je t'ai pris. On est en connexion. On est en connexion, d'accord. Écoute encore la vidéo doucement. Doucement. Doucement. Tu écoutes doucement. Et puis les questions qu'on s'est posées ici. Et puis on va causer même par correspondance, d'accord. Pourquoi on ne tire pas de long en large. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne quittons pas le raccourci. Parce qu'il y avait des choses qui étaient dites. On doit prier comme ça. On ne doit pas nous éloigner de ça. Oui. Oui, mon cher, ma chère. Le Seigneur avait dit, je vous avais dit de ne pas prendre d'armes, de ne pas prendre de nourriture, mais maintenant que celui qui a une arme, prenne une arme. L'épée. Voilà. Vous me dansez Matthieu là, oui. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est-à-dire en disant, il dit que, parce qu'initialement dans Matthieu chapitre 10, quand il les a envoyés, il dit qu'ils ne prennent ni bâton ni habit de réchange. N'est-ce pas? Maintenant, il a lui dit, cette fois-ci, il en a de quitter la scène. Parce il faut qu'on regarde les deux contextes. La Bible déclare que, première fois, quand il les a envoyés d'aller dans les villes où lui-même devait aller. Ça, c'est le premier contexte. Il a dit, ne prenez ni habit de réchange. Et quand ils font rentrer, ils vont dire que la première fois quand vous êtes parti, vous n'avez pas pris les bourses. Vous avez manqué de quelque chose. Il a dit, non. Ils sont allés avec cet ordre-là, ils n'ont pas manqué. Maintenant, elle a dit, maintenant, comme je vous avais dit, ne pas acheter, que celui qui a l'argent, qui n'a pas d'épée, achète une épée et en garde. C'est la question là-bas. Il voulait parler de quoi? Après, il va dire clairement que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le volant de Dieu est posé. Et chacun a eu des violences pour s'en emparer. C'est pour vous dire clairement maintenant qu'il faut que chacun serre les ceintures. Dans la prière, elle a dit ça. Quand j'étais dans le monde, je l'ai gardé. Le Seigneur qui est en train de dire, bientôt je vais quitter la scène. Il faut que chacun recèbre maintenant la parole, de la façon qu'il a écouté, pour bien aiguiser maintenant son épée véritablement. Donc, ils doivent prendre garde à tout ce qu'ils ont écouté pour pouvoir les manifester au moment opportun. Parce qu'il ne sera plus là physiquement, comme vous voyez là. C'est pas Non, c'est pas physique. Non, quelqu'un n'a pas acheté l'épée par la suite, pas vrai? Pour aller combattre. Tout de suite, je vois que Pierre avait montré. Non. Quand il a dit, voici, mec, voici une épée. Pour lui montrer que c'est pas physique, je lui ai dit, puisqu'il a pris là cette lance-là, il va faire chape pour couper ma chose. Il a dit, garde ton épée. Il a dit, c'est pas ça que je lui ai dit, parce que le combat du royaume de Dieu n'est pas charnel. C'est pas ça dont il est question. À jamais, quelqu'un n'a aucun chrétien dans les siècles. N'est jamais allé combattre les armées étrangères. Ne s'est jamais défendu quand on venait les tuer. Jamais. Quand on les attrapait pour aller, ils se laissaient comme ça. On les liait. On partait. Peut-être il y avait les forts parmi. On les jetait au lion. On les brûlait. Ils pouvaient se défendre. Oh, Jésus, parce qu'ils comprenaient que Jésus, si quelqu'un est juif sur la joue droite, présent, il dit laissez-vous mourir. Donc, à jamais, Jésus n'a pas donné qu'on achète une épée physique pour aller combattre. C'est pas ça dont il y a des questions. Quelle était question? D'accord? Des questions encore? On est. Oui, mon frère. Excusez-moi. Oui. Le dimanche passé, quand je suis venu, j'ai écouté le frère, dans son exhortation, il avait parlé, je pense que c'était poussé par l'esprit qu'il est en train de parler sur des personnes qui brandissent le nom de William Branham, Oui. William Branham. Mm-hmm. Moi, j'ai déjà échangé avec des Branhamis. Personnes qui croient que, voilà, que William Branham est le dernier prophète, est le dernier prophète de la fin des temps. Oui. C'est le dernier prophète de la fin des temps. Oui. Et une fois, je suis venu ici, j'ai écouté un ancien qui... Voilà pour qu'ils entendent. Un ancien qui a prêché. Oui. Et bon, j'ai entendu beaucoup dans sa prédication. Il parlait de. Il a fait une démonstration. Oui. Il a beaucoup parlé de Branham. Puis je lui ai dit simplement que s'il veut que le Saint-Esprit se manifeste, s'il brandit le nom d'un homme, l'Esprit de Dieu ne va pas se manifester. Il dit Amen avec toi. Pose la question, tu voulais dire quoi? Voilà, donc je voulais dire maintenant, est-ce que, ma question même, est-ce que William Branham est le dernier prophète de la fin des temps? Écoutez très attentivement, comme cette question s'est posée, je vous la réponds maintenant. Je vais vous dire ce cri-là que j'ai entendu. Écoutez-moi très attentivement. Écoutez maintenant cette voix-ci. La voix a crié dans les oreilles de William Marion Branham. Lui a montré des choses qui devaient arriver après lui. Lui présenter la manifestation même durant sa vie sur la terre. L'une de ces manifestations-là a été que les gens commençaient à baptiser en son nom, dès son vivant. La voix lui a parlé que prends garde au ministère que tu as reçu. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que vous tous vous m'écoutez. Je vous le dis maintenant parce que cette voix-ci me parle. Il me pose la question maintenant. Amen. Alors, William Marion Branham s'est retiré pour dire, Seigneur, si tu n'arranges pas ces choses-là, je ne prêche pas. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous le dis, la voix lui a parlé. Amen. Et cette voix lui a dit que c'est que je te montre. Quand il s'est retiré pour aller fin là-bas, dans ce fin de brousse, pour dire, si tu ne rappes pas ça, je ne reviens plus prêcher. Il lui a dit, cette voix-là lui a dit, je t'ai montré ça pour te montrer ce qui va arriver après toi. Ce n'est que le signe et le séquel. Et ça doit arriver. Quand il a vu ça, quand la voix lui a parlé, il s'est retiré, il a fait seulement son œuvre. La voix lui a dit, tu ne peux absolument rien contre cela. Alors, la voix lui a donné de mettre en garde ces gens, de mettre en garde pour tous ceux qui veulent sur la... Je suis en vous parler de la voix. Je ne parle pas de millions de grands. Je ne sais pas ce que vous faites là-dedans, ce que vous faites là-dedans, mais je vous parle de ce que j'ai entendu. Quand je me suis prosterné là-bas, quand il m'a parlé, que dis-leur cela. Amen. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit ce qui lui est arrivé quand il allait dans le secret. Quand il s'est retiré, personne ne savait où il est allé. Il est allé dans le secret, il lui a parlé. Il m'a dit ce qu'il lui a dit, ce qu'il lui a montré, et c'est ce qui est en train d'arriver. Maintenant, écoutez bien ceci. Vous tous qui vous asseyez dans la chair de Branham, vous êtes déchus. Amen. Amen. Écoutez très attentivement cela. Vous tous qui vous asseyez dans, que vous vous appuyez sur Branham, vous êtes déchus. Parce que vous n'avez pas compris la voie. C'est la voie qu'il faut suivre. Suivez très attentivement. Il a chaque fois averti que ce message-là ne doit pas faire naître des dénominations. Oui, il a dit ça. N'est-ce pas? Cette voie-là parlait en disant que point de dénomination. Point de dénomination parce qu'en fait, l'église du Seigneur n'est pas une organisation, n'est pas une dénomination. Les gens ont ces enseignements aujourd'hui, forment une dénomination tout en prêchant sa voix. Ils sont rejetés. Vous avez posé la question, je vais vous parler selon ce qu'il a dit. Vous me suivez? Alors, je veux votre attention ici. Ne ratez pas ça. La voix a dit, cette prémisse-là qu'il lui a montré là-bas, c'est ce qui devait arriver. Nous sommes en plein, je vois les Branhamis, j'ai pitié. Les disciples de Jean-Baptiste n'allaient pas prêcher Jean-Baptiste à Jésus. Les disciples de Jean-Baptiste n'allaient pas prêcher Jean-Baptiste à Jésus. Quand Jean-Baptiste a vu, il a dit, voilà l'agneau qui enlève le péché. Quand le messager Jean-Baptiste a vu Jésus, il l'a présenté, les disciples le quittaient pour aller voir Jésus. Ils étaient avec Jésus. Un messager annonce Jésus. D'où vient-il? qu'aujourd'hui, quelqu'un envoyé par lui prêche Jésus. Vous venez aujourd'hui, c'est sa photo. C'est sa photo. Ça, c'est l'idolâtrie. Vous devez vous en éloigner. Mais il y a des gens comme ça ici. Ah, c'est pas votre problème. Je dis ce que la voix m'a dit. C'est ça, il dit là. Écoutez-moi très attentivement. Vous pouvez être dans l'idolâtrie sans vous en rendre compte. Vous faites une prédication. Remarquez très attentivement, vous montrez que quelque chose ne va pas. Ils vont imiter Branham sans avoir l'esprit saint. Toute la connaissance que vous allez déployer, que Branham a dit, il a fait sur la colonne de feu, a descendu ainsi de suite, ça ne vous fait absolument pas appartenir à Christ Jésus. Vous devez suivre la voie de l'esprit. Vous me suivez là, frère? Ok, maintenant. Branham a dit, qui est élevé? Branham. Faites attention à l'idolâtrie. Personne ne doit détourner Jésus-Christ dans la marche et dans la foi. Vous avez suivi ça? Les Branhamites ont fait naufrage. J'aurais souhaité que les Branhamites fissent ici, qu'ils disent ces choses ici pour que j'en sois pur de l'essence. Jésus les appelle à la correction. Parce que tant qu'ils demeurent là, effectivement, vous savez, il a dit quelque chose, j'ai dit amen à cela. Tant qu'ils demeurent là, ils vont expliquer l'histoire biblique, l'histoire de Branham, et avec le miracle qu'il a eu, aucun ne se produira avec eux. Vous comprenez cela? Ils vont faire comme les Juifs qui ont dit que nous entendions les miracles que tu avais fait au temps de nos pères dans l'Égypte. Où sont partis ces miracles? Parce qu'ils n'ont pas compris que le messager indique quelqu'un. On n'a pas dit que Branham bâtit du Saint-Esprit. On a dit que c'est lui que tu vas voir sur qui l'Esprit va descendre. C'est lui qui bâtit du Saint-Esprit. Et la promesse est pour nous, pour nos enfants. Ça ne s'est pas arrêté en Branham. D'accord? Tant que l'Église est sur la terre, il y aura des prophètes, des apôtres, des docteurs pour le perfectionnement des saints. Ce n'est pas un prophète mort. Ils doivent être là pour l'Église. L'apôtre Paul a écrit sa part. Il est mort. On lit les écrits de l'apôtre Paul chaque fois. Mais chaque fois les écrits de l'apôtre Paul, nous ne citons pas. Nous disons que l'apôtre Paul a fait ça. Nous savons que c'est le Seigneur qui parle. Nous ne glorifions pas l'apôtre Paul. Vous voyez? J'espère que vous comprenez. L'apôtre Paul qui a la doctrine biblique. Nous ne le citons pas et ne le glorifions pas. C'est Jésus-Christ. Et dans ses lettres, c'est Jésus-Christ qui glorifie. Personne ne vient ici prêcher Paul. Pas vrai? D'où vient-il qu'aujourd'hui quelqu'un vient prêcher un message? C'est un problème. Mais ils ne sont pas. Ils sont aveuglés. Au point où on va dans l'eau pour baptiser, il faut qu'on ait le papier de Branham ce soir. Il faut que vous entendez, on voit la photo avec sa colonne de feu sur là. C'est l'idolâtrie exactement comme Israël faisait. Vous comprenez? Donc, c'est qu'on les a sortis de l'idolâtrie mondaine. Ils sont venus dans l'idolâtrie spirituelle. Et ceci est plus aveuglant du fait qu'ils ont des bribes de vérité. Donc, c'est plus difficile de les corriger maintenant que les pentecôtistes. Vous me suivez là? Si vous vous fâchez, c'est votre problème. Si vous avez eux, c'est votre problème. Mais je dois dire ce que la voix a dit. Être branhamiste ne vous amènera jamais au ciel. Pas plus qu'à apporter dans un groupe. Croire au message de Branham ne vous amènera point là-bas. S'il y a l'enlèvement, vous croyez à tous les messages de Branham. Si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, ça vous laissera ici. Vous m'avez suivi? Alors, il a pleuré ces jours-là. Pleuré ces jours-là parce que le Seigneur a dit, ok, je vais arranger ça sur la terre. Quand tu auras, mais sache qu'après toi, les gens vont se lever avec ce nom-ci. Et le voilà. Maintenant, écoutez. Branham va se lever et rejeter tout cela qu'il n'aura jamais dit de faire comme ça. Et moi, je serai devant pour les condamner au jour de Christ Jésus. Bonne soirée. Mais frère, non, voilà. Ne parle plus de ça. J'ai transmis. Non, oui, oui, pas plus de Branham. En fait, il y a des frères ici. Oui. En fait, non, parle, frère. Frère qui est là. Regardez, je ne sais pas de quel groupe vous appartenez les uns les autres. D'accord? Ce frère qui est là. Oui. A dit que Branham est un faux prophète. Ça, c'est son problème. A dit que, non, attends. Moi, il parle de ce que voilà. Je connais. Que, je n'ai jamais été branhamiste. D'accord, de près ou de loin. Vous comprenez? Et qu'il était franc-maçon. Ça, c'est encore son problème. Okay. Ouais. Parce que vous savez, je rencontre beaucoup de choses. J'ai eu à confronter ceci avec les gens que Branham était franc-maçon parce qu'il faisait ces choses. Je vous dis, si vous rencontrez Moïse, vous allez dire clairement, la Bible déclare qu'il était enseigné de toute la sagesse des pharaons. Donc, Moïse était un magicien qualifié et chevronné, plus grand que tous les magiciens d'Égypte, oui ou non? Oui. Est-il messager de Dieu? Oui. Donc, c'est votre problème. Recevez des condamnations si vous voulez recevoir des condamnations. Si vous ne connaissez pas, ne tirez pas les choses des hommes pour amener l'opprobre sur vous. Amen. Si vous ne connaissez pas, ne tirez pas l'opprobre des hommes pour amener l'opprobre sur vous. Si vous avez des problèmes, ça vous trouble, allez devant le Seigneur pour qu'il lui parle lui-même. Si c'est le Seigneur qui te dit ça, crois à ce qu'il t'a dit. Si ce n'est pas le Seigneur qui t'a dit que tu ne prends la partie des hommes, je crains bien que vous ne faites attention. Vous ne connaissez pas, fermez vos bouches. Parce qu'arrêtez, l'une des choses dans ce ciel, ce que j'ai vu, c'est que quelqu'un va se lancer à l'autre. Tu penses que tel est serviteur de oui ou non. Ce n'est pas notre mission, ça. D'accord? Si tu as une relation, nous allons parler de relation aujourd'hui. Si tu as une relation avec le Seigneur, va devant le Seigneur. Va, pas sonné de manière parce que hein, quand tu vas venir, tu vas dire que je sais que celui-ci c'est un serviteur de Dieu. L'autre va venir, il sait que c'est un démon. Maintenant, quand vous servez cela, Dieu lui dit quoi? Amen. Vous comprenez cela? Voilà. Alors, Moïse était un magicien, dit la Bible, enseigné dans toute la connaissance d'Égypte. Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes qui n'est jamais né, a rejeté Jésus-Christ clairement avant de mourir. Qu'est-ce que tu en dis? C'est vrai ou pas vrai? Jean-Baptiste. Et c'est ça que dans un jour, on parlait de nous, j'ai posé la question. Quand les disciples sont venus, est-ce celui qui doit venir? Bon, il est venu, nous attendons un autre. Pourtant, c'est lui qui avait dit dès le départ de son ministère, dès le départ de son ministère. Voici l'agneau de Dieu qui a enlevé le passé. Jean répondit de lui cette témoignage. Celui qui m'a envoyé, donc il a eu la révélation de Dieu que celui sur qui tu verras l'Esprit descend, c'est celui qui baptise le Saint-Esprit. Donc il n'avait pas de doute pour Jean-Baptiste. Ouais. Il est en prison. Il dit, allez lui dire que est-ce que c'est lui-même lui qui doit venir? Jésus dit que va lui dire, les aveugles voient. Pendant qu'il part, Jésus dit quoi? Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de. Jean-Baptiste a fait quoi? Il a été une occasion de chute. N'est-ce pas, frère? Jean-Baptiste est chez Satan. Non. C'est là un enfer. Faites attention. Amen. Oui. Le conseil payant, les livres, les hommes de Dieu. Tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Tout ça doit arrêter. Tout cela, les conseils payants. Vous avez des conseils dans la Bible? J'ai déjà dit ici, depuis que je suis dans cette ville-ci, j'ai dit que éloignez-vous de tout ce qu'on a ajouté à la Bible. Dieu n'a pas. Ils ont dit que c'est la stratégie pour que les gens viennent au conseil pour gagner les âmes à Christ. C'est ce qui n'est pas la stratégie. Quand c'est veut que quelqu'un les sauve. Ça, c'est une stratégie pour avoir leur argent en utilisant le nom de Dieu. Ce n'est pas une stratégie pour gagner les âmes à Christ. Tout ce qui est payant, éloignez-vous-en. Il n'y a rien de Dieu qui est payant. Yeah. Si chantez la musique pour chanter, il ne faut pas que c'est une musique chrétienne que tu vas écouter pour être édifié. Non. Vous achetez votre musique comme vous achetez le pain au marché. Les dons spirituels ne se vendent pas. C'est bien compris? Amen. Mm-hmm. On peut avancer là maintenant. Avançons. J'ai terminé en disant ceci. Branham va se tenir devant le Seigneur pour condamner ces gens-là. Pour les rejeter clairement. Que je ne vous ai jamais dit ça. Et ces paroles qu'il a dit, que sa voix l'a dit, seront dessinées là-bas pour le dire clairement. Et moi, je serai là pour dire clairement que je suis d'accord avec ces condamnations, ces jours-là. Parce que la parole rejette tout ça. La parole rejette tout ça. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choix, que ce soit dans les cieux, sur la terre, quoi que ce soit. Encore moins adorer un mort, n'est-ce pas? Encore moins adorer un. Ils ont la photo des morts là-bas, parce qu'il y a même des commémorations sur sa tombe. Mais c'est quand même, c'est pas la sorcellerie ici. Vous avez des besoins quelconques, vous allez m'arrêter au jeu qui est pris. Mais je crois que vous savez qu'il vient de rentrer, on ne peut plus se voir, vous me posez des questions. Oui. Bon, j'ai écouté un peu. Ah, on ne voit pas que les gens puissent suivre là-bas. J'ai écouté un peu l'enseignement sur le repas du Seigneur. Oui. Avec le lavage des filles. Oui. Bon, je n'ai pas compris. Pourquoi tu as enseigné ainsi? Parce que j'ai l'impression que les deux choses ne doivent pas aller ensemble. Le quoi et quoi? Le lavage des pieds avec le repas du Seigneur. Repas du Seigneur. L'impression que tu as, tu as l'impression d'où? Bon, j'ai l'impression du fait que. En fait, ce qui se cache derrière, c'est que ce que Jésus a fait dans Jean chapitre 3, c'était un enseignement. Voilà. Ah, non, j'ai déjà répondu à ça dans cette question, dans ce repas là. Donc, ce n'est pas un enseignement parce qu'il a lavé le pied physiquement. Oui, par rapport à la bassesse et l'humilité, il leur a enseigné cela, l'humilité. Il y a eu le lavage des pieds physiques. Il a dit si vous savez ces choses-là, vous les pratiquez. Oui, je sais. Oui. Je sais. Oui. Donc, on doit pratiquer le lavage des pieds, on ne doit pas pratiquer. On doit pratiquer. Quel est le problème alors? Le problème est que, est-ce qu'on est obligé forcément de, après le repas du Seigneur, laver les pieds? Il a fait ça à quel moment? Bon, je peux dire. Non, attends, il a fait ça à quel moment? Ne dis pas je peux. La Bible non, dit clairement. Parce que en Jean, oui. On n'a pas relaté le repas. Non, attention. Mais on dit clairement qu'il a dû prendre le repas ce soir-là, okay, non? Okay. C'est ça qui est écrit. C'est que Jean a dit ça, c'est lui qui a parlé de lavage, et puis les autres n'en ont pas dit. Donc, c'est qu'il a montré à lui de mettre la lumière là-dessus. De l'autre là-bas, c'est sa complétude, c'est ça qui complète tout. Il y a lavage des pieds pendant la Sainte-Seine, oui ou non? Bon, là, il a lavé les pieds. Pendant la Sainte-Seine. Il a dit qu'on pratique ça sans ce commandement, non? Voilà. On a le droit de le faire, non? Oui. Quel est le problème alors, mon frère? Bon, le problème est que par rapport à ce que j'ai lu, oui. Depuis le commencement, depuis la Genèse jusqu'à Jean là. 1 Corinthiens, quelque chose comme ça. Oui. Où on demandait à ce qu'une femme soit recommandable. Si elle non, ça, c'est 1 Timothée chapitre 5, verset 8 et 10. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'on maintenant, dit? Aussi. C'est que dans l'ancienne alliance, oui. Les hommes, quand ils recevaient. Ils pratiquaient ça. Voilà, ils pratiquaient qu'est-ce ça. Que tu veux dire au juste voilà, je veux parce dire... que même la rupture du pain, ils le faisaient aussi. Depuis Abraham, on a fait la rupture du pain. Voilà. Vous rompez le pain aussi. Oui. Tu ne me parles pas que c'est la coutume juive, que c'est la tradition Moyen-Orient. Non. D'accord. Voilà, ce que je veux dire. Ce que je veux poser. Quand le père parle, clairement. je le bombarde un peu voilà. Pour le pousser. Oui. Ce que je veux exprimer clairement. Oui. Est-ce qu'on est obligé de laver les Jean chapitre 13. Ouvre-moi Jean chapitre 13. Ouvre d'abord Jean chapitre 13. Quand tu as ouvert, je te donne le verset maintenant. Jean chapitre 13, rapidement. Courage, d'accord. Courage. Je vous ai dit que si vous êtes disponible, il peut enseigner comme ça jusqu'à lundi matin. Ça ne me dérange pas. C'est vous que j'ai pitié. Mm-hmm. Jean chapitre 13, lis-nous le verset 17 à haute voix. Le verset 17 à haute voix. Allons-y. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Regarde-moi. Quelles choses? Tous les commandements. Non, il a là clairement, il a dit en clair ce qui se faisait là-bas, c'était quoi? Voilà. Uh-huh. Après, bon, oui, non, dans le lavage, non. Oui, et puis il y avait le lavage des pieds. Voilà, la pratique de ça, ça veut dire quoi? La pratique, quand on dit pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'exercer. L'exercer. Mais fait. Quelle est la question que tu me poses? Si elle a voilà. Dit ça, comment bon, tu me poses la question? Parce que frère, selon que les anciens oui. Ou bien les patriarches l'ont fait. Quel patriarche? De la Bible ou bien des Côte d'Ivoire? Oui. Et j'ai reçu des frères chez moi. Oui. J'ai eu la conviction oui. De leur laver les pieds. Il n'y a pas de problème, c'est biblique ce que tu fais. Voilà. Ça, donc, ça c'est même une prescription même pour les femmes. Mm-hmm. Donc pour les femmes même, c'est même une prescription pour elles. Parce que 1 Timothée 5 que tu as cité, on dit qu'une femme, pour être inscrite sur le rôle des veuves de l'église, est accomplie beaucoup de bonnes œuvres. Recueillir les seins, laver les pieds. Ce n'est pas qu'elle va laver le pied quand elle est veuve. Que c'est pourquoi le conseil qu'on veut, il dit qu'il ne faut pas qu'elle ait moins de 60 ans. Ça, c'est une condition. Donc, ça dit que si elle a 60 ans, première condition est respectée. Si elle a 58 ans, elle ne doit pas être inscrite parce que c'est le Saint-Esprit qui a donné ces ordres-là. Quand elle a ses 60 ans-là, il faut qu'on ait regardé dans sa vie qu'elle accueillait les saints, elle faisait l'hospitalité et qu'elle avait lavé le pied. Si ces conditions manquent, on ne l'inscrit pas comme rôle. Le Saint-Esprit a été clair. Donc, ça dit que c'est une pratique qui était régulée chez elle parce que là, il a de parler à l'église d'Éphèse. Éphèse, c'est chez les Grecs parce que les gens disent que non, c'est la pratique juive. Et fait sécher les Grecs. Et il en a décrit cela, la même chose que les Juifs faisaient, il en a de faire là-bas. D'accord, mon cher frère? Laver des pieds des saints. C'est vrai que c'est une tâche vraiment de la bassesse qui était là-bas. Mais c'est une prescription pour l'église. Nous le sentons, les gens qui disent que non, nous sommes spirituels. Mais on dit qu'une veuve, la veuve n'est pas spirituelle, la veuve est fille physique. Pour être inscrit sur le roi, ça veut dire que pour que l'église prenne en considération qu'elle est veuve, nous devons la soutenir parce qu'elle n'est personne. Il faut que voici les conditions qui soient respectées. Un peu comme on a dit que pour que quelqu'un soit évêque de l'église, voici les conditions qu'il doit respecter. Ce n'est pas qu'il devra être évêque avant de respecter les conditions. C'est qu'il va respecter les conditions. Les conditions doivent être rencontrées avant qu'on l'établisse comme un évêque. De la même façon, une femme, pour être inscrite sur le rôle, doit avoir fait ces choses. Et parmi cela, dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, il parle de laver les pieds des saints. Donc c'est légitime. Si elle vient chez toi, tu me laves les pieds, j'accepterai parce qu'il sait que c'est scripturaire. D'accord? Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Parce qu'on dit que non, tu es en train de judaïser les gens. Ça, c'est le pratique. Mais Jésus a dit que si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous l'êtes. Oui, mon frère. Pour le témoignage, même là, en fait, même au niveau même de la Côte d'Ivoire, ici, même, oui. Il y a un frère qui a commencé à faire cette pratique-là. Oui. C'est-à-dire, quand tu vas chez lui, il prend un seau d'eau, il prend une serviette, il te lave les pieds. Il fait ce qu'il est de lui. Et moi, je vous ai dit. Je vous ai dit que je ne suis pas venu enseigner le mariage pour que vous enseignez quoi. Je suis d'accord avec vous. Quand quelque chose est biblique, je vous dis que c'est biblique. Vous voyez, si je me tiens à m'entêter sur quelque chose parce que je ne peux pas m'éloigner des Écritures, vous comprenez, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'on peut s'entêter de l'Écriture chaque fois qu'on n'a pas la compréhension de qui est là-bas. C'est écrit clairement que si vous connaissez, pratiquez. Voilà. C'est simple. Pourquoi désobéir? Si je connais la Sainte-Sainte, je pratique. Quand vous venez au Cameroun, vous venez chez les saints, vous allez voir que vous allez venir. Première chose, il va amener l'eau pour vous laver les pieds. Parce qu'il connaît déjà cet enseignement. Ça, on a déjà traversé cela, on avance. Si quelqu'un dit que je lave ses pieds sans et autres, c'est votre problème. D'accord? Oui, si. Oui, mais par rapport à ce que tu as dit par rapport à Branham. Branham, il payait Jim. Et puis aussi, il fréquentait son. Ça fait de lui faux prophète. Vous me laissez parler pour que je me. Oui. Voilà. Oui. Et puis, il a dit aussi, un noir ne peut pas se marier avec un blanc. Ça fait de lui faux prophète. Réponds-moi à la question. C'est là. Je te pose la question. Non, toi, je te pose la question. Tu es marié. Non, tu es marié. Est-ce que tu peux aller prendre ta femme chez une bouddhiste? Une bouddhiste qui est ivoirien. Non, réponds-moi. Je suis attentivement. Réponds-moi. Est-ce que tu peux aller prendre ta femme chez une bouddhiste? Réponds. Oui ou non? Non. Pourquoi? Ce n'est pas une femme. Mais ça n'a rien à voir. Non, tu vas comprendre pourquoi je suis en train de parler. Tu vas comprendre pourquoi je suis en train de parler. Quand Dieu a interdit à Israël de ne pas prendre les femmes de d'autres peuples dans leur fleuve, ils avaient le même pot. Quand Dieu a dit à Israël, tu ne prendrais point de filles pour tes fils ni de tes fils pour leurs filles. il n'a parlé d'aucune des nations qui soit sur la terre. Pour Israël, non. Ça veut dire que si c'est avec un Africain, Dieu a interdit un Africain chez un Juif. N'est-ce pas? N'est-ce pas, mon cher? Je ne sais pas si tu connais. Il dit, hein? Non, non, écoute-moi, il répond. Parce que tu as envie de me poser la question. Je dis que ceci. Dieu a interdit aux Juifs de s'allier par mariage avec d'autres tribus de la terre, non? C'est pas ça? C'est pas les mêmes sujets, frère Junior. On parle les couleurs de la peau. On parle non, non, les Juifs ont leurs couleurs. Les Juifs ont leurs couleurs. Les Noirs ont leurs couleurs. D'abord, on s'adresse d'abord. Non, non, j'essaie de quoi vous parler. Écoutez, je vais vous dire quelque chose maintenant. Attends, je vais vous dire quelque chose maintenant. Mon cher frère. Regarde, suis attentivement. Toutes les courants doctrinales qui s'est jamais levé sur la terre au milieu chrétien, depuis les premiers apôtres, après que les derniers apôtres soient morts, jusqu'à maintenant, je les connais. Il dit bien toutes, sans exception. Il y a des courants religieux que si vous parlez, il y en trouve, ça se trouve même pas en Afrique. Il y a des courants religieux que je vous parle maintenant, même dans le monde européen, ils ne sont même pas au courant, ça se trouve chez les Amérindiens. C'est ceux qui ont certains breaks de la loi qu'ils ont découvert, que personne ne connaît, que je connais. Donc, ça veut dire que quand tu te poses la question que c'est pas ça dont tu viens de parler, je sais exactement ce que tu viens de parler. Tu viens de parler de la ségrégation. C'est ça que tu viens de parler. Alors, je te pose la question. Dieu, quand il dit aux Juifs qu'il les interdit d'aller prendre les femmes chez les autres peuples, ça veut dire que ça peut être un peuple qui n'a pas les mêmes couleurs que lui. Il n'a pas dit qu'à condition que s'ils sont blancs comme vous, alors vous prenez les couleurs. Nous sommes d'accord, non? Mais ça va, mon cher? Bon, quelqu'un avait une question ici. Oui, prends la question. Ça veut dire laver les pieds. Laver les pieds, ça veut dire laver les pieds. Laver. Est-ce qu'il y a un parabole là-dedans? Attends, laver les pieds, ça veut dire quoi? Quand il lave les pieds. Non, non, il n'y a pas un sens. Le sens, ça veut dire laver les pieds. Simple comme ça là. Pose la question. Oui. On a dit que ayant lavé les pieds des saints, on n'a pas dit qu'un à l'église, on a dit laver des pieds. Point. Ne me dis pas ce que la Bible n'a pas dit. On a dit qu'elle est laver les pieds. Donc si tu veux laver l'église, c'est où? C'est pas nous qui formons l'église. Alors lave les pieds des saints. Si c'est un saint, lave-lui ses pieds. Si c'est au marché, lave. Si c'est dans la voiture, lave. Des questions ici. Pourquoi on cherchait l'endroit où il faut laver? Oh, la Bible avait l'eau de Javel. La question c'est où maintenant? Oui, prenons ici mon frère. Ma question, c'est une préoccupation. Écoutez ici mon frère. C'est une préoccupation. La Bible dit, on a qu'à sonder les écritures à chaque fois qu'elles sont confrontées. Oui. Et il a dit aussi que dans toute l'assemblée des justes, oui, que les femmes se taisent. Non, dans toute l'assemblée des saints, dans 1 Corinthiens 14, que les femmes se taisent. Oui. Vous comprenez bien là, oui. Oui. Si elle veut parler, qu'elle attend à la maison. Elle est mariée à la maison. Je ne sais pas comment vous pouvez expliquer ça. Non, ça veut dire clairement qu'elle ferme les soupapes. Donc elle ne doit pas bavarder comme elle bavarde là. Mais pourquoi ça se fait ici? Non, c'est un désordre. Donc il faut corriger. Vous êtes, c'est vous qui êtes ici là. Chez moi, ça ne se passe pas. Ils sont déjà enseignés là-bas. D'accord. Bon, maintenant, vous êtes là comme ça maintenant. Quand vous entendez les instructions, ça veut dire que les questions, comment ils ont posé les questions là, ce sont les choses que vous devez déjà leur enseigner cela. Vous devez enseigner, ils ne devaient pas avoir des précautions comme ça. Mais comment il y a des précautions, ils ont compris que les femmes doivent passer de parler. Donc désormais, les prochaines réunions, qu'elles ne parlent pas, pour ne pas entrer dans la désobéissance, parce que la Bible interdit cela. Que si elle veut parler, qu'elle attend à la maison. À la maison pour interroger le mari. Pas même sur la route, hein. À la maison, parce qu'elle ne veut pas parler. La... oui, salut, moi. Oui. Tu vois, regarde, malgré que tu parles comme ça, elle veut parler. Toi, tu as vu, non? Tu as vu? Malgré que tu parles n'importe comment, elle veut toujours parler. Les femmes, c'est un problème, je vous le dis. Donc, on va enseigner aujourd'hui. Ah, donc ça dit qu'on désobéissant aujourd'hui pour que demain on ne désobéit plus. C'est ce qu'il a dit là. On a posé la question. Oui, vas-y. Non, mais on a dit que la femme s'était. C'est vrai. Ah, donc c'est vous, ça va. Oui. Tu t'étais alors. Mais il a dit qu'en présence de Dieu aussi, que pour prier, pour Dieu, il faut couvrir aussi la tête. Prenons ici. Attendez, il dit quelque chose. Attendez, il dit quelque chose. Si vous aimez le Seigneur, vous devez obéir à sa parole. D'accord. Si vous aimez le Seigneur, n'essayez pas de dire que c'était pour une femme spirituelle ou autre là-bas. On lutte même maintenant pour avoir l'esprit. N'est-ce pas? Reste à savoir si on a même d'abord l'esprit. Donc, laissez le premier spirituel. Le commandement de Dieu s'obéit pratiquement. Donc, n'essaie pas de tourner maintenant qu'il n'y a plus ni homme ni femme en Christ. Il faut d'abord vérifier d'abord que tu es en Christ. Nous sommes d'accord, non? Donc, ce qui est d'abord facile, accomplissez. D'accord? Le voile de la femme n'est pas spirituel. Parce qu'on a dit qu'elle se voile. N'est-ce pas? Tandis que c'est elle à se voiler. Qu'elle se voile. Si elle veut prier ou qu'elle veut préférer, teaser, qu'elle le fasse. Donc c'est une obéissance, on avance. Les petites choses de l'écriture que vous ne comprenez pas, ou mieux que vous comprenez, vous philosophez, ce sont ces choses qui nous arrêtent chaque fois d'avancer avec le Seigneur. Parce que le Seigneur a dit que si vous n'êtes pas fidèle dans les moindres choses, qui vous donnera les grands. Les gens vont se moquer de vous, en disant que peut-être vous vous habillez comme ça, vous cachez la malice sur le cœur. Mais il y a des enseignements que vous êtes censé avoir pour dépouiller le cœur à l'intérieur. Pendant que tu fais comme ça, tu seras dans le dépouillement avec le Seigneur. Il ne comprend pas que Dieu te nettoie l'intérieur, mais il te condamne l'extérieur en disant que vous êtes des pharisiens. Il n'en demeure pas moins qu'on reconnaît le moine par son habit. Parce que le chrétien, il a dit que la femme est l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc en voyant une femme, on va laisser voir que les femmes qui font professeur de servir Dieu, c'est comme ça. Parce que si tu portes les sexy avec le vent dehors, on dit que tu parles de Dieu et tu t'habilles comme ça. Donc ton habillement identifie qui tu es, la nature qui est à l'intérieur, pas vrai? Donc obéissez au commandement de Dieu. Sans que ça vous fasse mal. En fait, si ça vous fasse mal, la Bible ne va pas changer. Faites question. Bon, c'est au niveau de la théodicité de la pratique de la scène. Oui, c'est une seule fois par an, laissez-moi tranquille. C'est une commémoration. Non, laisse les certaines, frère. Je ne suis pas sûr avec certaines. Une commémoration. Christ est mort combien de fois chaque jour? Une seule fois. Alors, quel est le problème? Il a dit, fais ceci en mémoire de moi pour se souvenir de ma mort. Alors, laissez-moi le problème que quand toutes les fois vous mangez, toutes les fois, si tu manges cette année-ci, l'année prochaine, tu manges, chaque fois tu vas annoncer sa mort. Tu commémores sa mort, il n'a pas dit tous les jours tu manges. Il n'a pas dit ça. Amen. Il n'a pas donné le libre quoi qu'on fasse n'importe comment. Parce que c'est une commémoration. Une commémoration est faite en une période bien déterminée. Laissez-moi les choses que je vais en bavarder là-bas maintenant. Vous comprenez que les gens prennent à midi, l'autre prend deux fois par semaine. Vous prenez ça où dans la Bible? Et c'est une commémoration. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. La Bible déclare, le soir étant venu, à l'heure bien convenue, et j'ai désiré manger. Donnez pas manger ça n'importe quand. Il a attendu le moment opportun. Au soir, ça ne se réveille pas dans la journée. C'est au soir, après le coucher du soleil. Ça doit se pratiquer comme ça. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et il a dit que chaque fois que vous allez faire, toutes les fois que vous le fassiez, c'est ma mort que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. C'est une commémoration. Chaque année, vous faites un an de mariage. Il célèbre un an de mariage. Vous ne célébrez pas ça chaque jour parce qu'il y a un jour où vous êtes marié. Il y a un jour où vous êtes né pour les commémorations de naissance. Les gens font les commémorations de la mort de leurs parents. Il dit, il y a cela 25 ans, jour pour jour, le Seigneur appelait à lui tel. Pas vrai? Mais c'est chaque jour qu'il célèbre ça. Pourquoi pour Christ, vous faites n'importe quoi? La Bible n'a pas donné sa libre cours comme ça. La Bible a dit, lui, il a dit, faites ceci en mémoire de moi, soit en souvenir. Toutes les fois que vous allez manger cela, donc, si il fait ça cette année, c'est pour vous souvenir de sa mort. L'année prochaine, fait, je vous en ai annoncé comme ça sa mort, il me souvient de sa mort. D'accord, mes chers frères? Des questions? Oui. Oui. Quand l'apôtre Paul, par exemple, dit que de ne pas observer les temps, le ceci, je crains d'avoir que. Maintenant, oui. Par rapport à la chose à la fête du Pâques, c'est la oui. commémoration de la fête du Pâques. Oui. Selon Lévitique 23. Oui. Et dans Lévitique 23, quand Dieu donne ça au peuple. Peuple juif. Verset 1, il donne ça au peuple juif. Oui. Et puis il donne les recommandations comment oui. ça doit se faire. Oui. C'est-à-dire que quand il donne comment ça doit se faire, on voit que c'est d'abord même c'est en Israël que ça doit se faire. Oui. C'est-à-dire que pratiquer la Pâques. Pratiquer, oui. Pas les gens qui étaient en dehors d'Israël. Qui étaient là-bas pour venir. Puis maintenant, oui. dans quel. Comment. Parce que si c'est. Parce que quand je comprends dans Colossiens, quand l'apôtre Paul dit par exemple de ne pas rentrer. Dans la doctrine, les faits ici, les jours, et vous observez les jours, vous observez ici. C'est-à-dire oui. que les autres juifs qui étaient en dehors d'Israël, oui. qui demandaient peut-être aux chrétiens qui n'étaient oui. pas oui. qui n'étaient pas sur le territoire juif de pratiquer ces fêtes. Oui. Non, c'est pas pour ça, c'est pas pour ça. Dans Colossiens, là rapidement, merci pour sa question. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, où il dit clairement, je crois avoir Colossiens avec vous, observez les jours et les années. Mais c'est lui qui a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 13, souvent, il dit, célébrons donc la fête, non avec le vin de la malice, n'est-ce pas? Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a dit, célébrons la fête. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. D'accord? Et il a dit, ça, c'est pas au juif qu'il a dit, c'est à l'église de Corinthe, donc aux Grecs. Il dit que quand vous réunissez pour le repas du Seigneur, donc eux, ils se réunissent parce qu'il les a enseignés ça dès le départ. Avant que Christ, l'apôtre Paul, ne vienne enseigner aux Corinthes, les Corinthiens ne pratiquaient pas ce que les Juifs faisaient. Or, là, à Corinthe, ils ne sont pas à Jérusalem. Ils ne leur ont pas demandé d'aller à Jérusalem pour faire cela. Ils sont à l'église de Corinthe. Il dit que j'apprends que lorsque vous réunissez pour le repas du Seigneur, il n'est pas dit à Jérusalem, c'est à Corinthe. Il dit que chacun commence à manger par son repas pendant que l'autre. Il dit que vous voulez nous faire honte au Seigneur. Où est-ce, n'est-ce pas? Vous direz, la terre du Seigneur se trouve là-bas à Corinthe, pas à Jérusalem. Donc, les chrétiens célèbrent leur fête, pas comme les juifs le faisaient, ni aux dates que les juifs le faisaient. Parce que ce qu'il en est reproché à Galates, c'est que les gens disent, par exemple, que si vous n'allez pas à Jérusalem, vous devez observer les sabbats, faire le truc de Moïse. C'est pas pour les rituels là. Mais nous avons une fête que Christ nous a demandé d'instituer. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11 là, que j'ai reçu du Seigneur ce que je vais enseigner, que la nuit où il fut crucifié. Or, on ne voit nulle part où l'apôtre Paul a reçu ça, je dis que physiquement. Donc Jésus, après avoir été mort, ressuscité, il a enseigné la même chose qu'il a dit dans la soirée à l'apôtre Paul. N'est-ce pas, frère? Et là, c'était mot pour mot ce que Jésus a dit dans la rue, dans les évangiles. Pourtant, les personnes qui étaient là-bas étaient tout le monde là-bas, sauf Paul. Alors, c'est Christ qui lui a expliqué ce qu'il a fait. Donc, ça veut dire que ça tient au cœur de Christ. Amen. N'est-ce pas, frère? Non, voilà. Clair. Oui, mon cher. Elle a encore parlé. Quelles sont les fêtes des chrétiens? Elle a encore parlé. La seule fête chrétienne, c'est cette fête dont on a parlé, la commémoration de sa mort. C'est la seule. Oui. Peut-être Il n'a pas parlé. Non, mais ah, non, on désobéit pour édifier. Ne faites pas ces choses-là. Tenez-vous à la parole. Sinon, quelqu'un m'a dit que non, la femme l'a pu donner une bonne parole pour me faire. Dieu n'a pas dit qu'elle est nouveau, donc il ne peut pas parler. Oui, Dieu. Quoi? Je suis nouveau ici. Non, non, on n'a pas dit qu'il y a même parce que ça dit que le nouveau ne peut pas parler. La Bible, regarde, n'est-ce pas? La Bible n'a pas dit que la femme ne peut pas enseigner. Il y a des femmes qui peuvent donner des enseignements que toi-même, ça peut te renverser. Mais elle ne doit pas le faire. Est-ce qu'elle ne peut pas. Si c'est si comme elle n'a pas le droit de parler, oui. Et qu'elle a une question à poser, oui. Est-ce qu'elle ne peut pas vraiment écrire ça sur un papier? Oui, si on a cette parlé, c'est ouvrir la voie. Là, elle n'a pas parlé. Voilà. Donc, elle a contourné la parole. Mais elle n'a pas parlé, elle a contourné. Oui, tu peux lire la question. Tu sais, pose la question comme ça là, pour dire telle ou telle chose. D'accord? Et tu le fais. Quelqu'un voulait poser une question sur mon frère Achille. Vous dites que c'est une seule fois par an. Oui, non, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Oui, la date. La date de la commémoration de sa mort. La date de la commémoration de sa mort, la Bible dit Christ est ressuscité quand? Quel jour de la semaine? Samedi. Il pose des questions ici. Non, non, ça c'est une troisième, ça c'est clair que c'est une troisième. C'est quel jour de la semaine? Qui parle? Vous avez peur ici, là ou bien je pars? Bon, de toute façon, frère, allons-y. Comment? Le premier jour de la semaine correspond à quel jour? Le dimanche. Le dimanche. Alors, non. Christ est ressuscité dimanche, levez la main. Pour ceux qui disent qu'il est ressuscité dimanche, levez alors la main. Après, vous avez dit premier de la semaine maintenant, vous baissez la main. Vous faites comme ça, vous avez peur. Ok. Christ a récité mercredi, levez la main. Bon, de toute façon, il récitait un jour, non? Je vais citer les juifs parce que vous avez levé les mains ici là. Bon, il récitait vendredi, levez la main. Samedi, récitez la main. Bon, il y a les gens neutres ici qui disent qu'ils ne connaissent pas le jour. Les neutres, les mains en bas, c'est qu'ils ne connaissent pas, n'est-ce pas? Ils sont devant la répondre à la question parce qu'il a dit que c'est quand donc? Puisque c'est une seule fois, c'est quand? Il y a un jour, il est mort. Comment? Dimanche. Dimanche. Tu dis dimanche. C'est dans la Bible, n'est-ce pas? Ah, le premier jour. On a dit que le premier jour, il est ressuscité. Le calendrier, dans notre calendrier. Oui, le premier jour, c'est dimanche. Ok, donc il est mort quand? Il est mort le vendredi. Ok, compte donc. Allons-y. Vendredi, samedi, dimanche. Ça fait trois jours. Ouais. Hein? Il est mort, l'heure est mort, il est mort aux environs de 15h du vendredi. Ah, oui. Si c'est vendredi, n'est-ce pas? De 15h vendredi à 15h samedi, ça fait combien? Un jour. 15h vendredi à 15h samedi, ça fait? Un jour. De 15h samedi à 15h dimanche, ça fait? Un jour. De 15h dimanche à 15h lundi, ça fait? Ce n'est qu'après là qu'il doit être ressuscité. Donc, s'il est mort vendredi, forcément, il doit être ressuscité après lundi. Parce que tu dis qu'il est ressuscité dimanche. Je pose la question, Jésus qui est ressuscité quand? Samedi. Vous allez lire la Bible là vraiment. Pas ce que les gens ont raconté. Parce qu'il a dit que de même que Jonas passa trois jours et trois nuits. Jour, ça veut dire clarté. Nuit, ça veut dire obscurité. Il faut qu'il y ait trois obscurités, trois clartés avant qu'il sorte. N'est-ce pas, frère? Vendredi, dans l'après-midi, jusqu'à dimanche matin, il n'y a pas de trois jours, trois clartés, trois obscurités. Vous devez recorriger toutes ces choses-ci. Vous devez recorriger. Maintenant, je reviens. Quand est-ce qu'il a été crucifié? C'est-à-dire que dans le calendrier juif, peut-être si ça te dérange. Bon, entre deux sabbats, c'est ça. Bon, il a dit que quand est-ce que. Parce qu'il a dit, tu as dit, c'est une seule fois. Puis il dit, ok, comment dans le calendrier on se situe cela? Nous avons le calendrier pour nous identifier aujourd'hui, calendrier grégorien ou bien julien, n'est-ce pas? Et ils ont le calendrier juif qui n'a jamais changé. La Bible déclare que c'était le 14 Nissan, le jour où on devait immoler la Pâque, devait arriver, non? On dit la fête des pains sans levain devait avoir lieu dans deux jours. Jésus dit dans Matthieu, Marc chapitre 14, à partir du verset 1, vous savez, donc ils savent cela, que la fête des pains sans levain a lieu dans deux jours. Donc ils connaissaient le calendrier. C'est à ce moment-là qu'il a dit allez faire ces choses préparatives. Ils ont préparé. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les disciples. Nous sommes d'accord, frère? Donc c'est identifiable le soir où il a fait cela. C'est le soir du 14 Nissan. Et donc chaque fois, donc, correspond donc ton 14 Nissan avec ton calendrier pour comprendre ce que ça veut dire. C'est aussi simple que possible. Parce que vous utilisez les correspondances. Les musulmans ont les correspondances des calendriers. D'accord? Selon l'an qu'ils ont rapport à Mohamed. Le chrétien, vous avez votre calendrier tellement embrouillé. Quand on dit septembre, 7 ça veut dire 7e mois. Pas vrai? Octobre, ça veut dire octobre, ça veut dire que quoi? 8e mois. Décembre, ça veut dire. Mais vous avez décembre, comment ça va chez vous à combien? Ça n'a pas de ça. Même vos noms, même vous, que vous êtes dans le mensonge. Il faut la restauration de toutes ces choses. Donc vous dites que nous sommes en décembre, dixième, donc le dixième, 10, déca 10. Donc vous êtes en 10e mois, mais vous êtes en plein 12e mois. Et vous dites le 12e mois, on dit que le premier jour de l'année, c'est Janus. Alors vous devez réfléchir. Vous devez réfléchir, frère. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que dans votre calendrier, c'est un tissu de mensonges. Donc, par conséquent, quand vous dites... Oui. Non, c'est la date qui correspond qui est là. Si tu fais la correspondance, je ne vais pas regarder ce qui est là-bas. Si tu regardes 14 Nissan, tu vas voir la correspondance. Okay. Pour l'année qui allait devenir, ça va correspondre certainement au 30 mars. D'accord? 14 Nissan, c'est la date de la crucifixion. Vous allez lire la vie. Parce qu'il a même dit que, ok, puisque c'est une commémoration, si je suis né le 16 décembre, ça veut dire que chaque 16 décembre, c'est la commémoration de mon anniversaire. Alors, puisque la Bible donne clairement quand il est mort, c'est le soir du 14 Nissan. Donc, chaque 14 Nissan, c'est l'anniversaire de cette livraison-là. Et là, ils ont toujours le même calendrier aujourd'hui, parce que l'apôtre Paul, longtemps après, dit que je monte pour fêter la Pentecôte à Jérusalem. Il courait pour aller fêter, parce que le calendrier savait que telle période, c'est la Pentecôte. Il faut qu'il se retrouve à Jérusalem. N'est-ce pas? Donc, quand il dit que nous, je crois qu'on célébrait, en fait, il ne veut pas dire qu'il fait parce qu'il dit célébrons dans la Pâque. Il partait chaque mais il dit que les gens ne doivent pas aller célébrer comme à la manière de l'ancien testament, c'est que toutes ces choses étaient de l'ombre. D'accord? Donc, la seule célébration dont la Bible parle pour les croyants, c'est cette fête-ci. Il a dit qu'on célèbre sa mort. C'est ce qu'il a dit. C'est la seule fête que la Bible prescrit pour les chrétiens. Autre chose, frère? Bon, est-ce qu'il y a un rapport entre ça et le repas du Seigneur? Le repas du Seigneur, c'est une chose. C'est dans la soirée de la Pâque juive qu'il a institué le repas du Seigneur. C'est dans la soirée de la livraison. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez que normalement, l'agneau pascal devait être mis ce jour. Il devait tuer l'agneau. N'est-ce pas? Parce que la soirée dit qu'il faut qu'on garde l'agneau pour être immolé dans les deux soirs. Mais le soir, pendant qu'il mangeait là-bas, d'où vient-il qu'il y ait le pain et le vin? Je veux que vous m'expliquiez. Non, je crois qu'on n'a pas le temps. On n'a pas saisi ici. Vous voyez qu'il fallait que quelqu'un soit là. Si on tuait le mouton là-bas qui mange, ça devait poser problème. Parce que le type devait passer pour que la réalité vienne. Il a remplacé ça par le pain. Et le vin. Vous avez cela? Oh, laissez seulement. Des questions là? Mais là, je vous pose quand même une question. Moi, je vous pose une question. Pourquoi fallait-il forcément que le sang soit versé pour que les gens soient rachetés? Pourquoi? Vous avez exploité les écritures musulmanes. L'une des choses des musulmans, c'est que Dieu n'a pas besoin de sang pour pardonner le péché. Et c'est la prédication claire de la Bible. Donc les musulmans rejettent vraiment le salut par au travers du sang de Jésus. N'est-ce pas? Il dit, vous chrétiens, pourquoi fallait-il que le sang de Christ mange? Pourquoi? Vous allez réfléchir? Oui? Pourquoi on n'a pas dit par exemple que faites tes choses, accomplis tes choses? Pourquoi quelqu'un doit mourir? Et que son sang soit versé. Parce qu'il a dit qu'il a racheté par son sang précieux. Et ça, vous prêchez, c'est pas vrai? La question, c'est pourquoi fallait-il que ce soit le sang? Pourquoi sans effusion de sang, il n'y a point de pardon? Pourquoi Dieu pardonne seulement à cause du sang? Pourquoi? Moi, je vous pose la question. Oui. Quand nous lisons la Genèse, nous voyons que Dieu prophétise sur cette image-là lorsqu'il demande à Abraham de immoler au chapitre 22 de son fils. Oui. Et dans Lévitique. Dans Lévitique, il demande maintenant pour qu'on pardonne le péché, il faut forcément le sang. Ça, c'est l'explication. J'ai dit voilà. Pourquoi il exige le sang. Non, pourquoi? Je pars par là pour revenir à la Genèse. Oui. Normalement, quand nous revenons dans la Genèse, oui. Nous voyons que ce qui s'est passé entre le serpent et la femme, ça doit être le sang pour celui-là. Ça doit être le sang. Stoppons là-bas. Suis maintenant. Mon frère Mesmel. On a péché en Dieu par désobéissance. Je veux que vous m'écoutez très attentivement maintenant. Pourquoi? Pour que le péché soit racheté. La correction doit être faite par... Je veux que le frère Mesmer étudie ça. Tu as étudié? Ou bien tu donnes la réponse? Dans la loi, la Bible dit que et presque tout est... Et ça n'est pas le sang. Ça, c'est l'explication de la loi. Il dit pourquoi c'est pas le sang. Maintenant, on sait que tout le monde, le Seigneur même a dit que le cœur de l'homme est méchant. Oui. On sait que on ne sait pas c'est quel instrument qui peut sanctifier le sang et le cœur. Oui. À part le sang du Seigneur Jésus. C'est le livre qui nous a dit que c'est pas le sang qu'on doit être racheté. Oui. J'ai dit, n'est-ce pas, pourquoi Dieu a choisi que quelqu'un meure et que verse son sang pour que le péché soit expié? Pourquoi? La Bible dit que c'est sans diffusion du sang, il y a point. C'est ce que la Bible dit. Il dit pourquoi? Pourquoi le sang? Pourquoi c'est le sang qu'il a choisi? Pourquoi il n'a pas dit, par exemple, que désormais, ne désobéissez plus, vous êtes pardonné? Désolé, courez 4 fois le tour du monde, vous êtes pardonné. Donnez-moi par exemple, mettez-vous seulement à genoux, demandez pardon et c'est terminé. Pourquoi si tu demandes pardon et qu'il n'y a pas le sang qui a été appliqué sur toi, pas de pardon? Pourquoi? Si j'ai des questions à vous poser, si vous n'avez pas les cheveux, ça va pousser, je vous le dis. Si vous êtes les cheveux noirs, ça va devenir blanc. Mon frère, pourquoi? Le Seigneur, lui, il est venu avec quand on a vu, il est venu avec l'eau et le sang. Jusqu'à présent, ça c'est le Christ advenu. Pourquoi c'est le sang? La question, vous comprenez la question? Ça, c'est voici ce que le Seigneur a fait. Il a fait ceci, il a fait ceci. Quand l'homme a péché pour la première fois, il a immolé un animal pour le couvrir. C'est ça, c'est voilà le premier acte pour montrer que ce qui devait arriver. N'est-ce pas? Ça, c'est le premier acte. Pourquoi dans le jardin? Quand l'homme a péché, il n'a pas seulement dit, ok, allez, maintenant, je vous pardonne. Désormais, si vous péchez, il suffit qu'il dise, je vous pardonne. Ça ne coûte rien. Pourquoi fallait-il qu'il y ait le sang? Parce qu'on dit, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation de Dieu. Immolé. L'agneau immolé. Avant la fondation du monde. Pourquoi depuis la fondation du monde, c'est seulement pas le sang? Et sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Pourquoi? C'est Dieu qui a décidé. Oh, il a décidé toutes choses, alors oui. Parce que le sang, c'est ce que Dieu agrée. Mais il agrée aussi les holocaustes, non? Et les sacrifices. Il agrée aussi les rognons. Ouais. Je vais terminer, c'est parce que la terre a été souillée par le sang. Je suis d'accord avec ça. Oui, je t'ai posé la question. Parce que tu as dit que tu as dit que c'est à toi qui pose la question. Il a dit quelque chose. Il dit c'est parce que. Parce que, regarde, pourquoi? La réponse est parce que. Il dit pourquoi c'est pas le sang forcément. Parce qu'il faut que ça. Vous êtes les chrétiens, vous ne devez pas avoir peur de confronter les questions. Parce que si les musulmans te confondent, il va dire que nous, chez nous, on n'a pas besoin de Dieu qui veut le sang pour être croyant. Ils ont raison, parce qu'ils n'ont pas la révélation de cela. Oui, oui. Il n'y a pas de souci. La terre a été souillée par le sang. Pas de souci. Je suis d'accord avec ça. La terre par quel sang? Par quel sang? Ah, comment? La Bible dit que le malin était était le malin qui tua son frère. Et qui était le premier meurtrier. Ok. Donc ça veut dire que c'est le meurtre d'Abel. Le Jésus est venu comme ça pour nettoyer le meurtre d'Abel. C'est son sang qui a coulé premier. Ah, okay. C'est pourquoi la Bible a dit que le sang de ton frère, ça crise. Attends. Suivez très attentivement. Non, suivez. Écoutez très attentivement. Écoute très attentivement, mon cher. Non, suis. Suis. Le sang de ton frère, écoute. Mon frère Esmel, c'est moi qui ai posé la question, non? Avant que Caïn ne tue son frère, Dieu a d'abord tué un agneau pour couvrir le péché. Donc, avant que Caïn même ne commette le meurtre, Dieu a montré qu'il faut verser d'abord le sang. Pourquoi il verse le premier sang là? Parce qu'il a versé le sang avant que Caïn ne tue. Avant que Caïn même ne tue, Dieu a d'abord tué pour verser le sang sur la terre. C'est pour expier le péché. Alors que Caïn n'avait pas encore commis le meurtre. Donc, ce n'est pas pour l'exemple de meurtre du sang d'Abel, n'est-ce pas? Parce qu'il a d'abord versé le sang avant qu'Abel ne meure, n'est-ce pas, mon frère? Alors pourquoi? Dieu lui-même qui a tué. Oui, c'est ce que la Bible dit, non? La terre a été le premier sang. Suis. Il dit que quand tu situes Dieu, situes l'événement. Dieu a d'abord versé le sang sur la terre pour couvrir le péché d'Adam et d'Ève. Il les a sortis du jardin avant que maintenant ils ont venu faire les offrandes et que Abel a tué son frère, Caïn a tué son frère. Donc le meurtre d'Abel vient longtemps après que Dieu ait d'abord versé le sang pour couvrir le péché. Donc ça veut dire que c'est. Il a demandé pourquoi Dieu le Saint-Esprit va témoigner par les Écritures que c'est qui a Caïn fait le diable est le premier meurtrier par rapport en montrant. Non, là, ce que tu as cité, Jésus n'a jamais cité Caïn. Il n'a pas cité Caïn. Il a dit que votre père, le diable, il est le meurtrier, il a été meurtrier dès le commencement. Je veux bien parce qu'il n'a pas parlé de Caïn. Il a parlé du diable qu'il a été meurtrier. C'est pourquoi les saints ont dit que quand Caïn a tué son frère, il était sous l'influence de. Il n'y a pas de problème, c'est pas son maître. Je veux que tu me comprends. Avant qu'il ne tue son frère pour que le sang soit versé sur la terre, pendant qu'il marchait sur la terre, Dieu avait d'abord versé un sang pour pardonner le péché, pour couvrir le péché. Dieu n'est pas maîtrisé. Non, suis attentivement, je comprends. Je vous ai dit que. Ils sont du sang versé. Je vous ai parlé que pourquoi il a versé le sang pour couvrir le premier péché avant le meurtre là. Tu me suis. Il parle pas de meurtre. Oui. Il parle de meurtre. Il parle du sang versé. Du sang. Pourquoi le sang versé? Si Dieu a tué, si tu peux dire que Dieu est maîtrisé. Non, suis. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Quand il va annoncer, il ne me saisit pas. J'aurais souhaité développer ces choses pour qu'il saisisse. Je vous ai dit que. Quand le péché a été fait. Commis dans le jardin, avant que Dieu les chasse, il a tué un animal et il a tué, quand il tue, il y a le sang qui est coupé, qui est versé. Et de la peau de cette sang-là, de cet animal qui a été tué, il les a couverts pour montrer par cet acte-là que le péché n'est pardonné que par le sang versé. Il les a fait avant que plus tard, Caïn a tué son frère. Donc ça veut dire qu'il ne faisait pas ça pour le meurtre de Caïn parce que le sang ne criait pas encore. Parce qu'on n'expie pas le péché avant que le péché soit commis. D'accord? On n'expie pas un péché avant que le péché soit commis. La question c'est, laisse l'acte de celui-ci. Mais non, pourquoi il verse le sang d'un animal? Esmer. Ce n'est pas le meurtre. Il n'a pas dit que Dieu est tué. Il dit que le sang qui est versé. Pourquoi? Bon, prions maintenant, d'accord? Il y a des gens qui parlent loin. C'est toujours une question. Si vous posez 3-4 là, peut-être la prochaine fois, il dit que viens, si vous allez me chasser. Vous pouvez prier. Dès samedi, je ne serai plus dans votre pays. Je quitte votre pays pour aller au Maroc. Quand vous quittez Maroc, je ne sais pas où vous va diriger. Après le Cameroun, je ne sais pas où je vais partir en Afrique ou autre. Ou quoi, hein? Non, c'est pas comme ça. Prions d'abord. Après, si on voit si le Saint-Père, on va avoir la réponse. Parce que la réponse est dans la Bible. D'accord? Parce qu'il y a toujours un pourquoi que Dieu fait telle chose. D'accord? Donc, plus de questions. Pourquoi on plus prier? D'accord? Vous avez, mon frère, vous avez des besoins avec le Seigneur. Il n'y a pas de dons spirituels au ciel pour les guérisons là-bas. Les guérisons, les dons spirituels du ciel sont destinés pour nous ici. S'il y a des bontés, des choses, des grâces que Dieu a résolvées, c'est pour les saints, pour ceux qui croient en lui. Donc, vous devez expérimenter la guérison divine. Les visitations, les réponses à vos prières. D'accord? Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait comprendre que, en fait, les grandes choses qui nous empêchent, c'est parce que nous n'entendons pas sa voix, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous empêchent par rapport à cette relation-là. Cette relation serrée, communion que nous devons avoir avec lui. Il a dit cela. Donc, attelez-vous à ne pas regarder Dieu comme le bienfaiteur que quand vous avez des problèmes, il donne les solutions. Regardez-le d'abord comme votre Père qui vous aime et qui vous désire écouter sa voix pour faire sa volonté. Regardez-le premièrement comme ça. D'accord? Et que si vous dites n'importe quoi, même si ça vous les nerfs seront lâchés, souvenez-vous, il sait où il vous conduit. Il vous connaît mieux que vous-même. Et il ne dira jamais quoi que ce soit pour te faire du mal. Même si ça semble faire du mal dans ta chair, c'est pour ton bien plus tard. Comprenez ça et considérez ceci. D'accord? Alors, si vous avez n'importe quel problème ici, vous connaissez ce problème, Dieu connaît ce problème-là, je vais me tenir avec vous dans la foi pour nous unir maintenant pour demander la grâce du Seigneur par rapport à cela. Vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, on n'a pas besoin de vous présenter devant ici pour dire que viens ici devant Dieu, dis ton problème. Lui connaît votre problème, vous connaissez. Et quand il répond, vous saurez qu'il a répondu. D'accord? Mon rôle, c'est maintenant de nous amener ensemble devant lui. Il dit que qu'on vient les uns et les autres devant le trône de grâce pour être secourus dans nos besoins et pour obtenir miséricorde. D'accord? C'est ce qu'il a dit. On peut avancer maintenant. Tout simplement, ce qu'il nous demande, c'est avoir confiance en lui. Cette fermeté inébranlable que, comme il a dit quelque chose d'après sa Bible, il le fait et il le fera toujours et ne défaille pas. Faites-lui cette confiance aveugle. Que Seigneur, les hommes ne peuvent rien pour moi. C'est toi seul qui es mon sauveur. C'est toi seul qui es mon rédempteur. C'est toi seul qui es mon tout. Je compte sur toi. D'accord? Et dans tous vos besoins, dans la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais dans tous vos besoins, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Faites connaître vos besoins. Donc, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout ce qui crée obstacle entre vous et Seigneur soit ôté au devant de vous. Et je prie maintenant, Père, que leur prière te soit agréable, que tout ce qu'ils vont placer comme demande, que tu te souviennes d'eux, comme tu t'as fait dans la parole. Au nom, ô Dieu de gloire, la parole de ton serviteur, en accordant dans ce cœur des dispensations qu'ils veulent, des choses qu'ils te demandent maintenant. Alors, mes chers amis, placez vos demandes au Seigneur. Placez-les lui maintenant. Placez-les lui. Vous avez les demandes, placez-les lui. Et qu'il vous agrée au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, tes enfants se répandent en prière. Et la Bible déclare que ceux-là se répandaient en prière et tu leur étais favorable. Nous voici, Père de gloire, qui nous répandons en prière. Tu connais les besoins des uns et des autres ici. Tu connais les besoins, tu connais les tribulations, les persécutions, des choses par lesquelles certains passent ici. Tu connais les besoins physiques, les dons spirituels pour le service pour les uns, l'équipement spirituel pour les autres. L'enfant, oh Dieu de gloire, ou bien les enfants pour les unes et les autres. Je prie que pour ces couples, Père, qui n'enfantaient pas, que vos ventres s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez ma voix maintenant. Si votre oreille capte cette voix, quelle qu'en soit la position que vous avez sur cette terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour vous. Écoutez-moi maintenant. Quel qu'en soit le lieu où vous vous trouvez sur cette terre, quel qu'en soit le lieu où vous vous trouvez maintenant, je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous demandez à un enfant que votre ventre s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce que vous demandez, que le Seigneur vous l'accorde au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quel qu'en soit ce que tu demandais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui te l'accorde maintenant, qui te l'accorde maintenant, crois seulement, et tu crois là, c'est pour toi. Tu crois, c'est pour toi. Toi qui pries pour la guérison de quelqu'un, que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui crie maintenant au Seigneur pour que le diable ne touche plus ce qui t'appartient. Que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quels que soient les problèmes de guérison. Quels que soient les problèmes que l'ennemi avait placés dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça soit ôté de ton chemin. Seigneur, nous te remercions. Père, nous te remercions pour tes grâces. Nous remercions de tes grâces. Que ta grâce et ta bonté soient sur nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, accorde cette grâce à tes enfants. J'ai pris que tu témoignes de ta bonté à quelqu'un ici, à cette femme qui invoque ta miséricorde. Que ta miséricorde et tes faveurs soient sur eux. Et pour tous ceux-là qui m'écoutent maintenant, Père des gloires, qui demandaient quoi que ce soit, je prie, Père, que tu signales ta bonté dans leur vie. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te remercions parce que tu es agréable et que tu agrées nos prières. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu accordes au Dieu de gloire ce que nous avons demandé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris Père de gloire pour les conducteurs qui sont ici. J'ai pris Dieu de gloire que tu leur accordes les dons de l'esprit pour pouvoir travailler dans le ministère. J'ai pris au Seigneur que tu leur accordes des révélations. Que tu leur accordes les dons spirituels pour tout cela afin qu'ils te servent dans la sainteté. J'ai pris que tu leur accordes des dons de prophétie. Des dons d'opérer des miracles. Des dons Père de gloire répandus par ton Saint-Esprit. J'ai pris que tu leur accordes pour équiper ton peuple ici Père de gloire afin qu'ils te craignent comme tu le dois. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour que tous ceux-ci, quand ils vont dans la prière, qu'un contact soit créé entre toi et eux. Je prie au Dieu de gloire que tu enlèves les distractions de leur esprit. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu leur donnes de te servir en esprit et en vérité. Donne-le au Dieu de gloire de s'éloigner du mal. Donne-le au Dieu de gloire de se préserver des souillures du monde. Mais d'être au-devant de toi nuit et jour pour veiller à tes poteaux. Pour veiller à tes portes, Père de gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que le peuple de la Côte d'Ivoire, le peuple du monde, le peuple de toute la terre dise Amen. Amen. Amen. Amen. Vous y croyez? Amen. La personne qui s'est tenue ici, qui a ôté les choses de votre corps, il est au courant de ceci et il a votre signature. Vous y croyez? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. À la prochaine, si le Seigneur le permet. Amen. S'il ne vient pas, si dans mon périple, il y a l'enlèvement, je compte vous rencontrer là-bas. Amen. D'accord? Que Dieu vous bénisse.